bonne fin de week-end sur Fun Radio. Je m'appelle Mico, c'est depuis 18h, je vous ai mixé le Rodance 25, le classement des 25 titres les plus joués dans tous les clubs d'Europe. Et vous venez de l'entendre, il est encore numéro 1 ce soir, David Guetta, avec les Chotek Bad, premier de le Rodance 25 sur Fun Radio. Eurodance 25 sur Fun Radio. Et on regarde tout de suite sur funradio.fr, rubrique Eurodance 25 pour récupérer l'intégralité de ce nouveau classement. On va se connecter bah, évidemment avec Marseille et je peux vous dire qu'il y a du très lourd ce soir. On va se faire juste kiffer. Est-ce que Mickaël est là? Bah oui, bien sûr, tu m'entends? Mais je t'entends très bien. Mais moi, magnifique. Impeccable. Bon. Tu sais que t'es dans ma ville. Oui, bah oui, oui, t'as vu. Mais en plus, tu sais bien, on a été bien accueillis et tout, soleil, tout. Bah, mais nickel quoi. Bon, les expressions t'ont pas trop choqué, ça va? Oh putain! Enculé! Oh putain! Enculé! Oh, on en a vu! Oh, je sais plus, on les a pas lotés, mais on va se refaire à Bessop. De toute façon, il y a des Marseillais qui sont venus avec nous là. Mais oui. Donc, on va leur demander les expressions locales. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Et en plus, les locaux de Fun sont situés quai des Belges à côté du Vieux-Port et c'est juste calme. Mais c'est pas à côté, c'est on est dessus. Oui, c'est au-dessus. Bon, j'ai juste la gueule de Toff, malheureusement, devant, mais sinon, oui, je vois très bien. Je peux voir la mer. Ouais, je vois la mer, je vois les bateaux et tout, c'est cool. Tranquille. Donc, voilà. Si vous voulez venir nombreux, n'hésitez pas. 49 qui est des Belges. On est là, on se fera un petit. Il y a encore un petit peu de place là, vous pouvez venir, on va se serrer. J'arrive. Eh ben très bien, bah, comme tu veux, pas de problème. Bonne émission. Ça roule, Eurodance retour la semaine prochaine. À et puis bah, nous on est parti en direct maintenant jusqu'à minuit sur Fun Radio en direct de Marseille. Mickaël, ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le Vieux-Port. Mickaël, no limit. En direct de Marseille pour tout retourner. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Oui, on est en direct de Marseille. En direct de Marseille, on est face au Vieux-Port. Si vous voulez venir nous voir, vous n'hésitez pas évidemment. Bah tranquille, hein, plage, soleil, sur dance floor, on sait bien. Trop dur, trop dur, trop dur là. Ah grave. Si, je sais pas si je vais survivre. Mais c'est ça, moi non plus. On est là en tout cas jusqu'à minuit, comme tous les dimanches d'ailleurs. Si vous voulez passer nous voir, comme on le disait, on est 49 quai des Belges. On va un petit peu se serrer ce soir. On aura aussi Julien et Antonin des Marseillais de W9. Et puis on fera aussi le gainage tous ensemble. Encore une émission de folie. Ouais. Puisque bah, tous les auditeurs sont... Ça va les gars? Ouais. En forme. Bon, on les a tués un peu cet après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas évidemment sur le Vieux-Port, vous n'avez pas tous pu venir évidemment. Mais on a fait un petit gainage. Et donc, bah, contre toute attente, c'est un doux qui a gagné. Ah, oui. Ah ouais, comme quoi finalement, bah, approche-toi de Top. Oui, viens près de moi. C'est le doux Bieber qui a gagné. Comment ça va le doux? Ça va bien. Attends, approche-toi du micro, si on entend ça mal. Ça va bien. Eh ben ouais, très bien. Bravo pour le cadeau, hein. Casque Beats by Dre, pépère. J'ai peur qu'il soit un peu plus grand que ta tête. Non. Mon avis, ouais. Voilà, donc le doux Bieber qui a un vrai prénom, il s'appelle Théophane. Voilà, c'est ça. Et donc approche-toi du micro Bieber. Voilà, Théophane. Très bien. Bon bah bravo à toi. Et puis il y avait aussi Eman qui lui est reparti avec le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. On l'a offert hier et puis on l'a offert encore ce soir. Donc bravo à eux. Et puis bah il y en a plein qui sont là, il y en a plein qui vont arriver également. Il y a Tof qui va payer parce que j'en ai parlé du Quick tout à l'heure, hein. Jeudi, merde, pardon. Je croyais qu'on avait oublié ça. Non, non, on n'a pas oublié. Donc, on ira faire les courses au Quick avec les auditeurs. Vous avez faim ou pas? Gratos, hein. Ouais, bon. Autant te dire que ça va coûter un bras, mon cochon. Hein. Oh là là, c'est plus qu'un bras là. Ah je vais laisser les deux bras et une couille. Je confirme. Il y a Fred également qui est avec nous. Salut Fred à Villeurbanne. Ouais, salut, ça va bien? Ouais, tranquille, ça va. Bon, bah écoute, tranquillement. Hein, dans le 69, Fred. Voilà, là. À Villeurbanne. Bah, t'aurais pu passer dans le 13 là. Ah, bah j'étais occupé cet après-midi. Vite fait. Bon, tu faisais quoi, Fred? Hein? Tu faisais quoi? Ah, j'étais avec ma meuf. Ah oui, alors ça va, non, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Mais comme Toff, il n'a pas terminé la nuit seul. Bah, évidemment. Eh oui, ça. Oh là, on l'a vu passer avec Polo. Nous raconte, ouais. Hein. Eh oui, on l'a vu passer avec une moche. Oh, non, on fait avec ce qu'on a. Ouais, hein. Fidèle à Toff. Qui ressemble, quoi. Ça semble. Hein. Eh bah, qui se ressemble, ils se sont assemblés. Hein. Bah, oh là là, on s'est assemblés, on s'est désassemblés, on s'est réassemblés. Ouais, on s'est fait un gros port de Toff qui a quand même la plus belle chambre de l'hôtel, hein, ce bâtard. Et j'ai pas choisi. Il a le balcon, il a la vue sur la plage. Moi, je me retrouve sur le parking. Véridique, j'ai pas de balcon, j'ai que dalle. Je ne sais pas qui a choisi ma chambre, mais je le remercie. Ouais, parce c'est que ça, franchement, ouais. Il m'a mis bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, j'ai une salle de bain de ouf. Ouais. Ah, je suis bien. Je suis bien. Profiter de la salle de bain. Hein. Ouais, bah t'inquiète pas, il va profiter. Bah, ce soir, il rentrera peut-être pas seul non plus. On verra. On ne sait pas. Il a déjà vu quelques filles, quelques Marseillais sur le Vieux-Port. J'ai vu que l'ex Bifrix était arrivé. Et puis l'ex Bifrix qui est passé aussi, je sais pas où elle est. Elle est dans le coin. Là, effectivement, elle se rapproche parce qu'elle était tout près de la porte. Elle approche de Toff. Elle approche de Toff petit à petit. Elle sur mes genoux. Eh oui, très probablement. Bon, Fred, tu nous appelles pourquoi, toi? Dis-moi. Alors moi j'appelais parce que en fait mon petit frère il est doux et du coup c'était pour lui faire son baptême sur Fun Radio. Ah, et donc, qu'on l'appelle en direct. Il n'est pas encore tout officiel. Oui, là, il n'est pas tout officiel. Ah, maintenant, c'est les grands frères nous appellent maintenant pour que les doux deviennent doux maintenant. Quel âge il a, ton petit frère? Il va avoir 14 ans là. Oh bah ça va. Il a la voix aiguë? Ah bah très ouais. Bon, passe-le-moi deux secondes là. Après, une petite vérification. Ah bah faut que tu l'appelles. Bon alors, ah tu veux qu'on l'appelle en direct? D'accord. Ah bah oui, okay. En direct. Bon alors Fred, ne bouge pas, on va faire ça dans quelques minutes. T'as vu le match évidemment de l'équipe de France vendredi? Ah bah c'était un match, on était. Ne donne pas le score, pas le score, je t'en supplie, ne donne pas le score Fred. D'accord? Je ne dirai rien. Bon, ne donne pas le score puisque je vais vous poser une question maintenant. Attention, méga over compliqué. Je n'en doute pas. Non, voilà. Mais très compliqué. Écoute, je cherchais une question tout à l'heure, je me suis dit, ah bah ouais. Puisque je rappelle qu'on est en direct sur Fun Radio jusqu'au 13 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde, j'espère avec la France ou la Belgique qui vient de gagner d'ailleurs à l'instant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 1-0. On espère aussi pour le Portugal. Hein. Non, ça a été dans l'année. Et puis on espère pour le Portugal à minuit aussi. Et donc j'ai des maillots à vous offrir, bien entendu, avec Pro Direct Soccer. On vous les offre tous les soirs jusqu'au 13 juillet si vous voulez le gagner. Le maillot de l'équipe de votre choix. Si jamais ce n'est pas le maillot, vous pouvez repartir aussi avec les chaussures de foot, ça vaut 250 € ou le ballon. Et pour ça, c'est très simple, il faut envoyer M-I-K-L suivi de la réponse à cette question. Quel était le score de Suisse-France vendredi? Vous avez une idée? Ne dites rien dans le studio, vous avez une idée? Oui. Oui, très bien, parfait. Mais avant ou après le but annulé? Non, le score officiel, le score définitif. Voilà, quel était le score définitif? Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique et vous repartirez avec le maillot de votre choix. Tu prendrais lequel toi Fred si tu gagnes? Moi je prendrais l'équipe de France avec Benzema. Eh bah l'équipe de France avec Benzema. Bah c'est celui que j'ai, tiens, tu vois Fred. Je le mettrai au prochain match. Voilà. Ce soir j'ai quand même mis celui de Cristiano Ronaldo, puisque bon, on espère toujours que le Portugal gagne, on verra bien. Bon Fred, reste avec nous. Ouais. On va également recevoir tout à l'heure, comme je l'avais dit, Julien et Antonin, des Marseillais sur WNF. Ils ont viré Kim, hein. Eh oui, des Marseillais qu'on recevra dans le studio, normal évidemment. Sandro qui est là également à Paris, hein. Ça ouais. Va Sandro? Ouais, ça va vous? T'as passé un bon week-end? Ouais, bon week-end avec le soleil, donc ça va. Non, il y a eu du soleil à Paris? Mais grave. C'est pas vrai. Franchement, je me plains pas, j'étais accompagné du soleil. Oh bah ça va, tranquille. Je voulais dire, j'étais accompagné d'un mec. Non, Ne nous emballons pas. Bon, Sandro qui décroche tous vos appels, n'hésitez pas d'ailleurs à passer un petit coup de fil, hein. 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0 hein, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, on est là jusqu'à minuit en pleine forme et puis on va s'écouter du son également ce soir avec Avicii. Il y aura Avicii avec Lay Me Down sur Fun Radio. Fred, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas? Allez, le Shakira là, de la Coupe du Monde. Ça. Le Shakira de la Coupe du Monde. Ça tombe très bien. Je demande à Victor de le passer dans quelques minutes, l'extrait. Sinon, j'avais Pitbull, la musique de la Coupe du Monde aussi. Hein. We Are One, avec Gilo. Tu l'aimes bien celui-là ou pas, Fred? Ouais, bah celui-là, il pète aussi. Hein. Bah, de toute façon, tous les sons de radio pètent. Hein. Mais tout est dit. T'as tout dit, Fred. On n'aurait pas dit mieux. Bah, on l'a bien vu, surtout quand on était au Party Fun Live. Si vous étiez là hier soir, c'était sur la plage Borély à Marseille, évidemment. Il y avait une ambiance de ouf, 40 000 personnes. C'était la folie totale. Je vous explique même pas. Il y a une vidéo qui va arriver. Hein. Je vous explique même pas. On était avec Polo sur le côté et on voyait Toff. Il savait plus où donner de la tête. Maintenant, il s'est acheté une caméra pour faire style. Comme ça, les meufs dansent pour lui. Bâtard. Il est une espèce de lampe pourrie. Oui, oui. Mais comme ça pour jouer le professionnel. Exactement. Et peut-être, mais ça m'a aidé à emballer. Et c'est ça qui est bon. Et comme quoi, ça marche bien. Comme quoi, finalement, t'as fait un bon investissement, je le confirme. Ouais, pourtant c'était cher, hein, donc il va falloir que je rentabilise quand même. Hein. C'est ça. Bon, il y a Antoine également qui est avec nous de Toulouse. Ça va, Antoine? Salut, Mickaël. T'es en forme? Ouais, tranquille. Passe un bon week-end? Ouais, super, avec le soleil. C'est cool. Bah oui, soleil presque généralisé ce week-end. Bon, Antoine, de quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? On va parler de mon ex que j'aime toujours au bout d'un an. Mais oui, mais bon. Qui a déjà eu des déceptions amoureuses dans le public là? Il y en a ou pas? Et tout le monde, ils sont en train le de. Le doux, il est déçu parce que son son pote là, et apparemment il en a une. Son ours en peluche. Il l'a trompé avec un coussin. C'est ça, son ours en peluche est cassé. Du coup, il est perturbé le doux. Sale doux va. Bon, bah appelez-nous si vous avez déjà eu ce genre de problème. Toi, va pouvoir t'aider certainement. Oh là là. Je ne sais plus où les mettre tellement il y en a. J'espère, on va l'appeler, on va voir ce que ça va donner. Mais, mais bon. Oui, mais je vais l'appeler, tu vas voir. Sûr, moi. Non mais ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Ça va faire un an là. Ça fait un an. Quand même, Antoine, il était temps de te réveiller mec hein. Et j'ai attendu. Ouais, elle est jamais venue. Ouais, attends, un an, si ça se trouve, la meuf, elle a déjà fait sa vie avec un autre. Mais elle est peut-être déjà mariée, elle a une maison, un monospace. Oui, il est peut-être décédé, va savoir. C'est vrai, on peut pas savoir. On peut pas savoir. On peut pas savoir avec la vie. Bon. Non, je l'ai déjà recroisé, elle est pas morte, c'est bon. Bon, bah, c'est nous voilà rassurés. Mais ouais. Pour le reste. Ouais, c'est clair. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Fred, tu restes avec nous, on va appeler le petit frère là pour qu'il devienne un doux officiel. Et puis, bah, c'est quasiment officiel. Qui est en vacances dans le public là, dans le studio là? Criez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tout le monde est en vacances. En fait, il y a juste un malheureux. Il y a juste une victime qui a encore le bac d'anglais lundi, hein, pour demain en l'occurrence. Tu t'es fait escroquer. Bah, viens tout près de Toff là. Do you speak English? Little bit. Oh putain, c'est pas gagné. Oh là là, mais comment te dire? Tu vas pas, t'es en vacances. What's your fucking name? Hugo Vincent. Hugo Vincent. Ah, c'est toi. Mais c'est lequel ton prénom? C'est Hugo ou Vincent? Hugo Vincent. C'est pas moi qui choisis, c'est mes parents. Donc c'est Hugo. Ouais, c'est les deux. Le prénom. En fait, il avait qu'une femme. Ok. But you don't speak English. Oh putain, mais t'es pas sérieux. Tu vas passer le bac, jamais. Bon, attention, je fais un appel immédiat à un prof d'anglais. Si on peut donner un petit coup de main à Hugo là pour qu'il puisse avoir quand même au moins un point hein, demain au bac. N'hésitez pas, appelez-nous. Ah ouais, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est scandaleux, mec, c'est pas possible. C'est scandaleux. Je vais réviser demain soir. Mais tu vas réviser. Non, mais c'est demain matin. C'est demain matin l'examen. Oh là là là là là là là. Oh, t'es un bon. Putain, on va demander les notes du doux aussi là. On va prendre le numéro de tes parents pour avoir le résultat aussi. Si, on va faire un tour. Les parents savent pas. C'est normal. C'est normal. Bon, Fred, reste avec nous. Antoine, tu bouges pas non plus. Comme promis, ce qui va arriver dans quelques instants, eh ben, ce sera le son de Davichi sur Fun Radio avec Lay Me Down. Et puis attention, je vous rappelle aussi dans quelques secondes, juste après la pub, qu'il y aura les maillots à gagner. Bougez pas de là, c'est nickel, nos limites. Et on est en direct de Marseille. Toute l'équipe de Mickaël No Limit en direct de Marseille ce soir jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le vieux port. Mickaël No Limit en direct de Marseille pour tout retourner jusqu'à minuit. On est en direct sur Fun Radio, là, c'est parti, venez nous rejoindre. Je rappelle que ce soir, pour repartir avec les cadeaux, avec le top Twittos, bien entendu, il va falloir taper le hashtag MIKL à Marseille. D'ailleurs, on salue Eric qui dit salut à tous. Il y a le Doumou qui dit les Marseillais sont chauds ce soir. Vous êtes chauds ou pas? Ouais. Voilà, ils sont chauds, je confirme. Il y a Virginie aussi, félicitations au Doubieber, là qui est reparti avec le casque tout à l'heure sur le vieux port. Et Nola qui dit moi je voudrais venir mais je suis à 800 km. Ouais, ça fait un peu loin. Et salut l'équipe, j'espère que vous avez passé un super week-end à Marseille. Dommage que j'ai pas pu venir, c'est Steven qui avait envoyé le message. Bon bah continuez avec vos messages. Vous tapez hashtag MIKL à Marseille. Et juste après le son d'Avicii avec Lay Me Down, et bien je répéterai encore une fois la question pour repartir avec les maillots de football de l'équipe de votre choix. Grosse question. Attention, on fait ça juste après Avicii. Lay Me Down maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Marseille, la ville la plus fun de France, accueille Mickaël No Limit et toute la team jusqu'à minuit en direct sur Fun Radio. Ouais. 20h17 à Marseille et un peu partout aussi parce qu'ils n'ont pas le monopole de l'horloge hein, bien entendu. 20h17 donc on est sur Fun Radio, on est là bien entendu jusqu'à minuit avec tous vos messages qui arrivent en direct. Et je vous avais promis aussi qu'on allait reparler et bien de ce magnifique maillot de football que on vous offre hein, depuis deux semaines maintenant. Oui c'est ça, deux semaines. Et qu'on vous offrira jusqu'au 13 juillet pour le gagner. Il faut répondre à cette question, très grosse question. Quel était le score final entre la Suisse et la France ce vendredi? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et donc c'est Pro Direct Soccer qui vous offre et Fun Radio les maillots de foot de l'équipe de votre choix, hein, la France, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, si vous voulez. On fait une ristourne sur l'Espagne. Vous pouvez y aller. Non, voilà, tous les pays qui participent à la Coupe du Monde, en l'occurrence, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Il y a les maillots de foot donc, il y a les baskets et il y a également le ballon. Je vous souhaite bonne chance. On donne la réponse tout à l'heure aux alentours de 22h, 22h30. Bon, on va prendre Fred également. On aura les appels malveillants dans quelques minutes. Une petite dizaine de minutes. Attends, je vais quand même demander aux auditeurs qui sont venus nous voir. Vous connaissez les appels malveillants de Toff? Oui. Très bien, parfait. Je vous ai pas posé la question d'ailleurs. Physiquement, alors que vous le voyez en vrai, qu'est-ce que vous pensez de Toff en vrai? En vrai? Qui a dit il est magnifique? Bah, c'est les B-Freaks évidemment. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est même pas elle, c'était Maëva. Il est dégueulasse. Ah, elle, elle a dit je suis charmant, elle a dit je suis magnifique. Oh, là, on dirait. Mais, mais Maëva, par pitié quoi. Ah. Moi, tout à l'heure, je l'ai confondu avec une poubelle là sur le vieux port. Non, mais c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Il est du laideur. Je remercie toutes les filles qui sont là et qui ont dit j'étais beau. Oh, ouais, super. Bah ouais. Ah, bah, ça pas de goût. Ah, bah je confirme, Fred. Il y a le doux qui est tombé dans les pommes la première fois qu'il l'a vu. C'est vrai ou pas? Faut le comprendre. Non mais c'est clair Fred évidemment. Non mais il a eu peur, il a eu... en même temps c'est normal, c'est un doux le pauvre. Il a cru que c'était fragile. Son arrière-grand-père qui est sorti de la tombe hein. Voilà, oui, oui, très probablement, très probablement. Bon alors Fred. Ouais. On va donc appeler ton ton petit frère maintenant, voilà, il va devenir doux officiel, c'est ça? Bah ouais, parce que moi je trouve pas ça normal qu'il a pas encore écouté Fun Radio et que du coup bah voilà. Ah, il a pas encore écouté Fun? Bah non, oui. Non voilà, donc c'est pour ça, faut pas tuer. Bah écoute, on va l'appeler, il s'appelle comment? Il s'appelle Darwin. Darwin? Darine. Non parce que je vois D-A-R-W-I-N dans le standard. Non c'est R-I-N-E. Ah R-I-N-E, d'accord, ok. Darwin. Bravo Sandro, hein, on voit que le week-end s'est bien passé là. Ouais hein. Ça va, bah attends, Darwin c'est quand même le mec qui a créé le truc de l'évolution. Bien là, sûr, hein, t'as passé le week-end avec le soleil avec une bouteille aussi ou pas? Non. Non. Ah bon, j'ai arrêté ça, c'est tout étonnant, ça. Hein, c'est vraiment étonnant. Bon allez on y va, on l'appelle, allez, on l'appelle le petit là, c'est parti. Allez, on l'appelle maintenant, je lui passerai bien entendu Polo qui est grand maître de la confrérie. Il a le même caractère que moi. Il a le même caractère que toi. Bon, en même temps, voilà. On ne connaît pas bien Fred, donc on va voir. Attends. Attends, attends. Déjà, ça ne téléphone pas. T'es sûr qu'il a un téléphone qui marche? Oui, oui, c'est bon. D'accord, ok. Parce que là, on s'en rend pas bien compte, là, comme ça. Hein. Tu vois, là, on est là et on s'en rend vraiment pas compte. Alors, tu sais quoi, attends, je vais réessayer. Je raccroche, je rappelle. Donc si tu es là normalement, c'est que votre tout marche. Correspondant, ah bah voilà. Ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Oh bah voilà, bah voilà Fred, ah, bravo. Hein. Ah bah voilà, tiens, il veut pas. Eh bon, on est bien. Mais t'es pas avec lui là, tu peux pas être avec lui. Ah non, moi je suis pas avec lui. Bah, attends, je lui envoie un SMS. Bon bah envoie-lui un SMS, bah, ouais, on te reprendra après. Alors bouge pas. Ce sera plus simple. Bon alors c'est pas grave. En attendant, il y a Antoine qui est avec nous là. Antoine, 18 ans de Toulouse. Ouais, t'es de retour Antoine. Bon, ouais, je suis là. Et sans donner la bonne réponse, tu l'as toi la réponse là, quel était le score de Suisse France? La donne pas hein. Ouais, je l'ai, ouais. Tu l'as? Bon, très bien, parfait. Bah, si tu veux tenter ta chance, on ne sait jamais, avant 22h30, faut jouer. Antoine, okay. Bon, toi, tu disais que tu étais toujours amoureux de ton ex et tu voulais l'appeler, c'est ça? Exactement. Bon, et pourquoi c'est ton ex? Alors, pourquoi c'est mon ex? On est restés ensemble 2 ans, ouais. De la troisième à la première. Et on s'est séparés parce que il y avait plein de problèmes, elle pensait que je la trompais, alors je la trompais pas. Ah, toi tu pensais qu'elle te trompait pas mais elle te trompait. Ouais. C'est ça. Et peut-être bien, non je pense pas quand même. Et puis même plein de problèmes annexes et voilà. D'accord, bon très bien. Et pourquoi tu veux la récupérer un an après? Problème annexe. Oui, annexe. Parce que je l'aime toujours. Oh c'est beau, c'est beau ou pas là? Bah oui c'est beau, c'est beau ou pas? Je vais faire une chanson. Bon. Oh bah, putain, il a trouvé un nouveau synthétiseur, il va se saouler. Non, il faut savoir que depuis le début, depuis qu'on est à Fun à Marseille, depuis 15h, il a trouvé un nouveau synthé. Et il nous casse les couilles depuis tout à l'heure avec ça. Est-ce que tu peux nous refaire les vaches, Polo, s'il te plaît? Ouais, attendez, je m'organise. Hein, parce oh là là là là là. Comment elle s'appelle? Fait un concert de vaches. Un concert de vaches, c'était une horreur. Antoine, comment ouais. Elle s'appelle ta meuf, enfin ton ex-meuf? Dounia. T'es sûr qu'elle. Oh putain. T'es sûr qu'elle est pas avec. T'es sûr qu'elle est pas avec un autre mec là aujourd'hui? Bah écoute, j'en sais rien, ça fait un an que je l'ai pas vu donc. D'accord, ok. Bon, on va l'appeler. Oh, ouais, je l'ai. On va l'appeler. En attendant, je vous laisse Polo et sa magnifique chanson. Hein. On m'entend ou pas? Petite interlude musicale. On écoute, t'entend trop bien là. Vous m'entendez? Trop bien. Hey, d'abord, son dance floor. Toi, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Très bien, parce qu'il a besoin d'un coup de main aussi, hein, il peut pas faire ça tout seul. Hein. Ah, donc là, il a trouvé un nouveau synthé. Voilà, il est content. Hein. Et bientôt dans l'Eurodance 25, attention. Attention à Vichy, Pitbull, Mr. Brobs, Deoro, David Guetta, il y a du lourd qui arrive. Voilà. On dirait une vieille tondeuse. On dirait une tondeuse en fait, le mec il a un jardin à faire. Hein? Est-ce que Victor Hugo est là avec son bras d'herbe? Que tu pourrais tailler, hein? 5000 francs. Ouais. 5000 euros. 5000 francs. Vous avez pensé quoi là, dans le studio? C'était super. C'était merci, magnifique. Merci. Est-ce que vous achèteriez le MP3, le CD s'il sort? Direct. Bon, c'est du son dance floor. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes entourés de faux culs. Voilà. Et ben merci d'être passé, c'est très gentil. Bon, et toi Antoine, tu l'achèterais ou pas le single de Polo? Grave. Non mais soyez franc. Grave. Par exemple, je me pose la question. Tiens, Mickaël, achèterais-tu le CD de Polo? Mais jamais de la vie, je mettrais un centime dans cette merde. Non mais écoute, il y a bien des gens qui ont voulu nous acheter les t-shirts Fun Radio. Moi, je dis pourquoi pas acheter oui, le c'est vrai. Single non, de Polo. C'est vrai. C'est un mec qui pensait que t'étais un mendiant et il a voulu te donner 20 centimes. Ouais, véridique. Véridique, ouais. Le mec qui lui donne 20 centimes. Oh non, voilà. Et Toff, il lui dit bah non, c'est gratuit et tout. Le mec, il Non, c'est bon. Oui, non, c'est pas. Il a gagné 20, ouais. Il a failli gagner 20 centimes. Ouais, mais on peut sortir alors que je pensais les redépenser dans le quick tout à l'heure. Mais Antoine. Ouais. Bon, on va appeler ta copine, enfin ton ex-copine plutôt. Tu lui parles ou tu veux qu'on fasse nous ou tu veux qu'on fasse quoi? Bah justement, c'est ça que je sais pas. Si je lui parle, j'ai peur qu'elle raccroche. Non, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est à ce point-là. Non, attends, non, je vais lui parler. Je vais lui dire que j'ai eu ton numéro par toi et que j'aimerais bien la serrer. Non, non, okay, il vaut mieux que je le fasse moi, Antoine, c'est plus sûr. Non, non, on va le faire nous, hein, ce sera plus safe, ouais. Bon, on y va, donc Dounia, elle s'appelle, hein, c'est ça, hein. Ouais. Très bien. Bon, donc, écoute, mens-lui, elles adorent qu'on leur mente. Ouais. D'accord. Ou alors, à la limite, tu l'appelles toi, c'est peut-être mieux, voir un peu comment ça va, tout ça, etc. Et moi, je reprends derrière, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui dois appeler ou est-ce que c'est Antoine, à votre avis, pour une ex? C'est moi? Non, c'est mieux que ce soit Antoine, quand même, c'est son nom. Non, mais bon, écoute. Moi, je pense que c'est mieux que tu l'introduises. Non, bah, ouais, j'introduirai pas. Ça, non, je vais pas introduire Dounia, j'introduirai Antoine dans la conversation. Ah bah, moi j'aurais été direct. Si elle adore bon. Ça, vas-y, introduis là. Oui, oui, alors bah dis donc, ça commence bien, Antoine. Un ou deux doigts. Allez, on y va, c'est parti, Tof, 20h24. Oh là là. Eh, hey, punis-le. Oui, non. Hop, une minute. Allez. Oh non, c'est une minute. Oh voilà. Allez, oh c'est parti. Voilà, une minute au coin, ça fera. Ça sera bien pour tout le monde, parfait. Allez. Et stop avec ça. Oh pardon, pardon, je. Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est Dounia? Oui, bonjour. Salut Dounia, c'est Mickaël. Salut. Tu m'entends? Mickaël. Ouais, ouais, oui. Je suis un pote d'Antoine. Antoine. Bon, bon, désolé pour ma montre, elle fait un peu de bruit. Oui. Non, mais disons que en fait, ça fait longtemps qu'on parle ensemble, tu vois, on est potes depuis 2-3 ans et il m'a encore parlé de toi et tout, donc j'ai chopé ton numéro de téléphone dans son téléphone et je voulais savoir. Blague. Ah non, pas du tout, non, je voulais savoir simplement s'il arrête pas de me parler de toi et s'il y avait encore moyen éventuellement qu'il se passe un truc, parce que tu vois, moi je lui dis écoute, arrête, lâche l'affaire, il arrête pas, donc je me suis dit je vais quand même prendre les devants, appelez-moi d'abord, au cas où, si jamais c'est complètement mort, j'essaierai de le faire changer d'avis, tu vois. Mais là c'est mort en fait. Ah pourquoi? Mort. Définitif. Mort, oui. Ah ouais, bon, t'as un autre mec, c'est ça? Oui, oui. Ah ouais, bah ouais, forcément. Et d'accord, il t'a fait une saloperie ou c'est juste comme ça? Non, non, c'est moi. Il est mauvais au lit? Ouais, un peu en fait. Ah bah voilà, bah, ça je le savais. Dommage pour lui, mais bon voilà. Non, mais voilà, après écoute, il en faut, hein, il en faut. Tant pis, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Enfin, sinon je suis meilleur que lui si tu veux, Dounia. Hein. C'est quoi cette blague? Mais c'est pas une blague. C'est mort. Ah c'est mort mais mort oui. Ah ouais. Je vois pas pourquoi il continue et qu'il lâche pas l'affaire. Hein. Ouais bah écoute je sais pas. Antoine? Ouais. Bon bah c'est arrangé hein. Dounia? Antoine? Oui. Ça va bien depuis le temps? Oui toi. Ouais, elle a l'air contente de t'entendre hein. Ah ouais. Je voulais. Ah bah tiens, j'en profite de t'avoir. Est-ce que tu te rappelles du tracteur? Qu'est-ce que c'est ça? Ta gueule. C'est quoi ton histoire Antoine? Non, en fait, on a fait notre première fois sur un tracteur et elle s'est pris le frein. C'est sérieux de raconter ça comme ça? Mais elle s'est pris le frein où? Parce que c'est ça. Ah, c'est bon, Tof, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Bon, ah, d'accord. Okay. Bon, Dounia, t'es en direct sur Fun Radio. Hein, il nous avait appelé pour avoir les infos. On est en direct de Marseille. Hein, oui, on est en direct de Marseille. Oh, putain. Voilà, on est en direct de Marseille. Et ouais, bien sûr. Et donc, du coup, bah voilà, Antoine était un peu perturbé et il voulait savoir. Je lui ai dit, ça sert à rien, ça va être la cata. Il a voulu en faire qu'à sa tête et bah il en a fait qu'à sa tête. Résultat, Antoine, une belle tôle. Une belle tôle. Complètement. C'est même plus qu'une tôle, c'est un râteau. Et d'ailleurs pour cette peine, Polo va te rejouer la chanson de la vache. Vas-y, rejoue. Mais vite fait alors. Voilà. Stop. Terminé, ça sera plus cassé comme ça. Bon ben Dounia, bah désolé hein. Ah oui oui. Bah tu passes nous voir quand tu veux Dounia, hein, d'accord? T'as quel âge Dounia au fait? 19. 19 ans, ah oui en plus c'était plus âgé qu'Antoine. Dounia, combien mesures-tu? Ouais, pareil. Allô Dounia? Oui. Combien mesures-tu? Allô Doudou? Oui. Donc combien mesures-tu en centimètres? À quel niveau? En fait, de la base de tes pieds jusqu'au haut de tes cheveux. À quel niveau? 1m65 pour moi. Combien pèses-tu? Alors c'est en kilos et ça reprend la masse corporelle non, qui représente ton corps. Ah, elle a pas compris. En fait, ce sont des tests scientifiques que nous bien organisons sûr. Avec Tof. C'est la science. Et c'est pour il la science. Il faut aller doucement avec elle. Elle est un peu longue à la détendre. Ouais, voilà. C'est pas comme ça que tu vas la récupérer, Antoine. Espèce d'idiot. Là. Mais ouais. A priori, toi, t'es un peu précoce. Hein, mais oui. Pas bon. Donc, en plus, t'es pas bon au lit. Ouais. Dounia, combien pèses-tu? C'est une statistique, c'est pour faire des lignes. Mais c'est un travail, c'est sérieux. Non, zéro statistique, là. Non, mais c'est sérieux, Dounia. On est, nous, on est des scientifiques avec Tof. Des grands professionnels. Des grands professionnels. Exactement. Et on essaye de. Enfin, on a des statistiques à la fin de l'année. On va organiser tout ça. Le public, est-ce que nous sommes des grands professionnels? Oui. Ouais. Voilà. Le public a dit oui. Exactement. Mais un peu moins motivé que tout à l'heure. Ouais, j'ai remarqué. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, bah Dounia, je te fais des gros bisous quand même. Passe une bonne fin de week-end et bonnes vacances. Oui, merci. Salut Dounia, ciao à toi. Et puis Antoine, bah écoute, bravo pour cette magnifique tôle en direct de Marseille. Ouais, bravo. Non, vraiment, bravo. Vraiment là, au top du top du top du top. T'as vu, tout le public est ravi pour toi, Antoine. Bon bah écoute, je suis ravi pour eux alors. Et bah voilà, très bien. Salut Antoine. Hein. Salut. Allez, à bientôt. Et bonne nouvelle, on sera à Toulouse aussi aux alentours de septembre-octobre. On fera l'émission. Bon, bah j'espère bien que vous serez là. Bon, salut Antoine, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Bon Fred, on va te récupérer quelques minutes. Apparemment on a un autre numéro de téléphone. Ouais, téléphone à la mère. De ton frère. Bon, on fait ça dans quelques instants. Alors si jamais, bon c'est vrai que j'ai demandé aussi à un prof d'anglais ou une prof d'anglais de donner des conseils à Hugo qui a son bac demain et qui parle hyper bien anglais. Rapproche-toi de Tof s'il te plaît. Attention, on refait. Voilà, refaisons un petit test donc pour un éventuel prof d'anglais qui pourrait lui donner un coup de main. Do you speak English? Yes. Help me please, I am in the shit. Oh non, t'es pas d'accord. En tout cas, tu l'as fumé le shit là. En tout cas, tu as un accent. Ah ouais, c'est. Oh qu'il est mauvais. J'ai jamais vu un mec aussi mauvais en anglais. Wonderful. Yes, wonderful. Wonderful. You're speak, English. You speak so good. Hein. Non. Fucker, mais magnifique, vraiment au taquet. Ah. Plus au taquet que ça tu meurs. Bon bref, vous avez deviné qu'il a besoin d'un prof d'anglais, donc si vous êtes prof d'anglais, appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Les appels malveillants arrivent. Ah. Et on va parler sous-vêtements. Mais oui. Magnifique. Et puis on se met Pitbull maintenant sur Fun Radio avec Gilo, c'est We Are One. Ouais ouais. Jusqu'à minuit, Mickaël nos limites, en direct de Marseille, Mickaël sur Fun Radio. Faut savoir que c'est Polo qui fait chauffeur de salle et qu'il a pris un peu de retard là. C'est une passion. Il était légèrement en retard. C'est à cause du soleil en fait. Oui, c'est ça, il a brûlé. Non, mais en fait, il a fait le malin. Je vous explique. On a quand même un putain d'hôtel avec une piscine et tout. On est quand même vachement bien installé. Non, bah faut le dire. Ah oui. Polo arrive ce matin. Déjà, j'étais surpris qu'il se baigne. Parce que d'habitude, bon, ça le fait un peu chier, etc. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime pas le chlore. Mais voilà. Sinon, je me baigne. Et donc tout à l'heure, il s'est mis sous le soleil, donc sans crème, sans rien. Ouais mais faut que je bronze et tout. Et là il est rouge comme une tomate. Donc c'est parfait hein. C'est magnifique. Vous le voyez là Polo là. C'est bien, il allume assez les assez le studio. Il y a assez de lumière. C'est bon. J'étais dans le jacuzzi toute l'après-midi. Ça bouillait. Pété dedans et tout. C'était magnifique. Ouais, en plus il a fait la connaissance. Il a rencontré le sosie du Matourman. Ah oui. Oh quelle horreur. Ne parlons pas de ça. Il était au taquet du taquet. Bon, on va se faire les appels malveillants avec Tof à base donc de sous-vêtements. Oui, on a découvert le fameux string latéral que j'ai voulu magnifique. Acheter. J'ai voulu acheter pour aller sur les plages à Marseille, mais c'est un peu cher. Bah c'est surtout qu'il livrera pas assez vite malheureusement. Ouais, voilà. Mais la prochaine 25 euros pièce quand même. Oui, hein. Mais la prochaine fois, pas de problème. Mais bien sûr, j'en trouverai un pour la prochaine. Quand on sera à Toulouse. Ah c'est à Toulouse? Bah oui, je pense qu'on ira à Toulouse au début de l'année ouais. Et ben j'aurai mon string latéral pour bon, toi. Magnifique. Bon donc du coup le principe est très simple, on appelle des gens bien entendu tous les soirs. Le principe donc c'est un sondage en règle générale sur lequel on tombe. Et puis on appelle des gens afin de vérifier ce sondage. Numéro de téléphone que vous nous envoyez, et ben on les appelle hein, le numéro vous les envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et le premier appel, et ben c'est parti. Oui allô? Oui bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements, monsieur. Oh là là, écoutez, je suis fatigué là ce soir, s'il vous plaît. Oui, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Ouais, mais moi je m'en fous de votre question. Ah bah non, monsieur, c'est pas gentil ça. Ouais. Bah oui, enfin, moi je vous appelle gentiment, je vous pose une question, c'est pas oui, gentil. Oui, bah, c'est pas votre problème. Bah non, c'est pas un problème, monsieur, c'est juste pour savoir. Non, mais je vais pas vous le dire. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Oh dis-moi, tu... Oui. Non. Je crois qu'il est un peu énervé. Ouais, c'est ça. Il s'était énervé et puis après il s'est arrêté. C'est pas grave, on rappelle encore un petit coup. Ah évidemment. Ah bah c'est parti. Oui, allô. Je m'excuse monsieur, vous allez y répondre et ça a coupé. Ouais mais c'est moi qui ai coupé. Bah pourquoi vous avez coupé monsieur, ça se fait pas. Mais parce que tu me prends la tête, ok. Mais pas du tout monsieur, je vous appelle pour... Ouais bah tu m'appelles plus. Bah oui mais répondez à ma question monsieur. J'en ai rien à foutre. Mais non monsieur, c'est pas gentil, allô. Oh, qu'il est relou. Bon, encore une fois raccroché. Bon, c'est pas grave, on remet le couvert évidemment, les appels malveillants. C'est sur 2, 3, 4, 5, 10 appels parfois. Non, 10 non. Bon, 10 on n'abuse pas. Allez, on appelle encore une troisième fois, de toute façon, il avait l'air relativement sympathique le monsieur. Moi, tête de nœud, ça suffit maintenant de téléphoner? Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. Mais je vais pas répondre à votre question, que ça commence à bien faire. Bah oui, mais pourquoi vous énervez, monsieur? Parce que j'ai pas à te parler, c'est tout, tu rappelles pas ici. Bah oui, mais je vous appelle pour vous poser une question, vous répondez pas, je suis pas obligé de vous rappeler. Et dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Il y a un connard qui téléphone et qui parle de sous-vêtements et je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais je vais essayer de voir son numéro et puis attends. Mais moi, je veux juste savoir ce que vous portez comme sous-vêtements, monsieur, c'est tout. Mais j'ai pas à vous dire ça, ok? Mais si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. C'est logique. Un enfoiré. Mais non, monsieur, je suis pas un enfoiré, je veux juste avoir la réponse. Mais non, c'est secret, on peut pas avoir son numéro. Mais si vous voulez, je vous le donne, mon numéro, monsieur, y a pas de problème. Ouais, voilà, je vais prendre votre nom, votre numéro. Alors moi, je m'appelle Toff. Ouais. Et mon numéro, c'est le 01 42 ouais. 48 50 00. Mais vous avez dû vous tromper de personne, à mon avis. Hein. Ah non, pas du tout, mais je sais bien, à vous, que je voulais poser la question. Hein. Ça doit être un fou, à mon avis. Il demande personne. Bon, envoie le balader, hein. Donne-moi un peu ça, pour voir. Ah, et tu vois le... Ouais. Hey, on derrière. On prend la culotte à la maison. Allez, envoie le balader. Donne-moi le téléphone. Bon, du coup, on avait appelé une quatrième fois, du coup. Bah oui. Bon, bah c'est parti, on met le couvert, 20h38, toujours en direct à Marseille. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais et que voulez-vous, monsieur? Ben, je voulais savoir ce que vous aimez porter comme sous-vêtements, madame. Mais écoutez, monsieur, moi je vous emmerde. Ah bah non, madame, enfin, pas de sang entre nous. Écoutez, monsieur, je vous emmerde. Ah je ne vais pas vous dire ce que j'ai pas. Dites-moi, vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez? Bah savoir ce que vous portez comme sous-vêtements, c'est tout. Enfin, ce que vous aimez porter comme sous-vêtements. Et vous, qu'est-ce que vous portez? Bah moi, je suis plutôt boxeur. Ah, vous, boxeur? Ouais. Hein? Ouais. Eh ben, allez vous faire voir ailleurs. Mais non, madame. Monsieur, ne m'appelez plus. Bah oui, mais vous répondez pas à ma question, madame. Mais je n'ai pas à vous répondre, vous m'emmerdez. Oh non, madame, pas de ça entre nous. Allez vous faire voir, monsieur. Oh non. Écoutez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Mais je ne fais que ça. Je vais porter plainte contre vous et je vais chercher votre numéro. Mais... Ne vous inquiétez pas. Mais je vais le donner à votre mari, madame. Qui vous a donné mon numéro, monsieur? Un type très sympa, en fait, l'annuaire. Ah oui? Eh ben écoutez, monsieur, ne m'appelez plus. Bah oui, hein? Mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Mais moi, je n'ai pas à répondre à votre question! Bah si, c'est pour ça que je vous appelais. Je vais déposer plainte. Je n'ai pas à répondre à votre question. D'accord, alors... Allez vous faire voir! Non, madame, non. Oh, quel connard. Voilà, donc ça a terminé sur un connard, malheureusement. Hein. Ce que j'aime bien avec la meuf là, c'est que au début elle est toute mielleuse, toute gentille et tout. Va te faire foutre, connard. Va te faire foutre, connard. Bon, on en fera l'autre tout à l'heure dans moins d'une heure. Si vous avez les numéros de téléphone d'amis ou d'ennemis, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On se fera bien entendu un plaisir de les appeler. Vous connaissez pas, vous, des mecs un peu relous là? Ah bah voilà, on a des numéros qui vont arriver, magnifique. Bon, on aura aussi le shérif peut te faire cocu. Nous aurons également Julien et Antonin, des ch'tis contre les Marseillais, ouais, qui vont passer nous voir. Il paraît qu'ils sont chauds. Bah tant mieux, on les attend avec impatience d'ici une vingtaine de minutes. Si d'ailleurs vous avez des questions à poser, comme d'hab, n'hésitez pas. En attendant, on va récupérer Fred. Toujours là, Fred? Ouais, toujours là. Bon, très bien. Donc Fred, tu nous avais appelé en début d'émission pour appeler ton petit frère pour qu'il soit tout officiel, parce qu'il connaît pas encore l'émission. Hein. Voilà. Bah bravo à lui. Hein. Il mérite déjà un coup de pelle. Ah bah, voilà, déjà d'entrée. Donc c'est pour d'entrée de jeu, il a pris son coup de pelle. Bon, voilà. On appelle Darine maintenant. Alors on a deux numéros de téléphone au cas où. Voilà, non mais c'est le dernier que j'ai donné à Sandro, c'est bon. Le dernier, le fixe ou le portable? Le portable. Le portable, c'est parti. Ouais. Et c'est lui qui va décrocher ou c'est ta... Voilà, c'est lui qui va décrocher. Bon, très bien, allez, c'est parti, on y va. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Darine. Et son de famille, c'est Manda. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il est con alors? J'allais la faire mais j'ai eu honte. Ouais. Allô Darine? Oui, c'est qui? Salut, c'est Mickaël. Mickaël de FN? Oui, bah quand même, il a hésité un peu. Non, de France Info. On t'appelle pour une grande information. Bon, c'est Darine. Pour un sondage, qu'est-ce que vous aimez comme sous-vêtements? Bon, Darine, il y a Fred, ton frère, là, qui nous a appelé. Apparemment, tu connais pas encore l'émission? Non, je connaissais pas. Eh bah bravo, tiens. Hop, je t'en mets un petit coup, je pète dans la gueule, tiens. Je te mets, ouais, exactement. Parce qu'on est en direct de Marseille et les Marseillais, je peux te dire qu'ils sont pas fiers de toi, Darine. Hein. Attention, Darine. Bon, je vais te passer Polo pour que tu deviennes doux officiel. Attention, c'est un statut élite. Darine? Oui? Bon, tu veux devenir doux officiel? Ouais. Ah bon, apparemment, il en a rien à foutre. Pourquoi? Non, mais si tu veux pas, on arrête là maintenant. Hein. Bon, mets-toi à genoux, Darine. C'est bon? Insulte-toi. Allez. C'est une pute. Non, mais... plus, plus, mais ça suffit pas, mec. On y va, Darine. Ok. Pas parler des mères. Pas parler des mères. Vas-y, là, allez. Comme quoi, comme t'en, avec tes potes. Allez. Ok, je suis un enculé maintenant. Voilà, voilà, voilà, voilà, tu vois, bravo, Darine. Darine, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Non, dans la main gauche. Eh ben mets-le dans la main droite. Allez, Darine, c'est bon. Tape-le toi sur la tête afin que je puisse te transmettre de l'énergie positive. Enfin, plus, ça va être dur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête, Irine. Allez, tape-le sur la tête. Allez, Darine. Allez, plus fort. Encore. Non, on t'entend pas. On n'entend pas, vas-y, ouais, bah tape plus fort. Allez, tape. Sinon, c'est moi qui fais rentrant. Vas-y, voilà. Darine. Allez. C'est fait. Mais on n'entend pas. Ouais. On n'entend rien. Regarde, moi, je le tape le micro sur la tête. Il y a un temps, là. C'est mal. Un micro, le temps. Ouais, ils sont non, mais même tous les autres, d'où ils le font. Bon. Allez, tape. Sans ça, malheureusement, nous ne pourrons pas accéder à ta demande. Et Polo ne pourra pas faire de toi un vrai doux. Oh non. Ouais, ouais, ah, là, c'est ça bon, va, bravo là, ça Darine, va. Tu es officiellement doux, bravo! Ouais, ouais, ouais. Et bien entendu, Darine, ton surnom sera Manda. Puisque le doux mandarine. Évidemment, voilà, le doux mandarine. Bon, bah, bienvenue dans la communauté. D'ailleurs, on devrait peut-être rebaptiser le doux Bieber en vrai. Comme ça, on pourrait le filmer en train de se taper sur la tête comme un mongolien. Comme ça, Il n'a pas été vraiment officialisé. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça va être bon. Ça. Il a été baptisé au coin du port. Bon, Mandarine. Ouais. Bon. Bonne soirée, Darine. Bonne soirée. Fred. Ouais. Bon, il va falloir lui donner des coups de fouet. Hein. Ouais, bah franchement, là, il a pas assuré. Hein. Pour qu'il se réveille un peu, là. Bon. Il va souffrir en rentrant. Hein. Ouais, je compte sur toi. Il y a possibilité de passer une petite dédie? Eh ben, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Alors, cousin Jordan qui m'écoute et qui vous fait de gros big bisous marseillais parce qu'il aurait aimé être là-bas ce soir. Ah, mais bah oui, c'est con qu'il soit pas venu, effectivement. Mais il vous d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je tiens à dire aussi également à une auditrice là qui devait venir, qui fait partie des forces de l'ordre. Quoi, elle t'a fait faux bang? Mais oui, genre elle a picolé hier soir. Et elle pouvait pas venir, elle est fatiguée, papa. Sache que nous sommes très déçus. Très déçus. Bah, voilà. Oui. Donc s'il y a des gendarmettes ou des fliquettes qui peuvent passer nous voir de la police de Marseille, bien entendu, la gendarmerie de Marseille, n'hésitez pas, 49 quai des Belges. Pas pour nous arrêter, enfin si, Toff, ouais. Toff, mais... comme si ça empêchait les forces de l'ordre quand ils sont bourrés de travailler. Ouais, parce que Toff a dit enculé de flic marseillais. C'est ça. Véridique. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes témoin. Surtout la BAC. Ouais. Voilà. On lui a dit, Toff, ne fais pas ce genre de truc. Ne fais pas ça, il a dit, nous, les flics de Marseille, c'est les enculés. Et la BAC, on les emmerde. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est 49 quai des Belges. Venez faire une petite cueillette. 0,42. Voilà. N'hésitez pas, on vous attend. Bon, Fred, bonne soirée à toi, ouais, en tout cas. J'ai une phrase pour Toff en anglais pour qu'il l'apprenne. Ah, c'est pas Toff, c'est pour Hugo. Ouais, bah, pour Hugo. Et devinez ce que fait son père comme métier. Ah, il est énorme, prof d'anglais. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est mauvais, lui, alors. Bon, alors, vas-y, c'est quoi la phrase, il retrace cette phrase-là, c'est You are the big cow. Il y a tous les mots qu'il faut revenir en anglais. You are the big cow, donc tu es une grosse vache. Voilà. Oui, enfin, si tu dis ça à ton prof. Non, mais avec ça, il apprendra tout le reste. Oui, je ne suis pas certain, mais c'est un bon début. Comment tu cales ça dans ma copie de mais justement, c'est ça le défi. T'inquiète pas, c'est tout ce que tu vas arriver à caler demain. Donc voilà, c'est oui. Je peux dire bonjour. Yes, hello, I'm Hugo. Hugo Vincent. Attends, on va essayer. Fais-nous ta présentation en anglais. Hello. Non, là. Hello. I am Hugo Vincent. Oh, putain. I am in the studio of Fun Radio with Mickaël No Limite. No Limite. No Limite. No Limite. No Lama. Et we are waiting the Marseillais of les Marseillais. Oh, il est pas mauvais, il est très mauvais. Bon, bah Fred, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux en tout cas. Un truc en Marseillais, vite fait là. Bah ils sont pas là encore. Ah, tu parles des Marseillais, Marseillais. Public. Vas-y, public. Fred, en speed. Alors allez Marseille, et puis je vous sens un petit peu fatigué là. Hein. Non, ils sont pas fatigués. Mais ils sont là, t'inquiète pas. Y'a les Marseille. Salut ouais, Fred. Comment tu ciao à toi Fred. Bon, et je rappelle également qu'il y a toujours le maillot de foot à gagner de l'équipe de votre choix. Si vous avez la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure, quel était le score final entre la Suisse et la France vendredi? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 depuis la Belgique. On tire au sort tout à l'heure avant 22h30. Le maillot donc au choix sera pour vous. Vous choisirez l'équipe que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous restez bien là. Il y a le son de Mr. Probs qui arrive dans quelques minutes. Ce sera Waves et le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques instants sur Fun Radio. À tout de suite. Ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le Vieux-Port. Mickaël, No, en direct de Marseille, pour tout retourner. Jusqu'à minuit. En direct de Marseille, on est là. D'ailleurs, je viens de vous mettre une petite photo de l'ambiance qu'il y a dans les studios pour aller la voir sur le Facebook de l'émission. Tapez M-I-K-L officiel, elle est sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Et ça y est, les Sbifreaks s'est approché encore un petit peu plus de Duff. Je la sens. Elle est juste à l'arrière maintenant. Ne t'approche pas trop, j'ai la fesse qui frétille. Oui, c'est clair. Bon, il y a Siam dans quelques minutes là. Ah bah non, elle est là. Siam! Oui, salut. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est elle qui devait venir et qui a trop picolé hier. Bah Siam. Bravo. Les auditeurs qui sont là te Siam là. On t'attendait. Toff, il était chaud bouillant. Hier soir, hein. Bah oui, non, c'est vrai, mais enfin nous on était à la fête de la musique, on était au Party Fun Live, voilà. On allait accoucher aussi de bonheur. Ah oui, mais bon, on avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui, nous on travaille, Siam, on n'a pas picolé toute la nuit. C'est pas faux. Bon, donc les forces de l'ordre travaillent dur aussi. Ah ouais. Bon donc. Donc tu viens pas nous voir Siam. Bah écoute, je suis trop naze. Bravo. Et tu sais quoi? Non mais c'est vraiment avec à contre-cœur. Vraiment, je suis blasée de pas pouvoir passer. Et voilà, mais c'est juste que je suis à un peu plus de 60 bornes et que le trajet me fait peur parce que j'ai. Bon, t'as trop picolé quoi, on a compris. C'est voilà. Pas grave. Parce que c'est toi les forces de l'ordre. Bah oui, alors qu'il y a tes collègues CRS qui arrivent là, ils sont tous devant la radio avec les gyrophares. Ils passent avec les gyrophares devant. Bah venez, vous êtes pas loin là. Mais j'avais envoyé un petit message à une collègue pour dire aussi de passer, pour faire plaisir à Toff. Qui vienne en bas de la radio, qui fasse péter la sirène quelques secondes là pour qu'on les entende là. Demande à tes collègues de passer en bas de la radio là quand même. Les CRS, ils sont où? Ils sont là devant? Et bah non, là ils sont repartis, ils sont montés sur la canebière. Ah ouais, bah ouais. Bah voilà, mais ils vont repasser, j'en suis certain, y'a pas de problème. Bon Siam, merci d'avoir appelé en tout cas. Mais écoute, je t'en prie, passe une bonne soirée sur Marseille. Ça marche, merci beaucoup. Salut Siam, ciao à toi. Ciao. Bye. Bon, on va également recevoir Julien et Antonin, là, des ch'tis contre les Marseillais. Ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, on va se faire aussi le son de Mr. Probs, hein, comme je l'avais promis, là, il va arriver. Vous restez bien sur Fun Radio bien entendu. Et puis le chéri je peux te faire cocu, vous connaissez tous le principe bien évidemment du chéri je peux te faire cocu. On va s'en faire un petit maintenant. Il était juste énormissime, c'était lundi soir. On en fera un autre demain. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter tous les soirs entre 23h et 2h, le chéri je peux te faire cocu, c'est parti. Oui, salut à tout le monde. Comment salut, ça va? Salut. Ça va bien, merci. Bon, oui, ça va bien, oui, tranquillement. Bon chéri je peux te faire cocu ce soir, que nous allons faire avec grand plaisir. Et tu vas... On va appeler Seb, c'est ton mec alors? Ouais, c'est ça. Parfait. Oh, chéri, je peux te faire cocu homosexuel. Oh, c'est fou. Qui fait la femme? Non, on fait pas de femme, il y a plus de femme. Mais si, il y en a bien qui préfèrent être bourrés. Mais non, attends, on est plus dans les 80. Ça n'a rien à voir avec les années 80. Mais si, avant, il y avait quand? Dans la caricature des gays, t'as toujours la folle et t'as le mec. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est parce que, je vous explique, dans un couple, il y a une femme et un homme, et là, pourquoi il n'y en a pas un qui préfère bourrer, se faire bourrer, je veux dire. Bah non, toi t'es plutôt passif ou actif? Qui, moi? Ouais. Bah, actif. Voilà. Ah, voilà. Et lui? Lui les deux. Ah, lui les deux, tu c'est lui la femme. Mais non, il n'y a pas de femme. Si. Oh, qu'il est relou, enfin bon. Allez, non, chérie, je peux te faire quoi? Ouais, c'est rien. Bon, quel âge il a ton mec, du coup? 32 ans. Il a 32 ans. Ouais. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ben ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Wow. Oh c'est mignon. C'est beau, attends, 7 ans que vous êtes ensemble et quoi? Et 4 au monde qu'on est mariés. Oh le mariage pour tous, c'est mignon. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Allez, vous avez dégainé direct quasiment. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal, vous avez pas perdu de temps, bah, c'est bien. Bon, ok, très bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui l'énervent? Est-ce qu'il a des des complexes physiques, je sais pas moi, les cheveux qui tombent, les cheveux gris, il a pris du ventre, j'en sais rien, moi, il est devenu gros, je sais pas.

Ou tu tires une petite pipe. Par contre, moi, je suis pas si tu veux, y'a pas de soucis. Non, ça ira, non, c'est gentil. Bah écoute, je laisse ça à Tov si tu veux. Moi, je ne m'intéresse pas. J'aime trop les femmes pour ça. Moi, c'est. Mais bon. Je m'en doute. Mais j'espère que je sois déjà, tout à fait. Ah bah oui, non, mais après, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Oh là là, y'a pas de problème. Eh, c'est qui a la plus grosse? Oui, c'est lequel des deux qui a la plus grosse? Moi, j'ai une Nakibol. Une quoi? Une Nakibol. D'accord, ok, très bien. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, très bien. Bah, si jamais tu changes d'avis, Tof est toujours disponible. Hein. Bien sûr, moi, y a voilà, pas de problème. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, par en gauche, haut, par en bas, droite, pas de problème, tout est possible, y a aucun problème. Oh, moi, tant que ça rentre, ça passe. Bon, maintenant que je t'ai découvert, qu'est-ce que j'ai gagné? Eh ben, du coup, on va te filer. Bah oui, mais comme t'as dit que t'écoutais l'émission d'habitude, là, dis donc, hein. Ouais, bien sûr. Non, il y a des haut-parleurs Bluetooth pour la plage. Vous allez pouvoir comme ça l'écouter pendant que vous ferez enculer. Oh, c'est dommage. Écoutez moi, de la musique. Un voyage de noces, il me fallait un peu des sous. Hein. Ah oui, mais là, ouais, non, bah là, ouais, bah un autre jour peut-être, hein, mais là, on n'a pas de sous malheureusement. Mais bon voyage de noces quand même, cela dit. Hein. Puis bravo pour le mariage. Merci. Salut à vous en tout cas, à bientôt. Allez, salut, à bientôt. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, on remet le couvert demain, bien entendu. Hein. Vous nous appelez tout de suite 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot à gagner. Il faut répondre à cette grande question hyper complexe. Quel était le score final entre la Suisse et la France? C'était vendredi. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900. On tire au sort dans une bonne heure maintenant. Et donc le maillot de foot de votre choix ou les chaussures de foot officielles ou le ballon pardon officiel, allez-y. Donc 64 900 MIKL est la réponse. Je vous souhaite évidemment bonne chance, Julien et Antonin qui sont arrivés. J'ai fait un accent là. Wow. Ah, ça m'a tiré les oreilles. Putain, y a plus. Y en a plus pour vous que pour nous, hein. C'est dingue ça. Attends, on va faire un essai. Pour Polo. Bon, ouais. Ça c'est un échec. Pour Toff. Ouais. Alors pour c'est comme ça. Pour Julien et Antonin. Ouais. Ça marche mieux. Bon, je vais pas le faire pour moi parce que je vais. Toff, il a fait les Marseillais ou Non, mais Toff, il a fait le malin surtout. Mais j'aurais aimé. J'aurais on t'entend aimé. Mal. On t'entend pas, tu vois. Même ici, il n'arrive pas à allumer son micro. Non, mais... je vois pas, c'est pas moi. Non, en fait, il a une minute au coin là. Attends, juste un truc. Je vais régler mes comptes avec le petit public là. Ah ouais, c'est vrai parce qu'ils t'ont pas applaudi. Hein. Vous m'avez insulté, vous êtes moqué de moi, les gars. Exactement. La vengeance sera terrible. Bon, Julien et Antonin, des ch'tis contre les Marseillais. Donc là, on est en supériorité numérique par rapport aux ch'tis, hein, clairement. On est pas mal. Attends, parce que c'est juste vos deux micros en fait. Pas. Non, toi on t'entend pas. On va prendre. Tu vas parler dans celui-là. Vous allez le partager en attendant qu'on répare. Allez, micro. Voilà. Vas-y, parle tout près là. C'est bon. Ah bah là c'est parfait là on t'entend parfaitement bien. C'est bon, il y en a assez. Voilà, vous parlez dans ces deux là, ce sera parfait. C'est bon. Bon, Julien et Antonin qui sont avec nous. D'ailleurs il y a déjà du monde qui voulait poser des questions. Et puis on va faire connaissance puisqu'on est chez vous ici. Hein. Allez, exactement. On est à Marseille. Bon, on fait on se met un petit peu de pub là, quelques secondes, on revient juste après. Il y a un son que vous aimez bien en ce moment ou pas? Moi j'aime bien Moi j'aime bien quoi? Moi j'aime bien un peu l'électro moi. Lui il aime tout l'électro. L'électro. Bon bah quoi, il y a un son particulier ou pas? Franchement, là ça me vient pas, mais je donne comme surtout ça tu... bon, écoute, de la Macarena, bien. Surtout jusqu'à, jusqu'à David Guetta. Ouais, Macarena, non. Ah, David Guetta, si tu veux. Ah oui, en David revanche, Guetta, bad. Ça, y a pas de problème. David Guetta, je peux faire. Oh, ah oui. En plus, avec Blast Off. Ah oui. La branche. Là, tu me touches. Eh ben, non. Commence pas à dire des conneries comme ça, là. Bon, 21h09, on suit aussi le match avec l'Algérie, là, ce soir. Hein, vous inquiétez pas. Et puis, bon, on revient juste après. Si vous avez des questions à poser à Julien et Antonin, 01 42 48 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y aura Blastoff et David Guetta juste après ça sur Fun Radio. Marseille, la ville la plus fun de France, accueille Mickaël No Limit et toute la team jusqu'à minuit en direct sur Fun Radio. Ce soir, Mickaël est en direct du vieux port de Marseille sur Fun Radio. Réagissez et commentez en live avec le hashtag Mickaël en direct de Marseille sur Fun Radio. Avec le hashtag Mickaël à Marseille. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez balancer tous vos messages. Il n'y a pas de problème. Julien Antonin, donc Antonin qui a voulu écouter le son de David Guetta. David Guetta. Eh ben David Guetta, on va l'écouter tout de suite. Alors avec Snoop, c'est Wiggle maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Il est 21h11. Mickaël No Limit en direct de Marseille. C'est jusqu'à minuit. Ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le vieux port. Mickaël No Limit, en direct de Marseille, pour tout retourner. jusqu'à minuit sur Fun Radio. Il est 21h14. T'as vu, on a quand même le meilleur chauffeur de salle. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça, ouais, c'est ça. Merci. Mes fans sont venus. Mais oui, oui, oui, bien sûr, c'est fans. Bon, Julien et Antonin qui sont avec nous, des ch'tis contre les Marseillais. C'est du lundi au jeudi à 17h50 sur vendredi, WNF. Du lundi au vendredi. C'est parce que là, on est là du dimanche au jeudi. Alors, on a été complètement perturbés. Non, t'inquiète pas, tu as un retour bizarre dans ton casque, mais ça passe bien. Ah, c'est bon. Ça, en fait, on s'est fait avoir. Je pensais aussi qu'il y avait un problème avec ton casque, avec ton micro, mais en fait, ça se passe plutôt bien. T'inquiète pas. Bon, donc deux gros stars de la région ce soir. Merci d'être venu déjà. Des stars de village, pas des stars. Stars du Vieux-Port. Je vous rappelle, vous êtes devant Cyril Hanouna tous les soirs. Ouais. Alors, ça, quand c'est même. C'est pas bon ça. Quand même. Non, mais si, c'est vrai. Bon. Faut dire les choses quand même. Donc, c'est sur W9. Presque 1 million de téléspectateurs chaque soir qui regardent vos deux tronches. Enfin, ouais. Et puis les autres aussi. Une dizaine. Ouais, il y a quand même une dizaine. Mais enfin, il y a vous aussi dessus. Numéro 1 sur la TNT. Donc, comme on le disait, c'est quand même pas mal. Donc, le principe de l'émission, c'est que vous avez tous des compétences particulières. Non, mais c'est vrai. Regarde, tiens, Antonin, sa compétence particulière, c'est le plus gros brancheur. C'est ça. Donc, barman, donc, et puis Julien, ouais, c'est ça. Et puis, organisateur d'événements pour Antonin. C'est ça. Très bien. D'ailleurs, l'événement lundi au Cabana. Ouais. Demain, casse tout. Exactement. C'est-à-dire, vous cassez tout, vous ramenez des trucs et vous cassez vraiment tout. Oui, vraiment. On casse les murs. D'accord. C'est en fait le concept pour entrer, d'habitude, c'est tu dois être bien sapé. Là, c'est tu dois venir avec un bulldozer. Voilà, tu dois venir. Voilà, ah oui, minimum. Minimum le bulldozer. Bon, et au niveau du barman, je suis déçu. Je pensais que t'allais ramener ce qu'il fallait pour faire un petit mojito, tout ça. J'ai pas pensé. J'ai pris la bouteille d'eau. Génial. C'est dimanche soir. Le dimanche, c'est le repos. Ah, c'est repos. Dimanche. Ah merde. Putain. Ah, dommage. Bon, du coup, est-ce que c'est plus facile pour trouver du taf maintenant que vous êtes connu ou pas? Moi, grâce à la télé, j'ai eu l'opportunité de récupérer. La gérance d'une discothèque, donc ça se passe bien sur Marseille. D'accord, très bien. Bah on va venir, ouais, c'est bien. Avec plaisir. Mais toi, tu rentres pas, toi, Polo. Le pauvre Polo. Il chauffe la salle, c'est bon. C'est ça. Non, c'est les chaussures, Polo. Tu peux pas rentrer. Délit de sale gueule. Écoute, ça arrive. C'est vrai que j'ai une sale gueule, mais bon, je fais ce que je peux. Mais oui, ben voilà. Et toi, Julien, moi, j'ai toujours travaillé dans la nuit, et je travaille toujours dans la nuit, et je travaillerai toujours dans la nuit. D'accord, ok. Bon, bah écoute, alors, tant mieux. Ça changera pas. Bon, dans les saisons précédentes, c'était entre Marseillais ou entre Ch'tis, et cette fois-ci, là, vous avez fait un mix des deux. Les Ch'tis contre les Marseillais, ça s'affronte sans merci, c'est à Marrakech. Voilà, c'est vraiment sans merci. Ouais. Bon, on va pas dire que ce sont les Marseillais qui gagnent évidemment la fin, je crois. Pour garder un peu de suspense, bien entendu. Mais ça s'est passé comment avec nos amis du Nord? Très mal. Au début, ça s'est très mal passé. Au début, c'était. Parce que bon, à Marrakech, il y a beaucoup de soleil. Est-ce que c'est comme à Marseille? On voit très bien qu'en fait, les Marseillais sont plutôt en train d'essayer de se protéger du soleil. Et tous ceux qui viennent du Nord, ils sont là. Sous le soleil, ils rougent comme Polo. Donc, du coup, Polo, une dent contre toi, non? Je crois qu'il t'aime pas, Polo. C'est pas une dent, c'est la mâchoire. Non. Non, mais en gros, donc, qu'est-ce qui s'est passé de violent? Bah, écoutez, nous, à la base, on est venus pour faire la fête. Eux pour travailler. Donc c'était pas bon, il y avait un problème. C'est énorme, parce que là il vient de décrire le nord et le sud. Voilà, c'est ça. On arrive, on est là pour faire la fête tous les soirs, travailler aussi, mais plus pour faire la fête quand même. Bah bien sûr. Et eux, pas du tout, ils se renfermaient dans leur chambre. Au début, c'était vraiment très compliqué. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Oh, ils révisaient. Et heureusement qu'il y a Vincent qui est arrivé. Et Vincent, il est un peu plus comme nous, c'est un peu plus un fêtard. Ouais. Et du coup, il les a entraînés avec eux. Donc on va dire que ça s'est bien fini. Mais ça a très mal commencé. D'accord. Et le pire ch'ti ou la pire ch'ti? Ça dépend de quoi. Pire de quoi? Je sais pas. Dans le travail. Dans tout. Tu détestes plus. Globalement, ouais, que tu veux plus voir. Après avoir vu un petit peu les épisodes là, j'avoue que Gaëlle, elle est un peu particulière. Moi. Devant, elle était plutôt gentille. Et derrière, elle est plutôt pas gentille. Ouais, elle est pas méchante non plus, mais parfois, elle dit ce qu'elle pense. Elle a raison. Non, bien sûr. Elle a raison. Ouais. Et toi? Moi je m'en fous. Toi tu t'en fous, pas de problème. Ouais, moi s'il y a un problème, je règle en face. Mais t'as bien raison. Ouais, celui qui le fait le plus halluciner, c'est Christopher. Là. Le mec est charpentier danseur. Au début, j'ai cru que c'était une erreur dans la présentation quand même. Charcutier. Charpentier. Charpentier. Charcutier. Non, c'est charpentier. C'est charpentier. Donc charpentier. Mais c'est quoi un charpentier? Il fait les toits. Ouais, non. Il danse sur les toits. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il fait de la viande sur les toits. En dansant, exactement. Ouais. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. Ah, moi, je suis fan. J'aime pas ça. Grandeur nature dans ma chambre. C'est vrai. Ah, ouais, du coup, tu vas commencer à faire aussi du toit, la réparation de toit, etc. Non, mais t'as raison, il en faut. Parce qu'à Marseille, malgré tout, il fait beau, mais il y a quand même des toits. Bien sûr, bien sûr. Et il faut qu'ils soient entretenus, tout ça. Voilà, nickel. Bon, vous entendiez bien avec lui, visiblement, au taquet. Franchement, pour moi, c'était au début. Il était là. Oui, au début il était là. C'était l'un de nos préférés parce qu'en fait il est. C'est un régal. C'est ouais, tu le mets là, tu rigoles toute la soirée. Ah ouais. C'est pas, il te fait rigoler tout seul. Et quand on il les te regarde, il te fait ça avec la main vers en bas. Démotivé. Démotivé. Tu sors de la douche, ton reste fait démotivé. Pourquoi je suis démotivé? Je sors de la douche, je suis à Marrakech. Dans cette palace, je suis motivé. Moi, je suis pas démotivé. Mais il a peut-être voulu faire refaire le toit du palace. C'est pour ça que j'ai démotivé. Qui était pété là. Ici là, je vais te refaire le toit. Attends, il y a Anthony, il y a Hugo, pardon, qui est là. Qu'il y avait une question là. Salut Hugo. Salut. Comment ça va Hugo? Il y en a assez. Ça va, ça va. Bon, tant mieux alors. Hugo, hein, je précise. De quoi? C'est Rio Hugo. Ah, Hugo Rio qui est de retour. Très bien. Bah dis donc, ça faisait retour. Longtemps là. Bon. Bah, désolé, c'est ma prof d'anglais. Elle m'a pris mon téléphone. J'étais dégoûté. Putain, ça c'est les profs d'anglais, ça. C'est toujours la galère. C'est trop. Ça. Ouais. C'est clair. Bon, tu avais une question à poser à Antonin, toi. Ouais, voilà. Alors Antonin, je voulais savoir si dans la famille des Marseillais, on voit que tout le monde t'aime. Toi, t'aimes bien tout le monde. On voit que tout le monde t'aime bien. Mais je voulais savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aimait un peu moins bien, qui te saoulait un peu. Moi, ouais, ben, je viens de le dire. Ouais, c'est ça, c'est... Dans les ch'tis, ben moi, c'est... Non, j'apprécie tout le monde et tout. Moi, là-bas, je suis arrivé là-bas pour qu'on s'entende bien. Je suis pas arrivé pour... Pour faire la fête. Ah ouais, ouais. Aussi, voilà. Et qu'on s'entende bien en faisant la fête. Et après, il y a eu des parce que les Marseillais sont là pour tout casser. Ouais. Non, après, il y a eu des difficultés aussi avec les Marseillais. Avec Kim. Ah, avec Kim. Avec Kim aussi, il y a eu des... Kim, on lui réserve une belle revanche à la petite. Ah oui. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben justement, la petite. Avec Christopher, j'ai son poster dans ma chambre. Kim, dans les toilettes, on joue aux fléchettes. On joue aux fléchettes avec le poster de Kim. On l'attend au tournant, la petite. Ah, oui, oh, là, putain, là. Si on avait su, on aurait mis une petite photo là. Dommage. On l'aurait fait venir et tout, ça aurait été parfait là. Parce que moi j'avais dit en plus à Toff là, je lui avais dit tiens machin, ce serait bien qu'on ait des Marseillais. Et il me dit ouais, bon, on aura deux mecs. Je fais oh putain. Alors, je t'ai dit bien, gars. Non, mais oui, mais bon. Pourtant, j'avais fait forcing pour les filles. Mais ouais. Tu veux qu'on mette des soutiens-gorge ou quoi? Écoute, bon, tu peux essayer. Écoute, on va aller se refaire faire l'essai. Ah, bah, si tu veux, voilà, c'est ça. Bon, je suis pas sûr que tu sois très sexy. Voilà, Hugo, t'as encore une autre question, donc t'es là? Non, c'est bon, mais franchement, je vous adore. Je viens en tenant, franchement, vous déchirez tout. Je regarde toutes les émissions, franchement, vous êtes sur les. Je suppose que tu nous aimes un peu plus que ta prof d'anglais. Ah oui, c'est ça. Largement. Je suis partout sur Twitter, Facebook, je suis partout, franchement, vous êtes. Bon, bah, très bien. Eh, Hugo, do you speak English? Si. Ah, tu vois pourquoi si, il Spanish. Mais oui, bien. J'ai l'impression que c'est un problème d'Hugo quand même, hein, l'anglais. Ouais, ouais. Hugo, des problèmes. A... Tu vois, Hugo, pourquoi est-ce qu'elle t'a pris ton téléphone portable? Parce que t'as été une merde en anglais, en fait. Hein. Non, c'est parce qu'il y en a, en fait, il m'envoyait des messages, il me disait, ouais, t'écoutes nickel, et c'est ça, je fais, bah oui, évidemment. T'es en train d'essayer de nous sucer la bite, là, il fait un cadeau, il fait un cadeau. Ouais, c'est promets, je vous promets, il m'a envoyé 20 messages, le dernier message, je dis bah oui, évidemment, et évidemment, le M de évidemment, et bah elle me l'a pris. Ah, bien sûr, Hugo. T'es en train d'essayer de te foutre de nous, là, Hugo, là. Non, je vous jure. Bon, Hugo, sois meilleur l'année prochaine. Oui, franchement, je quand meilleur. Tu vas refaire la même année. Bon, ouais. Salut, Hugo. Ouais, et Julien Antonin. Oui. T'inquiète, dans le cœur, Fradé. Ciao, Fradé, à bientôt. Il y en a assez Hugo. Léger pour le goût, c'est ça qu'il faut. Voilà, ciao à toi, Hugo. Il y a Lola aussi qui est avec nous de Rouen. Salut, Lola. Lola. Ça va bien? Lola, oui, aïe. Bon, alors, Lola, t'avais une question. Ah, mais c'est pour Julien, tiens, cette fois. Oui. Alors, vas-y, Lola, t'es une douce, toi. Hein. Oui. En fait, je voulais savoir si Julien est toujours avec Jessica. Alors, Jessica Alba, oui. Jessica Alba, exactement. Il est monté en gamme. Depuis le million, il a pu changer. Hein. Ah oui, c'est clair. Il montait bien en gamme, là, effectivement. Non, alors, je suis plus du tout avec elle. Oh, attends, toi. Oh. Le public est déçu. C'est moi, pas grave. C'est terminé, je veux plus avoir affaire à elle, je veux plus entendre parler. Tu peux récupérer le numéro? 07 72. Enfin, tu peux, après, tu fais ce que tu veux. C'est terminé. Moi, je suis chez moi à Marseille, elle est dans son village à Tarascon, et il y en a assez. D'accord. Okay. Bon, bah voilà, Lola. D'accord. Bah écoute, c'est marrant parce que la voix de Lola, on dirait que c'est une vraie femme qui fait. Oui, oui, oui, ça va. Bonjour. En fait, je m'appelle Jessica. C'est ça. Tu me lâches pas l'emmerde, c'est ça. C'est énorme. Je voulais voir si on pouvait se remettre ensemble. Voilà, c'est ça. Bon, tu voulais dire un truc en plus, Lola? Oui, parce que si, j'ai vu que vu que je regarde les Marseillais et les Ch'tis, j'ai vu qu'à un moment, t'es parti avec Tricia et qu'elle a pété un câble et tout. Vous ne pouvez rien cacher, les gars. Ça, tu as vu ça quand? C'est pas encore passé l'épisode, tu as vu ça dans le générique. Là, j'ai vu ça dans les bandes bizarres, là, d'annonce. Oui, c'est donc, ça. C'est dans les bandes bizarres d'annonce. Je vais te laisser... dans les bandes bizarres d'annonce. Il fallait qu'elle fasse son lit, elle avait besoin voilà, de... Voilà, je l'ai aidé à faire son lit voilà, en rentrant le soir de boîte de nuit. Voilà, du coup, et du coup, j'ai fait bien faire son lit, c'est d'être à l'intérieur, quoi, pour vous... Voilà, il faut se rendre compte après si t'es... Si t'es bien installé dedans, normal, quoi, voilà. Bon, bah, tu sauras bientôt sur W9, Lola. D'accord. Et je vais leur demander un truc ou pas? Ah bah là, vas-y, t'as là. On y est, t'es plus à ça près, hein. T'es plus à ça près, maintenant, vas-y, Lola. Est-ce que ta gueule, il est avec Adicté ou pas? Ta gueule? Ta gueule? Paga! Alors écoute, Paga et Adixia, ils sont ensemble, ils vont se marier. En fait, est-ce que tu... Ils ont même un enfant en route. Sur les réseaux sociaux, tu le vois que Paga et Adixia sont toujours ensemble. Donc, attends, parce que sinon on l'appelle, Adixia. Bah ouais, enfin, pourquoi on l'appellerait pas? Enfin, on appelle Paga. Eh ben bah, oui, ouais. Adixia, je suis numéro, on peut pas Paga. Bon, Paga, je l'ai, on peut appeler Paga. Ta gueule, on appelle les deux, on les marie en direct, on en parle plus. On appelle en direct. Eh ben vas-y, viens. Allez, vas-y. Il a dit pas, on t'a dit pas. Alors, 06. Attends, vas-y, monte. Attends, on va l'appeler. Paga là. Bouge pas, Lola, on va l'appeler en direct, d'accord? Enculé de Paga là. Bon, très bien. Bon, toujours avec Julien et Antonin là, des ch'tis contre les Marseillais. Si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus. On est sur le Vieux-Port 49 qui est des Belges. C'est à Marseille évidemment, sur le Vieux-Port. Il y a quand même un Marseillais qui a essayé de nous le faire à l'envers hier, qui voulait absolument repartir avec le. Ah bah tu l'appelles sur ton téléphone. Mais attends, on va l'appeler directement. Saint-Martin, moi je suis en 92. Hein. Tu l'appelles avec l'ordinateur. Mais oui, j'ai besoin. Attends, voilà. Que ça toute la France pour l'appeler après. Moi, j'étais en train de tourner les numéros, moi. C'est ça. Non, mais il allait surtout l'appeler. Oh, Paga, dis-moi, je suis à l'antenne aussi. Là. Comment ça va? Ah, mais votre correspondant est actuellement. Paga, il est comme ça. Bon, appelle Adixia. Il pourra vous rappeler. Non mais quelle horreur. Attends, vas-y, faut qu'on lui laisse un message. C'est ça, c'est la message, un message. C'est la messagerie du bof. Allô le bouf. Bon, Paga, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, on est avec Julien et Antonin, et puis on a surtout Lola qui avait une question à poser. Bon, on essaiera de te rappeler dans quelques minutes, mais là c'est pas possible le répondeur. Hein. Ah, ouais. Enfin, là, il faut que tu fasses quelque chose, ça va pas du attends, tout. Il va falloir changer ça, mais vite, mais alors très vite. Hein. De sanctions. Tu pourras plus rentrer dans le territoire tu français. Tu pourras plus voir Adixia. Grave, on va te virer. Bon, Paga, on essaie de te rappeler tout à l'heure. Bon, bah du coup, en attendant, on va essayer d'appeler Adixia. Alors, comme ça, on essaie de... Bon, Lola, tu pourras pas dire que j'ai pas fait le maximum pour avoir des réponses à ta question. Hein. Bah oui, c'est sûr. Bon, alors attends, j'essaye de l'appeler. Voilà, hop là. Allez, hop, si ça se trouve, il est Paga est avec Adixia. Oui, c'est pour ça. Si ça se trouve, si ça se trouve. Ah, quelle heure il est? Dimanche au soir, 21h30. Si ça se trouve, il est Adixia. Ah, sonne. Aïe, ça, ils sont séparés. Allô, vous êtes dans la messagerie. Oh non, je vous disais qu'ils étaient là dans l'eau. Veuillez laisser un message après le bip. Bah c'est bon. Quand vous avez terminé. Oui bon, on n'est pas vous débile. Vous pouvez plus, raccrocher ou appuyer sur le carré pour plus d'options. Adixia, c'est Mickaël, t'étais sur Fun Radio, on était avec Julien et Antonin là, et puis on avait une petite question, une question de Lola surtout là. Bon, on essaiera de te rappeler dans quelques minutes. C'est marrant parce que chez Paga ça décrochait pas non plus. Ouais, c'est bizarre. Alors, c'est bizarre. Ce soir 21h30, sous le lit, ouais. Sous la couette, ça peut aller très vite, il y en a assez. Ça regarde pas les experts là. Peut-être. Bon, bah tant pis alors. C'est des expertises. Ouais. C'est expertise. Bon, j'ai peut-être quand même encore une. Ah, on enquête, nous, on rigole pas, on va pas lâcher la fiche. C'est encore une enquêtrice qui pourrait nous donner quelques petites informations. Donc Lola, quand même, reste avec nous. On va essayer d'appeler l'enquêtrice, d'accord? T'es, c'est ta nièce, Lola, ou quoi? Non. Tu veux vraiment répondre à sa question? Ah bah oui, attends, et nous on est comme ça, on est comme ça, des choses. Chez Fun Radio, non, on fait pas des choses. Comme Paga, peut-être en ce moment là, il va au fond des choses. Ouais, bon, techniquement, je pense qu'il est quand même plus. Il est mieux. Il est plus offensif là. Je pense qu'il est mieux installé. Bon, reste avec nous, Lola, tu restes là donc? Oui. Bon, très bien, bouge pas de là. On va revenir avec vous toutes et vous tous également là. Ça va toujours? Ouais! Antique, antique, antique! Aïe! Vous êtes là pour Polo? Oui. Ouais. Non, là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de... Là, là, Il y a Maeva qui a fait de la résistance, là. Ouais, de la résistance. Bon, restez sur Fun Radio. Il y a Jason Derulo qu'on écoute maintenant avec Snoop. C'est Wiggle. Et puis, on revient juste après. Il y aura les appels malveillants. Vous toutes et vous tous en direct. Et puis, Julien Antonin des Ch'tis contre les Marseillais qui sont encore avec nous sur Fun Radio. Hey, yo, Jace. Damn, baby. Marseille, la ville la plus fun de France, accueille Mickaël No Limit et toute la team jusqu'à minuit en direct sur Fun Radio. Allez, c'est parti! Il y en a assez. On est toujours au taquet, évidemment, toujours à Marseille, toujours sur le Vieux-Port. Et 2-0 également pour l'Algérie, là. J'ai oublié de vous tenir au courant, là, ils en ont mis deux d'affilée. Tiens, vous êtes pour qui, là, pour la Coupe du Monde? Viva, moi, je suis pour l'Espagne, j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, il y a encore un match, hein, c'est ce qu'on appelle la Coupe des losers. Hein, c'est Espagne-Australie, les deux éliminés. Enfin, derrière la France, ils sont bien partis, là, cette année. Franchement, ils ont une équipe, je les regarde, ils me donnent des frissons. C'est vrai, 6 points sur 6. La Belgique a fait 6 points sur 6 aussi d'ailleurs, puisque j'ai eu Adixia antenne qui m'a dit oh mais je fêtais la Belgique. Voilà, t'es toujours avec nous, hein. Oui. Bon, il y a les appels malveillants qu'on va faire également dans quelques secondes. Elle se faisait mettre des buts, ouais. De quoi? Elle se faisait mettre des buts, ouais. Non, c'est drôle ça. Content, il a fait sa vanne, il a préparé depuis tout à l'heure. Attends, il y a tout le disque pour la faire. Ouais, ouais, bah, ça c'est clair, ouais. Bon, il y aura aussi Ariana Grande aussi dans quelques minutes avec Problem. Bon, j'espère qu'elle va décrocher, ce serait pas mal. Alexia, c'est bon, ça envoie des dossiers. Attends, on va rappeler encore un coup. Du dossier, c'est que ça croustille là. Mais j'espère, sinon j'ai toujours mon informatrice, mon indique. Ah, mais je suis pas balancer plus là, les gars là. Ou quand je sens pas gars là. Pas gars. Attends, hein. Ça va. Oh, arrête, Julien, ça va. Tu nous entends? Oui. Bon, dis donc, tu traînes là, qu'est-ce que t'es en train de faire, Alexia là? Oh putain. Oh là là, mais bouge un peu, y a pas de réseau là. Ah, attends, je compte. Ça va. Allez, ça va. Ça va. Dans une brasserie, je monte. T'es où, là? Dans quelle ville? Alors, je suis à la lumière dans ma ville et c'est la folie. Parce que la poubelle. Belgique, elle a gagné. T'es dans la poubelle, c'est la folie. La exactement, exactement. Poubelle de quoi? Adixia, est-ce que t'es avec Lolita? Ouais, mon indique. Paga. Non. Ah parfait, donc je peux l'appeler pour avoir un peu plus d'infos dans quelques secondes. C'est parfait, merci beaucoup. Non, Adixia. C'est ça. Non. Là, je ne comprenais plus. Non, voilà. Bon, du coup, Adixia, il y avait Lola qui avait une question à poser là. Lola. Oui. Bonjour. Allez, Lola. Allez, secoue-toi, Lola, là. Allez, Lola. Oui, Adixia, je voulais te poser comme question. Est-ce que tu es encore avec Paga? Oui. Non. Oui. Elle a une grosse bite ou pas? Non, c'est une blague ou quoi? Non. C'est une blague ou quoi? Il a une tétine. C'est la tétine à Paga. Je ne dis rien du tout. Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard, t'as balancé là. J'ai dit il a une grosse bite. Non, j'ai rien balancé. Non, j'ai dit non, je ne dis rien. Ça va. De toute façon, tu nous connais. Tu nous connais, ce sera remonté. On mettra les oui et non là où on veut qu'ils arrivent. Et ça ira très bien. Allez, vous êtes vraiment méchant. Ça va. Ça va. Mais pourquoi t'as pas pris Julien ou Antonin? Elle a essayé, Non. Elle a essayé, mais c'est eux qui ont dit non. Non. Parce que Paga, c'est Paga, ouais. C'est TikTok, mon style, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment le type de mec que je kiffe. Bon, à quoi il ressemble pour ceux qui ont jamais regardé W9? Enfin, qui ont jamais regardé l'émission. 1m90. Ouais. Rouquin, 110 kilos. Attends, mais il est roux. 110 kilos, 110 kilos à peu près de muscle. Il fait du badminton. Bon, Adixia, physiquement, par rapport à Toff, est-ce que ça ressemble ou pas? C'est le même. Quoi? Par rapport à Toff, est-ce que Paga ressemble un peu ou pas? Sur une échelle de 1 à 10. Mais pas du tout, Toff, ça va. Sur une échelle de 1 à 10, il fait 1m65 à peu près. 62 kilos. D'accord. Ouais, il a les abdos, il a un corps bien taillé, les ceintures noires de judo, il est sportif. D'accord. Ah oui. Non, voilà. Ça y est, l'hôtel Joe, t'as Ah oui, là. Ça va. On a plein de points en commun parce qu'il est DJ, je suis DJ, il a fait du judo, j'ai fait du karaté, on a les yeux bleus tous les deux. Il a fait du football, j'ai joué au boule, donc c'est pareil, ça correspond. Voilà, et voilà, ça y est, c'est fait. Bon, bah très bien. Bon, Adixia, t'as bien fêté la Belgique, alors la victoire? Oui, j'ai pas encore fini là. Ah bah non, c'est pas là, il va se bourrer la gueule toute la nuit. Est-ce qu'il y a Paga avec toi? Oui. Mais Paga, il était avec moi quand elle a gagné la première fois. Bon, il mais pas la deuxième. Un peu mal, parce que, voilà, il a mis des buts ou pas, Paga? Des buts? Mais est-ce qu'il a mis des buts? C'est un message codé. Est-ce qu'il te plante des buts, Paga, en gros? Oh, merde, ça va. Merde, ça va. Est-ce qu'il te le met bien au fond? Parce qu'il faut savoir que merde, maintenant, c'est écrit avec un T. Hein, donc on merde, a décidé de changer ces conneries-là, on a fait le ménage. Ouais. Donc, pas de but, alors? Non. Non. C'est un petit coup franc. Ouais. Oui, ça va, maintenant arrêtez de m'emmerder avec ça parce que je suis... Ah, ça y est, on l'a énervé. Moi, je vais appeler mon indique. Allez, on va. Bon, merci Adixia, je te fais des gros bisous. De rien, je vous fais des gros bisous. Allez, bisous, frère, à bientôt. Adixia, deux secondes là, reviens un peu là. Je t'ai appelé la semaine dernière, enfin je t'ai envoyé un message. J'ai dit, oh, au fait, tu peux pas venir, machin, il y aura en non, je suis en Corse, papa. Et là, oui, tu me dis, non, mais je suis en Belgique. Écoute-moi, Michael, c'est toi et écoute-moi. Je t'assure t'es bien que parce que t'es blond, maintenant. Vas-y, continue. Non, je devais être en Corse aujourd'hui, c'est juste que ben, pour finir, j'ai pas été. Voilà. Ah ouais, et tu t'as bien c'est disputé avec Paga parce que voilà. Paga, il est en Corse. Et ouais, parce que. En plus, Paga, il a rejoint sa brune là. Ah mais c'est ça. Ça dit quoi Adixia, c'est très bien que le soir où tu es pas avec Paga, Paga il dort jamais seul. Paga ça hantise, c'est dormir seul. Tu sais très bien que toi tu es en Belgique, lui il est en Corse. Il y a carrément la mer qui vous sépare. Alors là écoute-moi, ça va aller très vite. Aïe aïe aïe. Mais bien sûr, c'est ça. C'est toi qui va aller très vite, moi je débarque même à la Marseille. Adixia, ça aura duré que quelques mois. Et ce sera déjà pas mal. Rappelle-toi son ex qui là qui travaille à la discothèque, le Blue Moon, tu crois qu'il est où la Paga en ce moment? 21h30, tu réponds pas au téléphone, il est sur messagerie. Maintenant. Mais d'accord, et ben essaye de le rappeler là. Tu vois que le haut du corps. Essaye de le rappeler. Rappelle-le. Non, rappelle-le. C'est même pas que le haut du corps. Elle voit, il voit que ce qu'il veut montrer. Mais oui, c'est ça. Non, mais on rigole, bien sûr. Oui, bah fais oui, attention quand même. D'accord. J'ai confiance en lui, oui, ça va. Mais c'est parfait. Bon, ça va. Allez, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que la confiance nique la France. Allez, bisous. Salut Adixia, ciao. Bisous. Allez, ciao à toi. Bon, on essaie d'appeler mon indique dans quelques minutes. Je pense qu'on devrait avoir des informations un peu plus informatives. Voilà. Et 3-0 d'ailleurs pour l'Algérie là. Hop là, c'est Djabou qui a mis. Exactement, ouais. C'est Djabou. Bon, on va parler de choses sérieuses maintenant. On va dans quelques instants, bah déjà écouter le son de Mister Probs. Il y aura Ariana Grande aussi. Ce sera Problème sur Fun Radio. Voilà. Ça vous kiffez ça, tous les deux ou pas? Ouais. Ouais, très bien. Merci. Eh ben on le mettra dans quelques minutes là. Bougez pas de là, Ariana Grande avec Problème. Et puis il va falloir également que bon, je sais pas si vous connaissez les appels malveillants de toi, vous les connaissez ou pas? Ouais. Les appels malveillants. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler, c'est très bien. Alors, c'est bien, on fait corporer ces gars. Les appels sont vraiment malveillants. Exactement. Alors, écoutez, non mais écoutez bien parce que vous allez devoir faire les mêmes dans quelques instants. Ah, attention qu'on est très fort nous. Oh là là. Voilà, on va vous détrôner là, attention. T'inquiète. Écoutez, donc on avait appelé. Qui on avait appelé encore? Je me souviens plus là. On avait appelé. C'était parce que. Voilà, c'est ça. Il y avait la loi anti-sodomie qui avait été annulée en Alabama. Exactement. Et donc j'avais appelé pour voir si les gens avait déjà un petit peu pratiqué en France. Voilà, donc grosso modo, écoutez bien, c'était ça le concept, et puis vous allez devoir faire pareil dans quelques minutes, d'accord? Allez, c'est parti, on y va, écoutez bien. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pratiqué la sodomie, madame. Pardon? Est-ce que vous êtes déjà fait enculer, quoi? Bah, va te faire enculer toi-même. Pourquoi salut, mec. Pourquoi vous me dites ça, madame? Oh, donc on a bien vu qu'elle n'était pas très ouverte, on l'avait donc rappelé encore une fois, évidemment. D'accord. Voilà. Donc il faut commencer comme ça, fort direct. Non, attends, on va te donner un thème. Attends, on va t'expliquer, il y a tout un... Sodomie direct. Oui, allô? J'écoute. Oui, non, parce que vous m'avez pas répondu pour la sodomie, madame. Va te faire enculer, d'accord? Va sucer quelque chose si ça t'intéresse, mais fous-moi la paix, merci. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, madame. Non, on n'avait pas répondu, donc on l'avait encore une fois rappelé, bien entendu. On lâche pas l'affaire, hein, tant qu'on n'a pas la réponse. Oui, allô? J'écoute. Oui, non, mais parce que vous ne me répondez pas, madame, alors du coup... Alors oui, je me suis déjà fait enculer, oui, je vais continuer à me faire enculer, et je me fais enculer par tout le monde. Voilà, ça vous intéresse? Ah bah, je peux passer aussi, alors? Pardon? Non, je peux passer aussi, si tout le monde peut y passer. Bah, vu ta voix de pède, ça m'étonnerait. Oh bah, c'est pas gentil, ça, madame. Bah ouais. Bah oui, non. Moi, j'étais chaud, là, madame. Non, parce que si vous me proposez... Tu vas te prendre une biquette et puis tu vas te soulager comme tu peux. Ah bah non, madame, pas une biquette. Bah tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Bah oui, mais là vous m'avez chauffé, maintenant moi je suis fatigué, madame. Bah tu te branles toi-même, d'accord? Bah c'est pas gentil tout ça, madame. Ouais. C'est bon là? T'as fini? Bah oui, moi je voulais juste savoir si vous aimiez la sodomie, c'est tout. Hein. Bah d'accord. Donc maintenant tu prends tes couilles entre tes dents et tu te barres, ok? Salut. Je suis pas contentionniste, hein, madame. Donc là, elle avait encore une fois raccroché. On l'avait rappelé une dernière fois là, pour le sport, hein, pour le goût. Voilà, c'est, oui, pour le goût. Pour la forme. Exactement. Les formes. Oh, tu commences à faire chier. Eh ben viens la savoir ta bite. Attends, on rigolera. Bah okay. Non, mais je voulais vous dire que j'étais pas contorsionniste, madame, c'est ouais, tout. Non, elle va nous voir accrocher, elle va nous voir accrocher. Voilà, donc vous avez compris le concept, on vous donne le thème dans quelques minutes, donc ne bougez pas de là. On va également prendre Maïva là, qui voulait absolument devenir douce officielle. Je vais te baptiser. Voilà, c'est ça. C'est ça, Maïva? Ouais. Non, parle bien vraiment dans le micro là. Ouais. Voilà. Bon, je te présente Polo. Maïva! Oui. Toi qui me regarde pas comme ça. Tu veux devenir douce officielle? Ouais. Attends, t'as quel âge d'abord? 14 ans. Bon, c'est parfait. Donc tous les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas mué ou qui ont moins de 15 ans. C'est ça, moi qui suis le grand maître de la confrérie des doux, grand maître de l'armée des doux, je peux accéder à ta demande. Maëva, mets-toi à genoux. Elle te met à genoux, c'est parfait. Maëva, insulte-toi. Je suis une grosse connasse. Encore. Ah bah bravo, ta mère est fière de toi. Encore. Encore. On s'en fout, c'est pas grave, encore. Pute. Encore. Une pupute. Maëva, ça suffit. Maëva, prends ton téléphone, prends ton micro dans la main droite et tape-le-toi sur la tête. Maëva, tu es intronisée douce. Bravo Maëva. Et tu seras la douce. Oh, ça c'est nul. Non, bah, non mais je peux pas. La douce des douces. La douce, un surnom pour elle. Un surnom, là. Un surnom, les skis vont. Les Marseillais, pardon, vont te baptiser. Oh, là, oh. La douce Fada, ça va? La douce Fada. La douce Fada. Voilà, la douce Fada. Y'en a assez. Y'en a assez. Ouais, mais justement, ouais, c'est très bien. Bon, bah, merci à toi, la douce Fada d'être passée. Hein. Voilà, il va falloir y aller, là, maintenant. Allez, bon, allez, merci, maman, d'avoir quand même tenu, parce que faut savoir que dehors, j'ai négocié avec elle, elle voulait déjà partir à 18h, je lui ai dit, oh, 5 minutes. 5 minutes, elle arrive à 20h, elle part à 20h05, il est 21h45. Ça fait 5h. Désolé, hein. Maman, désolé pour le truc, hein, mais c'est le bon, on l'a baptisé douce, bravo. Mais c'est ça, c'était important. Bon, restez là, dans un instant, on fait les appels avec vous. Il y aura aussi Lydie, Andrea et Nola, vous toutes et vous tous en direct. Si vous voulez participer à l'émission, bah, vous êtes les bienvenus. Appelez-nous au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 depuis la Belgique, juste après la pub. On écoutera déjà le son de Ariana Grande avec Problem. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a les maillots de foot également à gagner sur Fun Radio, offert comme tous les soirs par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Pour les gagner, c'est très simple, maillot de foot de l'équipe nationale de votre choix. Il suffit simplement de répondre à la question: quel était le score final entre Suisse et France? C'était vendredi. Vous envoyez MIKL suivi de la réponse au 64 900 par SMS. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit en direct de Marseille. Ouais, Marseille, la ville la plus fun de France, accueille Mickaël No Limit et toute la team jusqu'à minuit en direct sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le vieux port. Mickaël No Limit, en direct de Marseille, pour tout retourner. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. 9h50, on est là jusqu'à minuit en direct de Marseille, donc avec toujours ce soir Julien et Antonin qui sont avec nous, des ch'tis contre les Marseillais. D'ailleurs vous auriez dû taper scandale parce que ça aurait pu être les Marseillais contre les ch'tis. C'est vrai, mais ça, oui. C'est d'abord mettre les Marseillais. Ça c'est pas nous qu'on choisit. Ah ouais, on peut voir ça comme ça. Voilà. On peut voir ça comme ça. Bon, on a fait les appels malveillants en quelques minutes. Juste d'abord saluer Mika l'apéro qui est passé dire bonjour sans l'apéro. Hein, ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà, et voilà. Bon, Mickaël Perrault, tu veux faire une petite dédicace vite fait avant de partir? Une dédicace à Colline et voilà quoi. Très bien, bah t'as envie de la serrer là, c'est pour ça? Allez là. Elle est où Colline? Elle est où Colline? Colline. Aïe aïe aïe. Ça va bien se passer ce soir, tu vas voir. Ça va aller très vite. Bon bah la prochaine avec l'apéro alors. Hein. Très bien, bah voilà, Mickaël Perrault, fidèle auditeur qui est là tous les soirs sur le Twitter de l'émission. Bon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Les appels, vous avez bien compris le concept, hein, des appels malveillants. Bon, on appelle, on parle de sodomie. On anticipe. On vous a donné le petit carnet de Clara Morgan pour vous donner quelques idées. Voilà, vous allez pouvoir regarder un petit peu dedans. Alors il est important de bien vous présenter tous les deux avant de poser votre question, d'accord? D'accord, allez. Bon, Vous êtes prêts? Attends. Vas-y. Donc vous posez bon, vous regardez bon, dans le petit carnet. Tu sais de quoi on va parler? Et on pose une question qu'il y a d'un. On va parler d'éjaculation faciale. Non. Par exemple. Allez-y. C'est bien ça. Oui. Ce qui est important, c'est que vous vous présentez. Julien Antonin. Des Marseillais. Des Marseillais, W9, machin. C'est parti. Et vous dites surtout dans la phrase, pas de ça entre nous. Vous déplacez ça à un moment donné. Pas de ça entre nous. Voilà. Allez, ça c'est un moment quand vous voulez. Ah oui. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon, des chaud. On y va. Il est chaud. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. On dit rien, nous. Hein. Putain. Ah oui, bah il est long. Hein. Peut-être qu'il regarde l'Algérie, il a 3-0. Hein. Oh merde. C'est pas grave, on en a un autre au pire. Hein. Bonjour. Non, merde, ça va répondre. C'est pas grave. On en a un autre. On en a un autre. J'espère que vous êtes très bon. Vous serez bon. Hein. Peut-être une place pour vous sur Fun pour remplacer pour le top. C'est quoi qu'il faut placer déjà? Pas de ça entre nous. Pas de ça. Oh. Oui, allô. Allô. Fraté. Non, pas. Se présenter. Ah oui, vas-y. Fraté. Allô. Tombé sur un mur. Il y en a assez. Non. Il y en a un qui joue avec nous en fait. Au lieu de jouer avec lui, il joue avec nous. Allez, arrête la branlette là. Oh, il est relou lui. Putain, il est aussi... Bon, on en a un autre. On en a un autre. Mais je crois qu'on l'a tellement saoulé celui-là à mon avis. Que... Bon, c'est pas grave. On en a encore un autre là. Il y a plein de numéros là. C'est voilà. Ça. Hein? Non, non, ça c'est pour demain. Ça. J'y crois. T'as, quand on fait avec Tofs. Oh putain. Qu'est-ce que... Allô. Oui. Raté, ça va? Allô. C'est Julien des Marseillais sur W9. Raté. Mais attends, qu'est-ce qu'on est chez qui là-haut? Raté. C'est The Grudge. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père. Allô. Bon, décidément, vous avez vraiment la poisse. Hein. Putain, vous nous portez. On en fait encore un, sinon on vous déclare perdant. Ah non, attends, c'est pas notre faute. Attends. Elles sont émues dès qu'elles décrochent. Elles sont émues. Ça décroche et puis ça démet le téléphone sur le côté. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui, Fraté, salut. C'est Julien là, et Antonin des Marseillais sur W9. Oui. Oui. Ça va toi? Mais là, je pense que tu tournes de miro, mon gars. Non. C'est Christopher ou quoi? Non, non, pas du tout. En fait, on t'a appelé pour savoir si si toi, t'aimais bien les, faire des éjaculations faciales. Eh bah, hé, tu sais, juste entre nous, je vais dire une chose, va vite te faire enculer, connard, d'accord? Non, non, pas de ça entre nous. Pas de ça entre nous, s'il te plaît. Pas de ça entre nous. Moi, je veux juste savoir si niveau éjaculation faciale, tu aimes ça. Si t'as des couilles, t'as mon numéro. Et j'en ai des grosses en plus. Et maintenant, tu fermes ta gueule, ok? Fraté, écoute-moi, pas de ça entre nous. Non, non, je t'écoute pas. On parle tranquillement des éjaculations faciales, tu veux pas me faire enculer. Ne mélange pas tout, s'il te plaît. Ferme ta gueule, je trise les reins, je te l'ai. Non, non, non, non. Allez, Fraté. Allez, viens, on parle sérieusement entre Marseillais, là. Allez. Oh, je l'ai placé quand même. Ah ouais, non, vraiment. On sent quand même que c'est Antonin qui a fait tout le boulot. Hein. Il a quand même dit... Allô. Moi, c'est moi qui va. J'ai accueilli le... Oui, c'est vrai, t'as fait l'accueil. Pas mal. Ouais. T'as quand même réussi quasiment du premier coup. Il m'a dit de placer pas de ça entre nous. Non, moi, évidemment, pas de ça entre nous. Bien placé. Et je l'ai bien placé, ouais. Et surtout, il y a eu va te faire enculer. C'est quand même la règle de base. Chez nous, c'est quand même le minimum syndical. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'était très beau. Tu veux quand même essayer aussi, Antonin? Allez, vas-y, hop, on y va, c'est parti, on appelle encore un autre. On peut faire ça toute la nuit, on peut le faire à deux. Oui, bien sûr. Bien sûr, faites comme vous voulez. Mais présentez-vous toujours. Hein, voilà. Oui, tous les jours. Ouais, toujours. Toujours. Vas-y. Ah, Julien, il est chaud. Ouais, Julien qui est chaud. Donc, moi, j'adore ça. Moi. Je présente. Allô. Allô. Alors vous avez du bol, hein. Alors vous avez du bol. Alors là en termes de choix. J'ai mon téléphone, j'ai choisi un numéro. Attends, on y va, on y retombe. Et c'est pas possible d'avoir aussi peu de chance. Vous êtes en relation avec un... Oh là là. Allez, un dernier. Ouais, un dernier. Ah, oui, c'est oui. Bon, on aurait dû s'arrêter sur cette prestation. Eh oui. Au cas où. Ouais. Bah, sinon, rappelle le collègue. Là. Oui, c'est vrai. Ah oui, on peut le rappeler celui-là. Allô. Oui. Ah, attends. Oui, allô, c'est Antonin, Julien des Marseillais. On vient pour faire une enquête. Je vous passe mon acolyte, Julien. Allô. Oui, Fraté. Oui. Salut, ça va? Tu vas bien? Oui, ça peut aller. Tu regardes un peu les Marseillais contre les Ch'tis sur W9? Oui. Allô. Oui, en ce moment on est sur W9 tranquille. Et là en fait on a trouvé ton numéro de téléphone. Et puis en fait on fait un petit sondage avec mon ami Antonin, et on veut savoir si tu aimes les éjaculations faciales en fait. Le mort de rire des foules sur Skyrock. Non, pas du tout. Pas de ça entre nous, s'il te plaît. Non, pas du tout. Tu es sur Fun Radio. Voilà, si tu veux et tout savoir. Et on voulait savoir si vous aimez des éjaculations faciales. Moi je suis pas du tout de ce bord là, alors qu'on peut se régler. Oh, mais c'est pas grave, hein. Il suffit de contorsionniste et ça marcherait. Non? Non, pas du tout, non, c'est grave. Bon, tant pis. Bon, je vous avoue qu'on aurait préféré. Ouais, à te faire enculer. Tu peux pas dire un petit va te faire enculer. Voilà. Pour le coup, quand tu dis juste dire ouais, va te faire enculer, comme ça on est content. Ah non, je mange pas de pain, je suis pas une personne de vulgaire, alors voilà. Allez vous faire voir. Ouais. Ah bah c'est gentil, c'est non, mais vous dites allez vous faire voir, comme ça on est content. Ah ouais, mais pourquoi ça serait très vulgaire, surtout que je sais très bien que c'est une radio, alors à la base... Mais oui, on est sur Fun Radio, on est sur Fun Radio le soir, voilà, 20h minuit, on est là. Donc vous pouvez pas dire, bon, allez vous faire voir. Je connais quand même un peu Fun Radio, parce que j'écoute quand même souvent la radio quand je roule en voiture, quoi. Ah bah très bien, bah c'est parfait, mais bon, alors... Bon, allez, je t'explique, Yana, c'est va te faire un... Non, c'est pas grave, c'était quoi ton prénom? Oh, c'est Jean. C'est Jean. C'est Jean, très bien. Bon ben merci Jean. Hein. Y a pas de soucis. Allez Jean, bisous, Jean, bonne soirée et à bientôt pour les Jacques. Allez voilà, bah, on va faire ça comme ça effectivement. Ouais. Bon, et bah bravo pour le deuxième appel, hein. Félicitations. Hein. Ça, c'est... Alors, on est bien là, parfait, là on est au top. Bon, on va reprendre du coup Andrea qui est avec nous de Nice là. Salut Andrea. Moi je parlais encore un peu plus loin du téléphone, Andrea. Voilà, encore un peu plus loin parce qu'on t'entend trop bien là. Andrea. D'ailleurs, si tu pouvais avaler le téléphone. On t'entend pas du tout, Andrea. Qu'est-ce que tu fais? T'as le kit Mali, le haut-parleur? Bah, je sais pas. Bon, on va te reprendre dans un instant. Enola d'abord. Hein. Salut Eno. Salut Mickaël, salut les Voilà, là, on l'entend bien là. Là, on l'entend très très bien là. Ça va bien, Enola? Bon, nickel. Bon, oui, très bien. T'avais une question à poser, toi, justement, à Antonin ou à Julien, je sais pas. À Julien. Eh ben, vas-y. Donc, j'écoute, Julien, je t'écoute. Alors, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de l'aventure? Alors je t'explique, ça va pas du tout dans l'aventure, je me sépare de Jessica, je suis en dépression totale. D'ailleurs s'il y avait une fille qui pouvait venir le récupérer. Tricia m'a descendu en bas dans la chambre, elle m'a frappé à coups de gifle pour défendre Jessica. Non je rigole avec toi. Ben, je peux pas te le dire parce que c'est un secret et que tu découvriras sur W9. Bah, on peut pas avoir un petit scoop là? Tu peux avoir un petit scoop sur ça. En tout cas, il a passé le mois d'avril loin de la France. Voilà. Bon. J'ai passé le mois loin de la France. Très bien. Ben voilà, et nous là. Voilà. Et sinon, c'était juste pour savoir si je pouvais intégrer l'armée des doux. Ah, tu veux intégrer l'armée des doux? Alors Enola, on va te reprendre juste après pour ça, parce qu'on a encore quelques questions à poser et encore un petit jeu à faire avec Antonin et avec Julien. Tu restes avec nous du coup, Enola? Ça va. Bon, parfait, bah bouge pas de là. Tiens, juste une question, du coup, t'as l'air vachement plus rangé toi au niveau des meufs ou pas, Antonin? Ben en fait, j'ai. Ou c'est juste une image comme ça, c'est genre. Ah, moi je suis tranquille, ah, moi, je suis un gentleman. J'étais un renard des surfaces, tel Pippo Inzaghi. Mais voilà, je me suis un petit peu rangé ces derniers temps. Donc t'es maqué? Exactement. Oh, c'est beau. C'est depuis. Depuis, depuis 24 heures. Je l'ai rencontré hier soir à la soirée. Depuis pas mal de temps. Et même moi. Et même, oui. Et même lui. Non, moi depuis 3 mois, donc avant Marrakech. Oh putain, il fallait pas le dire ça. Donc Jessica m'a pas quitté pour rien. Et ben voilà, on l'a eu. Ah, bon, dans l'émission, vous avez fait un quiz de culture générale là, contre les ch'tis, et c'était pas très très brillant. Ah, non, c'est vrai. Non, Antonin, il a été brillant. Oh, Antonin, il a répondu à la question. C'est vrai. Mais enfin, dans le global, c'était pas hyper brillant non plus. Donc j'ai essayé de vous donner une seconde chance. Ouais. Ah oui. On va faire le même quiz, mais contre les auditeurs. Alors, on va faire les auditeurs en studio, représenter qui veut jouer au quiz là, attention. Non, pas lui là, l'anglais il est mauvais là. Non, l'anglais est mauvais, l'anglais. Non, la fille, bon, choisis. Patrick là-bas là. Voilà. Toff, tu choisis qui joue. On va prendre un chauve là. On va prendre le chauve. Allez, viens t'asseoir. N'importe quoi. On va répondre à la question, on va prendre un chauve. On va prendre un chauve avec un t-shirt avec un chat sur le. Voilà. Non, il a l'air bien, il a l'air bien. Comment tu t'appelles ? Alexandre. Alexandre, très bien. Et puis on va prendre quelqu'un au standard qui s'appelle Nancy qui est avec nous. Salut Nancy. Salut. Comment Salut. Ça va ? Ça va très bien, et vous ? Eh ben très très bien. Alors, on va faire le quiz culture générale. Attention, grosse question. Hein. Très très grosse question. Bah, ouais. Donc, les auditeurs en studio, donc représentés par Alexandre. Les auditeurs à la maison, représentés par Nancy. Et dans le studio, vous pouvez souffler la réponse, Alexandre, si vous voulez. Et Nancy, tu peux évidemment, sans problème, te faire aider par les gens derrière toi, éventuellement si t'as quelqu'un, ou te faire aider par ceux qui sont sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. D'accord, Nancy ? Okay. Très bien, on a repris les questions de David Lantin qui présente l'émission, bien entendu, on y va. Vous êtes prêts pour la première question ? Ouais. Alexandre, je suis prêt, je suis prêt. Alexandre est prêt aussi ? Et nous, on joue, non ? Oui, oui, oui. Très bien. Nous, on joue pas, nous. Si, si, si. On joue pas. Si. Oui, Nancy ? Oui, mais comment on fait pour donner la réponse à chaque personne individuellement ou Ah oui, bah, bien sûr, évidemment, Nancy, okay. Bien entendu. Bien entendu. Bon, si éventuellement. Il y a peur là. Si éventuellement. Mais nous, on l'a fait déjà. La, oui, mais c'est ça. Mais justement, restez là derrière au cas où. Voilà, ah, d'accord. Vous ah oui. Un coup de main, quoi. Ah voilà, allez. Voilà, en plus, alors, il aime bien rester derrière apparemment là. Donc, Julien, il va rester derrière. Bon, on y va, c'est parti. Première question, écoutez bien. T'entends bien ? Ouais. Tout le monde entend bien, c'est parfait. Première question. Qu'y a-t-il au centre du système solaire ? Alors, grande question. Nancy. J'ai le soleil. Le soleil ? Le soleil. Le soleil. Première question, qu'y a-t-il au centre du système solaire ? La gars qui était là. Le noyau, il a dit. Attention. Moi, je me dis, allez, système solaire, bah, c'est le soleil. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il y a au centre ? Oh, Alexia. Terre. La Terre ? La Terre. Mauvaise réponse, Paga. T'as 5 secondes pour donner une réponse. Étant donné que c'est moi qui lance le jeu, j'ai pas envie de passer pour la personne ridicule. Ah bah non, voilà, qu'y a-t-il au centre du système solaire ? C'est terminé, Paga, je suis désolé. Zéro. Je sais pas, c'est la base, c'est trop. Ça franchement c'est du niveau maternel quoi. On sait tous qu'il y a le soleil au milieu et toutes les planètes et la lune qui tournent autour. Je sais pas, moi c'est normal, c'est logique. Je suis très très nulle, j'ai pas de culture, je me suis jamais réintéressée, j'ai pas été à l'école jusqu'au bout. On n'est pas dans la... C'était Adixia, donc bravo hein. Et juste une info, la lune ne tourne pas autour du soleil mais autour de la Terre, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, Nancy, c'est bien, Alexandre pas mal. Culture générale au top. Question numéro 2, écoutez bien. Attention. Qui est l'auteur des Misérables? Ah, alors, Nancy. De Vinci. Léon de Vinci. Victor Hugo. Victor Hugo et Vinci Park également. On y va. Là, c'était pas exprès. Hein. Alors, oui, oui, oui, alors on écoute les réponses. Attention. Merde. Attention. Qui est l'auteur des Misérables? Nancy rigole, c'est le principal. On y va. Le bad. Je l'ai vu en film, je pensais même pas que ça existait en livre, hein. Je l'ai jamais lu vraiment. Pourtant j'en ai lu quand même des films. Et là, trou noir, mon cerveau s'est mis en pause. J'entends ma mère me dire, j'entends. Top, terminé. C'est une blague. Victor Hugo. Oh, désolé. Oh oui, désolé, évidemment. Bon, Nancy, bravo, hein. Félicitations. Hein. Non, mais c'était fait. Oui, oui, c'était fait exprès, oui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui, oui, oui. Question suivante. Question histoire. À l'histoire. Dans quelle ville a eu lieu la bataille de Waterloo ? Nancy. Là, comme dit Kim, mon cerveau, il est pété là. Il est pété. Nancy, donne une réponse. Une réponse au hasard. On verra, allez, on y va. On verra. Ouais. Nancy, je te donne un indice. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? C'est la même. Tu dis Nancy ? Je sais pas. Bah dis au hasard. Bon, je répète la question. Question histoire. Dans quelle ville a eu lieu la bataille de Waterloo ? Alors, et moi je donne l'indice. Waterloo. Voilà. Alexandre. Waterloo, on y va. Question histoire. Allez, la réponse. Dans quelle ville a eu lieu la bataille de Waterloo ? En Autriche. Dans quelle ville, Kim ? En Autriche, Kim. Désolé. Waterloo. Tout simplement. Le point est marqué. Voilà. Qui c'est qui avait répondu Autriche ? C'est Kim. Ah ouais, putain, c'est bon ça, Kim. Il faut chat de lune alors, ça se pique. Bon, oui, bon, question suivante, Nancy, on arrive à la dernière. Attention, pour l'instant, Alexandre a fait un sans faute. C'est pas mal, alors que Nancy n'est qu'à 3 sur 5, sur 4. Et bon, le Waterloo était pas gagné non plus. Écoutez bien la question. Question de culture générale. Ah là là. Complétez l'expression suivante. Alors là. Pierre. Une seconde. Pierre qui roule. Nancy. Tout qui coule. Nancy, Pierre qui roule. Je sais pas moi. Bah, Pierre qui roule. Bah, Pierre qui roule Pierre. Pierre qui roule Pierre et Alexandre. Namaste pas mousse. Question de culture générale. Complétez l'expression suivante. Pierre qui roule Pierre. Hein, donc c'est le mec se fait enfumer lui-même. Oh là là. Tout roule. Tout coule. Hein. Tout roule. Alors écoutez la réponse. Bah Pierre Ronde. Pierre Ronde. Pierre Ronde. Je la connais pas celle-là. Je suis désolé Jessica. Je pouvais pas Hillary, comme ça, Pierre qui roule. Pierre Ron. Tout cool. Et non, Namaste pas mousse. Cool. Désolé. Hillary, ce n'était pas la bonne réponse. Namaste pas mousse. Ouais, mais ça vient de même pas ni du nord ni du sud, ça. Ouais. Ouais. Ça vient du milieu. Ouais. Si l'on fume, on nous a quand même bien roulé voilà, cette affaire. Bon, les dernières questions. Nancy, attention, tu n'as que bah, très peu de points hein, en l'occurrence. On est à combien? 4 sur 5. Voilà, Alexandre qui lui fait un sans faute. Bon, il se fait bien aider par les auditeurs quand même qui sont là. Hein. Ouais, bon. C'est de la triche. Hein. Bah non, t'as dit que tu pouvais, on a dit que tu pouvais te faire aider sur Facebook et Twitter. Écoute bien. Quel est le participe passé du verbe moudre? Alors attention, cette question-là vaut 1 million de points. Donc si tu trouves et qu'Alexandre perd, c'est toi qui gagne, Nancy. Je répète. Quel est le participe passé du verbe moudre? Alors. Moulu. Moulu. Alexandre. Moulu, ouais. Moulu, ouais, on y va. Quel est le participe passé du verbe moudre? Pardon? Je ne sais pas ce que c'est moudre. Merde. C'est quoi non plus? C'est quoi? J'ai eu moudre. J'ai eu moudre. J'ai eu moudre. C'est pas grave quand tu sais. Nous avons moudron. Nous avons moudron. C'était moulu. Mais je sais pas, après c'est compliqué, non, il y a des certains verbes là, en plus c'est troisième groupe, il est pas facile lui. Hein. Ah non, il est pas facile. Je moudrais, nous moudrons tous. C'est pas grave, il avait dit au début, je vais pas passer pour arriver. Allons-y, ouais, c'est ça. Bon, et la petite dernière là, c'est la bonus pour bon pour Julien. On y va. Comment appelle-t-on un jeune cheval? Un poulain. Nancy. Un poulain. Alexandre. Un poulain. Allez Julien, un à ton tour, face à Vincent. Et je suis face à qui? À une pipi. Ah, c'est qui? C'est Julien. Julien c'est mon pote. Hein. Mais c'est une battle. On y va. Comment appelle-t-on un jeune cheval? Alors c'est du côté de Vincent. J'appuie directement, je suis sûr. Un agneau. Un agneau. Un chevalet. Chevoune. Un agneau. Non, mais loin d'être. Un agneau. Un poney à la limite. Ouais. Cohérent. L'agneau, mais il va essayer d'aller chercher ça. Ah, il est pas d'âge. Ah, mais c'est mon idole. Pas du tout. Mon idole. Mais oui. Mais oui, le pooling, évidemment. Bon, Nancy, tu n'as pas été très bonne, hein. Ouais, j'ai fait deux fois. Bah, deux erreurs, Nancy, là, quand même. Erreurs, tu es éliminé. Eh oui, tu es éliminé. Ouais. Hop là, c'est élimination parti. Élimination directe. Voilà, exactement. Alexandre, bravo, quand même, 6 sur 6, mes félicitations. Bravo. Tu as gagné une. Tu as gagné un maillot? Non, une photo avec Julien et Antonin. Tu vas voir, ça va être la folie totale. Bon, donc, bah, bravo à toi, en tout cas. Merci. Voilà, très bien. Et qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Ah, grasse mat coquine, oui bien sûr aussi. Oh, on va t'offrir un magnifique sextoy. Attends, offert par... Moi j'ai pas le droit au grasse mat coquine. Hein. Par passage du désir.fr. Mais c'est un jeu pour s'amuser. Oui, d'accord, mais c'est pas un sextoy. Bon, si c'est un sextoy, c'est un jeu pour s'amuser. Ouais. Un jeu érotique, tu vas pas faire un jeu comme ça. Bon, bah merci en tout cas Alexandre. Nancy, tu vas repartir aussi avec un magnifique sextoy offert par... Passage du désir.fr. Voilà, je te fais des gros bisous Nancy. Ok, bisous, salut. À bientôt, salut à toi, ciao. Et pour finir, Andrea est avec nous, toujours de Nice. Est-ce qu'on t'entend mieux, Andrea, pour la question là, éventuellement à qui tu voulais? À Antonin, tu voulais la poser? Oui. Non, on t'entend pas, nous. Andrea? Si. Ah là, ça va. Alors vas-y, on t'écoute. Sinon, c'est 3-1 pour l'Algérie également. Vas-y, Andrea. Alors, est-ce que t'as eu un coup de cœur dans la maison pour une fille ou marseillaise, n'importe? J'ai eu un gros coup de cœur. Là, c'est Julien là qui me. Non, vraiment. Non, si, on sent qu'il y a quelque chose. Ouais, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Quelque chose avec qui? Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Dis-moi. Ah, j'ai embrassé Micha. Quelle horreur. Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, j'ai pas eu de coup de cœur. au niveau des sentiments en tout cas, mais après j'ai apprécié énormément les Ch'tis. Au final on s'est régalé, les Marseillais aussi. Ouais, en final ils sont pas si cons que ça dans le Nord. Voilà. Ouais, moi j'ai bien apprécié Tressia, surtout le soir où j'ai bordé son lit. Évidemment. Voilà, Andrea. Je peux poser une deuxième question? Allez, on speed, après il y a un autre Antonin qui voulait poser une question, et puis on va les laisser aussi faire la fête sur Marseille. Vas-y Andrea. Quand il arrive, c'est fait mal. Ce que t'as fait, c'était stratégique ou vraiment sincère? Non, vraiment, je me suis arrêté. Si ça avait pas été devant les caméras ou quoi, j'aurais fait pareil. Je l'aurais laissé crever. Je l'aurais laissé crever la bouche ouverte. Il lui aurait marché dessus, il l'aurait écrasé. Et s'il fallait, même vu la suite, maintenant je sais comment ça s'est passé par la suite, mais s'il fallait le refaire, je l'aurais refait. D'accord. Bah voilà, Andrea. D'accord. Bah gros bisous à toi, bientôt à Nice. Merci. Salut. Allez, bisous à Nice. Et on va terminer avec un Marseillais, Anthony, qui est avec nous également. Salut, allez, Toto, léger pour le goût. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon, t'avais une question à poser à Antonin aussi, toi? Allez, je t'écoute. Ouais. C'était juste pour dire, Antonin, j'habite dans la même ville que Romain, à Saint-Chamas. Ah, d'accord. Donc tu racontes ta ville, Antonin. Ouais. On s'en bat les couilles, ta question. C'est génial, parce que nous, on sait pas du tout où c'est. Vas-y, Anto. Ouais, bah en fait, au départ, c'était une question pour Antonin, mais je vais poser aux deux. Parce que Julien, comme il a plus de questions, en fait, c'est barré depuis une demi-heure, donc moi, je suis plus là. Vas-y. Vous avez dans vos projets de participer à une émission autre que les Marseillais ou pas? Ben, Julien et moi, on va faire bientôt Toto question pour les champions. Question pour les champions et après Motus, dans la même matinée. Ah bah parfait, parce que toi, j'ai essayé question pour un bouffon, il a gagné. Ouais, numéro 1, ouais. Non, vous avez prévu un truc à suivre après, justement? Non, enfin, ouais. Moi, en tout cas je reste dans les Marseillais tant qu'il y en aura. Tant qu'il y en aura, j'y serai, parce que ben, moi je m'entends très bien avec la production, très bien avec le directeur, la directrice. Enfin, il veut dire qu'il coûte pas cher, quoi. Peut-être pas. Ça veut peut-être pas dire ça, ça veut peut-être dire que j'ai des bons engagements. Julien, tu veux pas emmener Toff une voile avec les sur les Marseillais? Pourquoi pas, ma foi. Dans les Ch'tis. Mais il est belge. Ah, au putain, un vrai, hein. Un vrai, comme Adixia. Ah bah tu pars avec eux, on va partir à Binton tournage. Bah voilà, c'est parti, on va l'envoyer là-bas, en plus avec sa tête, il va faire aller. Bah, attends, je vais faire un carton. Moi. Ah grave, il va faire ses cartons. Regarde, il est plus musclé que toi. Hein. Regarde. Bras de fer. Allez, un petit en speed. Attends, je vais gérer. Attends. Antonin, à ton avis, c'est Toff ou c'est Julien qui va gagner? Julien, champion de Marseille. T'inquiète. Attention. 3, vas-y, 2, vas-y. 1, Toff met à fond de balle, vas-y. Oh, il tient. Ok, t'as vu comment je l'ai niqué. Ravager le bras. Oh, mais comme une merde. Et t'as vu Julien comme était cool, tu sais, il a fait 1, 2, 3, paf. Ouais, t'es le fait tomber direct. Ouais, de lui donner la confiance pendant 2-3 secondes, histoire de dire, oh putain, il y a cru, j'ai vu, tiens, je vais le filmer. Alors en fait, t'as le bras de faire, il y a une technique. Ouais, c'est quoi? Il faut casser le poignet. Tu casses le poignet direct. Dès que tu fais 1, 2, 3, il faut faire clac, direct. Le premier qui fait ça, il a gagné, c'est sûr. D'accord, ok, c'est pas mal. T'avais vraiment besoin de la technique pour ça. Il a lu sur Wikipédia. Face à Toff, il n'y a pas de technique. Il a regardé les tutos, tu sais. C'était pas nécessaire. Bon, ben merci Antonin. Salut à toi, passe une bonne soirée. C'est possible de passer une dédicace? Non, si, vas-y. À une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à tous les Marseillais, voilà. Ah, y'en a. Et demain, c'est ma page Facebook. Bon, et vas-y Antonin, de toute façon, ça va être un nom compliqué comme d'habitude. Et personne. Julien, t'as un petit plein? Non. Si vous pouvez aller liker, c'est Antonin Anime ta radio. Antonin anime ta radio. Allez, on va liker ça. Très bien. Eh ben, le message est passé. Allez, ça va. Bon, salut Antonin. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Bon, bah merci les gars d'être passés en tout cas. Allez, de rien. Plaisir. Un petit projet à suivre là bientôt là. Vous allez faire chez vous? Enfin, chez vous. Julien va passer bientôt dans le porno. Ça a toujours été le rêve de Toff, mais il s'est fait recaler d'ailleurs. Pareil. Véridique. Il a fait un petit, il a fait un truc. Il a tenté. J'ai tenté, mais j'ai été recalé. J'ai un appendice trop court. Voilà. J'ai ma marque de casquette. Exactement. Ouais. D'ailleurs c'est super très cool bien. Parce que t'es venu avec nous dans le studio et ouais. pour faire la promo et tout. Vraiment là, cool, vraiment sympa. C'est sympa de nous en avoir donné une à chacun. Je vais vous dire un truc en avant-première. En ce moment je suis dans les studios tous les mercredis. Je suis en train d'enregistrer un son qui va sortir normalement en septembre. D'accord. On va essayer de le faire passer tube de la rentrée. Très bien. Qui s'intitulera Yana Assez. D'accord. Il est bon. Et bah écoute, parfait, tu passeras à la radio pour. Pourquoi pas? Pour le pas faire. Il y a pas de soucis. Très bien, avec on des fait casquettes. Ça. Il y a pas de problème. Avec les casquettes et le son. Et on a un truc qui arrive bientôt ou pas? Moi aussi, j'ai pas amené ma marque de vêtements. C'est Basque Animal. Ça s'achète à Cannes. Et voilà, ça marche très très bien, je suis content. Et sinon, voilà, il y en a assez. Eh ben très bien, ben, merci de passer nous voir sur le Vieux-Port. Et puis on vous retrouve demain, 17h50 sur W9. Merci à vous, allez, merci à vous. Allez, à bientôt, merci, merci. Bye, bisous. Ciao. Et puis on va prendre Nicolas dans quelques minutes. Et on aura également la réponse à la question. Je vais vous la reposer dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Ariana Grande. Maintenant sur Fun Radio, au cœur d'une heure sans pub hein. C'est Problem sur Fun Radio. Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey. Mickaël, ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le Vieux-Port. Mickaël, no, no, en direct de Marseille pour tout retourner. Ouais. Jusqu'à minuit. Ouais. Et les Algériens qui déchirent la 4-1 pour l'instant là. Il y en a plein qui passent sur le Vieux-Port là. On est en face. On est sur le Vieux-Port hein, 49 quai des Belges. Si vous voulez passer nous voir dans les studios de Fun Marseille, vous êtes évidemment les bienvenus. On est là jusqu'à 23h. Et donc bah voilà, on suit ça. 4-1, ça se passe plutôt pas mal. Et bon, on vous tient en jus hein, de toute façon. Il y a la Belgique qui avait fait 1-0 tout à l'heure. Et puis on croise les doigts, enfin surtout moi, pour le Portugal à minuit. Oui, bon, c'est à dire que si on perd, on fait nos valises et puis on rentre. Bah, vous aussi donc. Bah, on prendra le même avion que les Espagnols. On n'habite pas, on n'est pas loin l'un de l'autre. Et hein. Les Anglais entre voisins. Bon, les Anglais sont plus loin déjà. Ouais. Bon là on atterrit au milieu, on est pépère, les Portugais chez eux, les Espagnols chez eux, tout va bien. Donc on suit tout ça bien entendu en direct. Restez sur Fun Radio également puisqu'il y aura le son de Mister Probs qui va débarquer aussi là. Enfin 10 euros d'abord avec 5 hours. Et puis je vous calerai aussi le son de Mister Probs avec Waves. Et puis si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël à Marseille sur le Twitter de l'émission, vous demandez, vous pouvez aussi envoyer vos messages avec le mot-clé M-I-K-L suivi de votre message au 64-900. Et puisque je vous parle justement des SMS, je rappelle qu'il y a toujours les maillots de l'équipe de votre choix, équipe nationale, l'Algérie par exemple, la France, la Belgique, l'Italie, Portugal, États-Unis, enfin bref, ils sont tous là, le Brésil, l'Argentine, il n'y a aucun problème. Vous choisirez celui que vous voudrez si vous êtes tiré au sort. Quel était, pour ça il faut répondre à la question, quel était le score final entre la Suisse et la France, c'était vendredi. Bah vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse, envoyez ça au 64-900 et puis bah si vous êtes tiré au sort, vous repartirez tout simplement avec le maillot de votre choix offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Tu prendrais lequel toi, Polo, là, à choisir? T-shirt, la France. Ouais, tof. Bah moi j'ai vu celui de l'Australie, le doré et noir, il est top, il est déçu. Ils sont éliminés là. Oui, mais c'est pas grave, ça je m'en fous, c'est parce qu'il est beau. Oh, même là, il préfère les t'es pas australien. Et non, et alors je peux prendre les, j'avais dit. Il est kangourou. Oui. Ouais, voilà. J'ai la même poche. Il est kangourou, il est kangourou. Ouais. Bon, et Hugo qui va aller chez Toff là pour faire son petit message. Là, Hugo, le spécialiste de l'anglais là. Ouais, mais il va faire son message en anglais. Bah, certes, évidemment. Tu prendrais quel maillot toi? In English, please. La France. La France. Non. I will take the maillot of France. The maillot. The what? The maillot. Tu t'es cru où? The maillot. Dans le micro. The shirt of France. The shirt of France. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire in English? Il est très d'être battu. I want to make a dedicace for my friend Mehdi and a dedicace for all the students of France for the back tomorrow. Oh là là. Et avec ça, tu crois que tu vas réussir en anglais? C'est un oral ou c'est un écrit? La gueule qu'il a, disant mais quoi, je parle bien? Yes, I speak very good. Ouais, bah c'est un oral ou c'est un écrit? C'est un écrit. Non, in English, motherfucker. In English. It's right. It's a right. Right or the left? Or left. Right or left? Oh mec, c'est dur. What is the direction, please? Mais aucune. Ça va, je suis bon physique. C'est bon en physique. Ok, d'accord. Il passe un examen d'anglais, il dit mais c'est bon, je suis bon en physique. Oui, en physique, je déchire, tout va bien. Bon, bah alors si tu vas bien, tout va bien. J'ai envie de dire c'est parfait. Si tu déchires en physique, mec, alors tout va bien. Alors tout va bien, parfait. Bon, le message est passé, hein. Allez, casse-toi. Hop, et va étudier. Allez. Va étudier. Ouais. Va étudier l'anglais. T'as une heure et demie. Allez, t'as une heure et demie. T'as jusqu'à demain matin pour devenir. Bon en anglais, hein. Parfait bilingue. Ouais. T'as intérêt à regarder des tutos. Hein. Et réveille ton père qui est ton prof aussi d'anglais, c'est quand même dramatique. Demande à ton père t'expliquer comment tu peux être aussi mauvais qu'un père prof d'anglais. C'est un truc de ouf quoi. Bon, le gagnant du foot, on l'appelle d'ici quelques minutes et on a Nicolas qui est avec nous maintenant. Salut Nicolas de Paris. Voilà. Oh, j'ai pas. Au revoir Nicolas. Alors Nicolas. Oui. Oui, ça va? Oui, ça va très bien. Ah bah tant mieux alors Nicolas. Bah bienvenue à toi Nico. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi? Oui, j'ai un problème. Oui, alors à part ta voix, t'as des problèmes. Bon, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, t'en as pas qu'un. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Je trouve que j'ai trop de poils à la queue. Est-ce qu'il y aurait un conseil à me donner? Ben, rase-les ou coupe-la. Ouais. La queue. Non mais attends, mais c'est quoi ton problème, Nico? T'es sérieux avec cette question? Attends, fais-nous un exemple. Par exemple, t'as la queue est là. Moi j'ai envie de dire envoie une photo. Non. D'ailleurs, envoyez vos photos de sexe masculin turgescent à polo@radio.fr. Non, parce que quand je demande des boobs, aucune fille envoie. Mais c'est normal. C'est tous ces connards, ils envoient leurs bites et leurs abdos. Gardez vos abdos, j'en veux pas moi. Votre verge turgescente à polo@radio.fr. Exactement, vous ne mettez pas forcément votre nom, on ne saura pas. polo@radio.fr. Et en fait, comme toutes les meufs, Polo quand il dit non, en fait c'est qu'il dit oui. Ben oui, évidemment. C'est juste qu'il est timide. Voilà. Il aime ça. Exactement. Bon, Nicolas. Oui. Bon, chose sérieuse, tu nous appelles vraiment parce que tu trouves que t'as trop de poils et tu sais pas quoi faire. Voilà, exactement. Est-ce que t'as pas plutôt une peu plus... Ce que j'allais dire, ouais, est-ce que t'as pas plutôt un trop petit sexe et donc par du coup t'as l'impression poils. Qu'ils sont... noyés dans les poils. Voilà, c'est ça, qu'elle est noyée, qu'elle est cachée. Non, mon sexe il est pas petit, hein. Ouais, il fait combien? Mais il fait quelle taille? Vas-y Toff, combien mesures-tu? Oui, combien mesures-tu? Je sais pas, rien, mais... Tu sais pas combien tu mesures? Tu sais pas combien tu mesures? Ah, on n'est pas aidé. Non. Non, bon. Mais t'es jamais allé à la visite médicale? Quoi? Est-ce que tu es allé à la visite médicale? Bah, attends, je n'entends rien, articule. Dis-le. Alors, est-ce que toi, avoir été visite médicale? Oui. Alléluia. Ah. Bon, quelle taille tu fais? Tu mesures combien? Oh bah je sais plus. Mais pas ta bite, ta taille à toi. Ta taille à toi. Oh bah je non mais grosso modo, 1m50 ou 1m80? Plutôt 1m72 je crois. Ah bah plutôt 1m72. Tu vois, donc c'est bien, bah voilà. À peu près 1m72. Voilà. Parfait, Nico. Ça bon, je les adore ceux-là. À aucun moment tu t'es dit que tu devais simplement peut-être te raser les poils pubiens? Ou te tirer sur la bite? Peut-être. Est-ce que je pourrais avoir l'aération L'aération, bien sûr, on va t'en faire une dans le trou du cul, à gauche. Comme ça, tu vas pouvoir t'aérer un peu plus facilement, de rien. Non mais, Nico. Oui. Bon, si jamais vous avez envie de donner votre avis par rapport à Nico, n'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, 01 42 48 5000. Mais dans le studio, ils se pressent près du micro pour donner leur avis. Mais hein, bien sûr. Non mais, Nicolas. Oui. Donc, t'es en train de me dire que tu n'as jamais pensé à te raser les poils. J'ai dû me raser pour une opération des varices et j'ai un très mauvais souvenir. Mais des varices, c'est sur les jambes, qu'est-ce que tu fais avec toi? Attends, mais t'as eu des varices sur les couilles? Quoi? T'as eu des varices sur les burnes? Les burnes? Mais non, les burnes? Attends, je sais. J'ai des varices à la jambe gauche, j'ai dû me raser, j'ai très mauvais. Un mauvais souvenir. Nous avons bien un très bon expert. On n'y arrive pas déjà. Bon, donc du coup, t'as un mauvais souvenir. Donc tu veux plus te raser? Parce que tu peux te raser, t'es pas obligé de te raser à la lame, tu peux te raser avec avec une tondeuse. Surtout pas la lame. Non mais c'est pour ça qu'il a mauvais souvenir. C'est pour ça qu'il a mauvais souvenir. C'était un peu, j'ai ma bite en main. Tu t'es rasé comment là, faut passer là, Nico? Je me suis rasé la jambe avec de la crème épilée. Avec de la crème épilée, donc la crème elle-même c'était épilée. D'accord, la crème épilatoire. Oui. Enfin, dépilatoire. Mais juste de la crème, pas de la bande de cire. Non. Alléluia. D'accord, ok, c'est déjà ça de prix. Bon, alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois... Oui, d'accord, ok, t'as eu mal. Mais il faut le faire avec une tondeuse. Mais comment ça se fait qu'il a eu mal? La crème, c'est, ça fait c'est pas sa mal. Jambe, il a tondu, il a épilé sa jambe. Oui, j'ai compris. Mais là, on parle du sexe. Oui, mais il dit qu'il a un mauvais souvenir parce qu'il a eu mal, machin. Donc fais-le avec une tondeuse, Nicolas. Mais c'est encore pire. Mais non. Avec une tondeuse, tu mets le truc. Le sabot. Le sabot. De quoi, Nico? C'est pire avec une tondeuse. Mais non, c'est pas pire, Nico. En fait, tu mets le sabot comme ça, t'es tranquille, tu risques pas de te couper. Oui. Et je voulais savoir la réaction de certaines meufs. Bien sûr. Oui, attends. Je prends une réaction de meufs. Attends, mais justement. Attends, je prends une réaction d'une fille dans le public. Nicolas, on a Crystal qui est avec nous là. Salut Crystal. Oui, allô. Oui, voilà, Crystal est avec nous. Crystal qui appelle d'où? De chez moi. C'est une grosse chienne. Hein. Rappelons que Crystal, c'est la grosse chienne de Jean-François. Exactement. Bon, alors, il y a Nicolas qui avait une question à te poser, Crystal. Il est là, mon gros cochon. Non, c'est Nicolas. C'est pas Jean-François, c'est Nicolas. Il a une grosse bite. Non, bon, merde. Crystal, toi qui es esthéticienne, tu vas pouvoir nous répondre. Bien sûr. Bon, il y a Nicolas qui trouve qu'il a des poils trop longs au niveau du sexe et donc il voudrait les couper, mais il a un très mauvais souvenir du dernier rasage. Donc, il voulait des conseils. Comment est-ce qu'il a fait la dernière fois? Avec une crème dépilatoire. Qu'est-ce qu'il est con? Oui, enfin bon, merci Crystal. Mais non, rien. Je l'étais pas épiné, j'ai épiné la jambe en vue d'une opération. Oui, d'accord. Ça, on l'a compris. On l'a compris. D'accord. Eh ben écoute, moi ce que je te conseille, c'est de ne rien faire. Voilà. Bon. Je t'ai bien aidé. Mais il faut combien, il faut combien de centimètres les poils, Nico? Je sais pas. À peu près. Oui, mais on peut pas, est-ce que, ça fait plutôt 5 cm, 2 cm ou 2 mètres ou 2 ou 10 mesuré, est-ce moi, que tu peux faire des dreadlocks moi, avec? Non mais grosso modo. Non mais enfin Nicolas, mais grosso mais modo. Compte. Grosso modo. Bon attends, il y a l'autre dire qu'il y avait une idée là, attends. 2 cm. 2 cm. Et pas ce que tu fais, tu vas chez le coiffeur, tu lui demandes sa paire de ciseaux et tu fais le tour. Mais non, pas avec un ciseau, c'est encore plus dangereux. Mais non, mais parce qu'il prend les poils, il coupe. Bon alors Nicolas, bon reste calme. J'ai une meilleure idée, va chez le toiletteur. Oui c'est ça, bon merci. Ils ont l'habitude des grosses queues. Bon allez au revoir Cristal. Bon on aura Benjamin dans un instant là. T'es là Benjamin? Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, un conseil à donner à Nicolas dans quelques minutes? Bah ouais. Non, bouge pas. Bon, on le fait dans quelques minutes là, Benjamin. Reste avec nous. Nicolas, tu restes là. Ouh, ça a bien se passer. Et juste après le son de la semaine, Mister Probs avec Waves, eh bien on fera le tirage au sort pour savoir lequel d'entre vous repartira avec bah, tout simplement le maillot de football. Quel était le score entre Suisse, France? Vous envoyez la réponse, M-I-K-L, la réponse au 64-900 par SMS. Tirage au sort dans 3 minutes. Je vous souhaite bonne chance. C'est Fun Radio et Mickaël No Limit en direct de Marseille. Ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le vieux port. Mickaël, No Limit, en direct de Marseille, pour tout retourner. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit sur Fun Radio là. Bon, on va aller bouffer juste après. Qu'est-ce qu'il fout Polo là? Je deviens fou. Mais complètement, complètement barré. Ouais. C'est Polo, si vous voulez venir, parce qu'on n'a pas eu le temps malheureusement là d'aller bouffer au cook avec les auditeurs comme prévu. Mais bon, comme Toff est toujours très généreux, bien entendu. Oh là là. Bon, déjà ceux qui sont là, là, si vous voulez venir bouffer juste après l'émission, on ira bouffer sans problème. Et puis bon, je serai avec mon iPad pour regarder le match du Portugal. Hein, désolé. Il y a pas de souci. Et puis bien sûr ceux qui veulent venir, donc si vous voulez manger gratos, n'hésitez pas. Hein, 49 quai des Belges, il y a le quick juste en bas de la radio. On va bouffer après au frais de Toff. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, qui a déjà essayé de me la faire en disant mais j'ai oublié ma carte de banque. Il nous a dit j'ai oublié ma carte. Ouais, j'ai oublié ma carte de banque. Donc mais dis, c'est pas grave, on va retourner à l'hôtel. Mais oui, non, mais regardez, on n'a pas le temps, on va être en retard là, les auditeurs nous attendent. Et voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on va donc. Allez, on appelle maintenant le gagnant du football, celui qui repartira avec le maillot. Pendant que la Corée a mis un deuxième but aux Algériens, je vais juste regarder là combien de temps il reste. Il reste 13 minutes 2-4 ouais, Corée du Sud-Algérie. On ça peut encore faire un match nul. Ça pourrait faire un match nul, on va voir. Bon, on appelle le gagnant ou la gagnante, c'est parti. Et apparemment, Nico, il est chaud, là, hein, sur Sandro, au standard. Ah. Ça va, Sandro, t'as pas eu peur? Salut, c'est Loulou, tant pis pour vous. Ah oui, bah tant pis pour toi, surtout Loulou. Hein. Tu m'as arrêté de modifier, alors là. Salut, c'est Mickaël, tant pis pour toi. Bon, bah tant pis, Loulou, là, il fallait décrocher, là. Oh, t'es en direct sur Fun Radio, on est à Marseille, là, et tout. Merde, Loulou, je sais plus comment ça s'appelle. Loulou, c'est Loulou. Ah, Loulou, voilà, c'est Chouchou. Ça. Bon bah du coup on t'appelait pour te filer le maillot de l'équipe de ton choix. Malheureusement tu as perdu, c'est dommage. Bon et ben du coup je voulais 5 minutes maintenant. On appellera parmi ceux-là ceux qui envoient leur message maintenant. Quel était le score final entre Suisse et la France? C'était vendredi. Quel était le score final? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Du coup j'appelle dans 5 minutes, montre en main. Ok? D'accord. Ça me paraît pas mal. Parfait. Bon. Très bien, c'est impeccable. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on va récupérer Nico là et on va se faire un jeu également dans un instant. Vous êtes marseillais tous les deux ou pas? Tous les deux? On vous entend très mal puisque vous parlez très loin du micro là. Oui. Comment vous vous appelez? Nicolas. Et Leslie. Nicolas et Leslie, très bien. J'ai besoin de deux ch'tis. Alors, ch'tis ou personne dans le nord ou belge. Des gros bretaires, quoi. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un dans le nord ou dans le nord de la France ou en Belgique pour jouer un jeu, bien entendu, maintenant. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. J'ai besoin de deux personnes dans le Schnorr et bon, on a déjà pour le coup deux Marseillais qui sont avec nous. Voilà, on va faire ça dans quelques minutes. Bon, Nico? Oui. T'es pas dans le nord, toi? Non. Bon, tant pis alors, c'est pas grave, on fera autrement, c'est pas grave. T'es sûr? Ouais. Bon, Nico qui nous appelait parce que il trouve qu'il y a trop de poils au niveau du sexe, Nico, c'est ça? Oui. Ouais. Et il y avait Benjamin qui voulait réagir, on fera les appels malveillants après. Non, il paraît que tu as des signes, ou t'as des poils, je ne sais pas la question. Je n'ai rien compris. Nico, tu ne veux que des réactions de filles. Oui, exactement. Mais pourquoi pas de mec? Parce que je pense que c'est un obsédé sexuel. Non, parce que je suis pas un PD, moi. Ça n'a rien à voir. Je vois pas le rapport, Nico. Bon, attends, Nico. Oui. On a quelqu'un, justement. Benjamin, reste là deux secondes. Hein. On a Jean-Claude avec nous. Allô? Oui, mais Jean-Claude, je m'en fous. Ah bah attends, dis mon minou, mais pour qui tu te prends? Attends, moi je t'appelle, je viens de pour donner des conseils. Attends, je suis mieux placé que ces gourdasses pour te donner des conseils. Moi aussi, j'ai un gros machin entre les jambes. J'aime pas les PD et je ne réponds pas aux PD. Oh, Nico, voyons, ça se fait pas. Je suis choqué. Bon. C'est honteux ce que tu me dis. Enfin bon, Nicolas, écoute. Bon, attends, on va demander à Leslie, là. Je suis sûr qu'il a plein de trucs à dire à ce sujet. Tant pis pour lui, parce que moi, j'avais plein de conseils à lui donner. Voilà, bon, Leslie, il y a Nicolas qui a un grave problème, puisqu'il a les poils trop longs au niveau de la bite. Et voulait avoir des avis de filles, je sais pas ce qu'il veut. Nicolas, il y a, voilà, regarde, Leslie est là. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise, Nicolas? Eh ben, qu'elle me répond, et comment elle aime les hommes. Oh, quel porc! Espèce de porc, va! Comment tu aimes les hommes, Leslie? Et je peux avoir ton numéro de téléphone parce que j'ai envie de me branler. Ouais. Maintenant, tout de suite, vas-y, donne-le-moi. Je t'appelle tout de suite, vas-y, je m'appelle. J'ai trop de poils au milieu de la bite. Alors, non, enfin, derrière. La peau. Bon, comment c'était tu les aimes? Parfait, Leslie. Non, mais tu préfères rasé, complètement rasé, naturel. Complètement rasé. Complètement rasé. Bah voilà, Nico. Attends, il y a son mec derrière, fais voir. De quoi, Nico? Tu peux me la passer. Elle est là, il parle. Bon, je te passe Leslie. Regardez-moi ce porc. Elle est là. Regardez-moi ça. Allez, vas-y. Allez. Et en plus, Nico. Elle est là, la fille. Allez. Nico, elle est toute jeune. Elle est mignonne comme tout. Elle est bonne. Bon, vas-y, alors. Nico. Bon, bah, Nico, vas-y. Oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thérèse. Non, c'est un grand doute. Mais non, elle s'appelle Leslie, on l'a dit 15 fois, Nico. Bon, mais, vas-y. Et comment? Mais attendez, Cécile? Oui, c'est ça, Cécile, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors, allez, Nicolas, il y a Leslie est là. Ah non, Leslie. Leslie. Oui, ça y est, j'ai compris. Ah bah, il était temps. Bon, alors, vas-y, Nico. Non, parce que c'est un peu sourd d'oreille. Oui, on a remarqué ça. Ouais, bon, c'est la branlette, hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Nico, je te passe Leslie. Oui. Bon, allez, vas-y. Alors Leslie, combien que fais-tu ce soir? Je viens là. Non mais Nico, t'es pas sérieux là, je te passe Leslie, tu parles pas. Je n'ai rien compris ce qu'elle a dit, je n'ai rien compris. Ah. Je n'ai rien compris. Écoute, j'ai envie de te baiser, Nico. Nico? C'est Leslie? Oui. C'est Leslie? Oui. Bon, je te bourre, tu veux qu'on baise? Avec tes poils. Pourquoi là, j'aime pas. Avec tes poils, là, je vais baiser tes poils. Quoi? Je vais baiser tes poils. Eh ben, baisse-les si tu veux. Tu fais quelle tenue? Non mais c'est bien. Au moins t'as pu discuter avec une fille. Il y a un semblant de dialogue qui s'installe. Voilà, parce que bien, bravo. Bon, attends. Comment? Elle est en quelle tenue? On va jamais s'en sortir. Tout en cuir, elle est habillée tout en cuir. Elle a une cravache. Ouais, on ne va jamais s'en sortir. Elle a une cravache et puis elle a une espèce de bâton avec des clous dessus, ça t'intéresse? Ouais. Bon, Nico. Oui. On va essayer de trouver d'autres filles, d'accord? Oui. Bon, bouge pas, d'accord? C'est peut-être un autre auditeur qu'il faudra qu'on trouve. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, Nicolas, reste avec nous. En tout cas, merci d'avoir participé, Leslie, à l'émission. Ta participation était parfaite. Bravo. Je pense que... Non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Bon, on va se faire quelques appels malveillants. Ah, ça faisait longtemps. Bah, pour passer la pilule. Oui, ma feuille. Voilà, c'est ça. Bon, on va parler surtout d'éjaculation. Attends, parce que regardez, on est radio moderne. Voilà. Toutes les feuilles. On est au top de la modernité. Voilà, radio moderne, bonjour. Oui, parce qu'on avait trouvé comment réduire l'éjaculation précoce. Exactement. Ça concerne ton mec ou pas, Leslie, l'éjaculation précoce? Non. D'accord. Non. A priori, il est très long. La façon dont elle a dit non, il est très long. Voilà, c'est limite, elle a ras-le-cul. Oh là là, quand est-ce qu'il a fini, Roger, là? Voilà, la dernière fois, elle s'est endormie, d'ailleurs. Bah voilà, c'est ça. Elle a bien dormi. Hein. Bon, donc du coup, éjaculation précoce. Et bah, grâce au Prozac, a priori, on peut réduire ça. Tout à fait. Et on avait d'ailleurs appelé les gens pour leur poser la question. C'est parti. Oui, allô? Oui, j'écoute. Oui, bonsoir madame, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari était éjaculateur précoce, madame. Oh, n'importe quoi là. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Oh, c'est juste pour savoir, madame. Oh. A priori, elle connaît Addiction, parce que qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bon, on rappelle. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Allô. Allô. Oui, allô, vous m'entendez monsieur? Oui, difficilement. Ah, difficilement, non, je voulais savoir si vous étiez éjaculateur précoce monsieur. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Bah c'est une question monsieur. C'est des conneries. Est-ce que ça vous regarde déjà? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Oui, non, mais vous avez rien d'autre à faire? Bah non. C'est pour non ça que... Non, bah non, sinon je vous appellerai pas, monsieur. Ah bon, c'est une question sur combien, sur 10 ou 20? Non, c'est une question sur une question, monsieur. Ouais, bah c'est une question vraiment intelligente. Hein. Bah je vous remercie, monsieur. Voilà. Mais vous y avez pas répondu. Non, non, mais moi je vous dis comment vous avez des questions vraiment intelligentes. Je sais pas quoi on vous paye quand même. Hein. Bah, posez des questions, monsieur. Ouais, bah dites donc, vous avez de la chance d'avoir du boulot, alors. Bah je vous remercie, monsieur, mais vous y avez pas répondu à ma question. Mais je vous répondrai pas. Bah pourquoi monsieur, c'est pas gentil. Mais parce que ça vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Hein, mais non, allez vous faire tuer en œuf. Oh non monsieur, non. Allez hop, au revoir. Oh bah non, allô. Allez vous faire cuire un œuf. Mais t'as vu, Poli est dans la retenue. Ah toujours, toujours. Bon, on avait rappelé encore un coup, hein. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Allô. Allô. Oui, non, vous répondez pas à ma question, monsieur. Oui, ben... Oh, il nous fait chier. Mais non, mais laisse-le. Oh là là là. Il est malade. Mais non, mais c'est pas grave. Ah, ben vous voyez, mais non, c'est pas grave, monsieur, si vous êtes éjaculateur précoce, mais vous pouvez me le dire. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Mais écoute-moi, donc, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es un PD, t'es quoi? Ben non, monsieur, pourquoi vous voulez que je sois un PD, monsieur? Ben parce qu'on n'a pas idée de poser des questions comme ça. Ben si, hein? C'est bon. Tu dois être malade de la... Hein? Ben non, monsieur, pas du tout. Ben non, ben voilà, mais t'as rien à faire, alors. Bah non, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Ah ouais, bah quelle heure il est, là? Bah non, mais c'est pas grave. Bah non, je sais bien, monsieur, c'est pas grave d'être éjaculateur précoce, mais vous pouvez... Oui, mais oui, oh, oui, oh, mais t'es... Non, mais tu dois être malade de la tête, toi. Oui, mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous me dites ça? Bon, allez, ça va, hein, bon. Bah c'est vous, monsieur, qui répondez pas à la question. Mais ta gueule, allez. Oh non, monsieur, tomber, non, allez, pas de ça entre nous, monsieur. Allô? Oh, il fait chier, hein. Ah, il fait chier. Ah, il fait chier. On en fera un autre tout à l'heure, l'appel malveillant, là. Ce sera dans moins d'une heure. Restez là. Et puis, on appelle aussi le gagnant foot, là. C'est parti, là. J'avais dit que je le rappellerai dans moins de 5 minutes. C'est donc chose faite, puisque tout à l'heure, malheureusement, chez Loulou, ça n'avait pas décroché. On va voir si ça décroche mieux, là, maintenant. Bah oui, c'est con pour elle, surtout, ouais. Donc, on appelle. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Victor. T'as un doux, toi? Ouais. Putain, déception totale, je crois que t'étais une meuf. On s'est encore fait avoir. Ah, on s'est fait avoir. Bon, Victor, t'as quel âge? 14. 14, t'es dans quelle ville? Cachan. Très bien, et tu veux gagner quel maillot si tu gagnes? Le maillot de l'équipe de France. Le maillot de l'équipe de France. Tout simplement. Avec marqué Saldou derrière, en flocage. Voilà. Hein, numéro 0, on va mettre le numéro 0. Bon alors, quel était le score entre Suisse et la France vendredi? 5-2 pour la France. 5-2 pour la France, et oui, il se la ramène un peu. Ouais. Voilà. Bon bah le maillot de l'équipe de France, très bien, pendant que c'est toujours 4-2 pour l'Algérie, il reste 3 minutes, donc normalement c'est bon. Les Fenech seront donc bien. Ça va, ils auront 3 points quoi, c'est pas encore gagné, mais au moins c'est déjà mieux. Bon bah très bien, bah bravo à toi Victor en tout cas, hein. Tu restes au standard, on prend tes coordonnées, ok? T'inquiète. Bah t'inquiète, je m'inquiète pas moi, pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Allez, ciao à toi, et puis restez là, il y aura 10 euros dans quelques minutes sur Fun Radio 5 Hours. Yasson, vous avez envie d'écouter dans le studio ou pas là? Ah bah grave. Non, ah bah attends, ils sont fans là. Ah si si ah, si, si quand même, attends. Attends, y'a le mari de Leslie. Ouais. Stadiumix. Stadiumix, très bien. Bon, on le mettra tout à l'heure avant de partir, le son de Stadiumix, avec grand plaisir. Et on met une heure sans pub également. Bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, toujours en direct de Marseille. Ouais. Et on revient, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Parce qu'il y a encore quelque chose à écouter le soir à Marseille. Mickaël No Limit débarque avec toute la team jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le Vieux-Port. Mickaël, No Limit, en direct de Marseille, pour tout retourner. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exact. On est en direct évidemment avec tous vos messages qui arrivent bien sûr, hein, sur le SMS tout simplement en envoyant le hashtag Mickaël à Marseille, et vous avez également la possibilité de nous envoyer vos messages directement via le SMS. Voilà, vous envoyez Mickaël suivi de votre message, et Nina qui dit je viens de réveiller mon père en rigolant à cause de vous. Oh, c'est rien Nina. Et Lola aussi en direct de Marseille pour tourner retourner, j'adore. Laura aussi, demain c'est l'anniversaire de ma fille, 15 ans. Et je veux dire à ma fille que je l'aime de tout cœur. Oh, oh c'est choupinou. C'est so sweet. Et Ness également qui dit Antonin, il est super beau, je trouve. Ouais, mais pas autant que Toff. Mais non, c'est clair. Il y a quand même un moment, il bah, y a un fossé. Voilà, il y a un level. Et il faut quand même pas déconner non plus. Bah non. Bon, avant de faire n'importe quoi. Avant de faire le jeu entre les Marseillais et le Nord, enfin entre le Sud et le Nord plutôt, hein, on va d'abord terminer avec Nicolas. T'es toujours là, Nicolas ? Oui, exactement. Bon, et ça il tombe faut bien. Se séparer un moment. Oui, oui, je sais. Donc Nicolas qui nous avait appelé parce qu'il a des poils trop petits, des trop longs, pardon. Et donc du coup, il y a Estelle qui était là pour le jeu, mais c'est pas grave. Salut Estelle. Salut. Comment ça va ? Le traquenard que tu viens de lui ça faire. Ça va et vous ? T'es en forme ? Ouais. Bon, alors Nicolas voulait parler à une fille qui voulait avoir, il voulait avoir des conseils de fille. Donc, ben, sois la bienvenue, Estelle. Bah, merci. Et bon, alors, Nicolas ? Oui ? Bon, il y a Estelle qui est là, tu l'entends ? Oui, je t'entends très bien, Estelle. Ah bah, attends, ça tombe bien. Étonnant, il entend ce qu'il veut, lui. Hein. Vas-y, Estelle. Ouais, bah, il a appelé parce qu'il y avait trop de poils à sa bite. Voilà. Bon résumé. Oui, mais j'ai... quelle attitude ? Parce qu'elle parle trop vite. Enfin, il y a deux secondes, tu dis je l'entends très bien. Et quand elle parle de poils à la bite, tu dis je n'entends plus rien. Non mais Estelle, répète ce que tu as dit, plus lentement. Tu appelles parce que t'as trop de poils à ta bite. Oui, exactement. Alléluia. Barrasse-toi. Oui, mais non, c'est comment ? Bah, tu prends l'acide, essaye l'acide. Avec les pieds, non. Tu prends un... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, Estelle ? Parce que je pense qu'elle est perdue aussi. Tu prends un cutter. Sinon, il y a un mec qui a eu un très bon conseil et là-bas. Et tu mets de l'eau de Javel dessus. Ouais, au pire. Ouais, ça peut être une idée. Attends, Nico ? Oui ? On a aussi Déborah qui est avec nous. Salut, Débo. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. T'avais un conseil à donner à Nico ? En speed comme ça, là, improvisant. Quel âge a Déborah ? Elle a 20 ans. Ah, combien mesures-tu, Déborah ? 1m60. Combien pèses-tu ? Ah, ça ne dit pas. Ah, bah si. Non. Une fourchette en gros. Non. Bon bah je suis déçu. Ça ne se dit pas, ça ne se demande pas. Bon bah continue. Toff, regarde pas par la fenêtre, continue ton petit frère. Elle veut pas. Oh, oui, bah, arrête bah, le tour de poitrine. Voilà. Voilà, tu vois, elle veut pas. Non, même pas, ma déception totale, c'est pas grave. Bon, Nicolas. Oui. Bon, il y a des bords. L'Algérie vient de gagner, on le voit parce qu'il y avait feu d'artifice dehors, là, c'est parti, c'est la fête. Oui, on a compris, Nico. On a compris que toi, t'intéresses, c'était poil. Voilà, c'est ça, on a compris. Bon, c'est bien parce qu'on va avoir un putain de spectacle ici sur le vieux port. Bon. Là, il y a les flics qui vont débarquer, là, ils vont faire un gros ménage. C'est génial, qu'on me ramène des pop-corns. Non, franchement, tous ces gens qui sont venus pour l'émission, c'est vraiment cool. Arrêtez, les gars, arrêtez les feux de Bengale, là, c'est trop, là. Ouais, c'est ça, c'est bien. Bon, Déborah, Nicolas. Oui. Bon, Déborah est là. Oui. Parle-lui si tu veux. Mais est-ce qu'elle est bon, c'est beau. Qu'est-ce que tu me conseilles ? La tondeuse électrique. La tondeuse ? Enfin, moi, ouais. Non, la tondeuse, ouais. Ouais. Enfin, quitte à rester dans l'électrique, essaye la chaise. Hein. Mais Toff, mais t'es complètement con, toi. Non, mais il est complètement con, lui. Bien entendu, ça n'engage que lui. Hein. Bien sûr. S'il a des problèmes, s'il... Voilà. Évidemment. C'est totalement pour lui, évidemment. Bon, donc du coup... bon, bah Nicolas. Oui. Ben rase-les à l'unanimité, hein. Oui, j'essaierai de les raser. Tu essaieras de les raser ? Oui. Ouais, tu nous rappelles après ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On fait comme ça ? Oui, exactement. Bon, salut Nico. Salut Nico. On va repasser l'antenne. Oui, oui, on va te repasser l'antenne. D'accord, parce que là, on est au standard. Là, on est au standard, l'émission commence juste après. Y a pas de souci. Ouais. En fait, tu vas avec Sandro, c'est là-bas que ça se passe. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, allez, salut Nico. Et tu dis bien bonjour. Salut, bye. Allez, salut Sandro, hein, quand elle décroche. Oui, voilà, c'est ça, bonsoir, ouais. Bon, Estelle, Déborah, bon, désolé de vous avoir fait subir ça, hein. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Il y a Sem également qui est avec nous de Verviers. Salut Sem. Bonjour. Comment ça va ? Sem, tu sèmes quoi ? Très bien. Bah écoute, on va plutôt bien là. Enfin, c'est Jem. Ah, c'est Jem ? Ouais, c'est pareil. Bravo Sandro, hein, Jem, ouais. Sem là, c'est pareil. C'est pareil, ça ressemble. Ça s'écrit Sem et ça se prononce Jem. J'ai rien dit, Sandro. Ouais, Sandro, ça va, j'ai rien dit. Sandro qui est resté à Paris, évidemment. Elle s'est endormie ou quoi, Sandro là ? Non, pas du tout, j'étais avec Nicolas. Ouais, t'étais avec Nicolas. Tu dragues ? Oui, bah oui. Ça se passe bien. Tu lui as conseillé quoi alors pour ses poils ? Non, la guillotine, il me demande Sandro. Ça fait 10 fois qu'il me demande dans quelle tenue je suis. Je lui ai dit, je suis en jogging, on est dimanche. Non, mais t'auras pu. T'auras pu le faire rêver, je sais pas moi, lui dire plein de trucs, lui dire voilà, je suis en soubrette. Ah ouais, il sait pas ce que c'est qu'une soubrette. Lui. Non. Voilà, t'aurais pu lui raconter façon, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, t'aurais dit soubrette, rien, il comprend rien. Voilà. Et en plus, si tu commences à lui dire ça, le mec il te lâche plus après. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. J'aurais juste un message à passer aux Algériens. Est-ce qu'on peut couper la lumière sur le vieux port? Ouais, parce que les gars, c'est un peu trop violent là. Tout à l'heure, il y avait le soleil, ça éblouissait un peu, mais là j'ai l'impression que, si tu veux, il y a 17 soleils là, tellement ils ont allumé de fumigène tout le bordel, les Algériens. Et ils n'ont gagné qu'un match. Qu'est-ce qui va se passer s'ils gagnent la Coupe du Monde? Ils vont brûler le vieux port. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà. Bravo les gars, bravo, cas, on est content pour vous. Non mais on est content. Mais en tout cas, j'ai bien vu déjà la police marseillaise qui est là. Il y avait deux mecs qui étaient sur scooter. Deux mecs en scooter qui roulaient à contre-sens en train de faire des zigzags. Et les mecs lui ont dit: écoute-moi bien, tu fais demi-tour, je ferme ta gueule. Bon. Les mecs ils ont fait marche arrière, ils ont rien dit. Tu disais Polo? Un peu d'ambiance. Ouais, on se met en mode ambiance là. Et c'est violent parce que ça brûle. Et c'est vrai que les flics ils sont forts ici. Hein. Ils leur ont fait comme ça signe, ils leur ont dit dégage. Par contre, les gars, je rappelle que le quick il est juste en face de là où ils sont. Et ben parfait. On a un parapluie. Donc, les gars, moi ce que je propose, on va peut-être pas aller au quick, ouais. Vous allez. Qui va chercher un quick là maintenant là en moi, face. Je propose que quelqu'un aille le chercher. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, les Algériens font la fête sur le vieux port, j'imagine un peu partout aussi, à Paris et ailleurs hein, d'ailleurs. Puisqu'ils ont gagné 4-2 ce soir. On devrait rappeler Adixia là, des ch'tis. Pour voir si avec la victoire de la Belgique ça s'est fait pareil. Faudra poser la question. Ah, je pensais que tu voulais voir s'il avait fini avec Paga. Non, ça j'irai pas jusque là. Bon, on va se mettre le son de Diro, je l'avais promis, avec 5 Hours. Et puis juste après, Jem, Estelle et Déborah, on va se faire le jeu avec l'affrontement entre le Nord et le Sud, d'accord? D'accord. Bah, allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, toujours en direct de Marseille. On aura également à suivre le match d'impro. Ah oui, allez, on fait ça avant minuit sur Fun Radio, bonne soirée. Ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le vieux port. Mickaël, No Limit, en direct de Marseille, pour court tourner. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, toujours avec oh putain, cette célébration pour notre arrivée, bah merci en tout cas aux Marseillais sur le vieux port là. Franchement je vais faire un selfie, avec cette toute. Ah bah tout ça, franchement je trouve ça beau, merci. On n'a jamais été aussi bien accueillis. Ah attendez. Je vais faire le selfie maintenant en direct, parce là, comme que ça au moins vraiment verrez, le coup. Vous verrez en direct à quel point les Marseillais s'abrossent le ouais. Ça c'est vraiment bien, tu vois, voilà. On sent qu'il y a une vraie ambiance ici à Marseille. Non, c'est, vraiment. C'est pas à Paris qu'on aurait eu ça, quoi. Ah non, ça c'est clair. Cette ambiance, alors, regardez. Mickaël, uniquement pour lui. Non, franchement, voilà, c'est beau. Tu t'en sors? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Oh, franchement, regarde ça, ils ont sorti les feux de Bengale et tout. Les flics sont venus, tout le monde est là. C'est beau. Franchement, merci Marseille. Heureusement qu'il y a la police pour reculer un peu les gens, parce que sinon, ce serait les meufs devant la radio. C'est pour ça, là, on a dû faire appel à de la sécu et tout pour être sûr. On a dû renforcer. Ah bien sûr. Bon, je vous mets la photo dans quelques secondes sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission. Juste énormissime. Jem, Estelle et Déborah. Oui. Bon, ouais. Vous allez pouvoir voir que je pense que Marseille est quand même la ville où on était le mieux reçu. Ah bah ouais. La plus fun. La plus fun, la plus ouf, la plus tout. La plus démente. En tout cas, la plus ensoleillée. La plus rouge. Jour et nuit, il y a du soleil. Jour et nuit, il y a du soleil et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Bon, on va jouer donc avec Jem, avec Estelle et avec Déborah. Et qui va jouer dans le studio? Alors, nous avons... Thomas. Oh putain, c'est pratique ça. Et Thomas. Thibaut, ah bah heureusement, très bien. Bon, Thomas et Thibaut. Alors Thomas, on va dire qu'il y en a avec le drapeau british. Et puis voilà, donc il y aura Thomas le british, Thomas et Thibaut, voilà, très bien. Et Thomas le con. Bon, Jem, Estelle et Déborah. Le principe est très simple. Thomas le british va jouer avec Jem. Thomas le pas british, pourtant qu'il y a une coupe de british, va jouer avec Estelle. Et enfin Thibaut. Du coup va jouer avec Déborah, d'accord? D'accord. Le principe est très simple. Ils vont choisir, on a une espèce de petite boîte. Ils vont tirer au sort. Bon, on va tirer au sort. Ouais, c'est ça. Ils vont choisir un petit papier où il y a un mot et ils vont devoir vous le faire deviner. Attention, il est interdit de. Tu m'as sorti une belle expression tout à l'heure. En fait, il est interdit de réutiliser le début des mots. Et des mots de la même famille. Donc c'est-à-dire que si tu dois faire deviner graisse, tu peux pas utiliser gras. Voilà, d'accord. Voilà. Tu utilises, Utilises friteuse, tu utilises. Par exemple, bite, voilà, t'as pas le droit d'utiliser couille. Bah, voilà. si tu veux faire gras, tu peux pas. Donc, si tu veux faire graisse, tu dois pas dire gras, tu peux utiliser toffe comme exemple, etc. Tu peux pas dire gras souillé non plus. Exactement. Ok. À psychiatrique, tu ne peux pas utiliser toffe, bon, par exemple. Alors, mettez bien le micro à côté de votre bouche. Voilà. Pour qu'elle puisse entendre. Bon, Jem, t'es le premier à jouer. Verviers, donc le nord, hein, pour le coup, l'extrême nord même. Par rapport. Je remélange. Pourquoi il est tombé sur gras? Non, il n'y a pas gras dedans. Ah, il n'y a pas gras, très bien. Allez, c'est parti. Donc, Thomas le British, c'est parti. On y va. N'oublie pas le micro bien à côté de ta bouche. Vas-y, Jem, on t'écoute, c'est parti. C'est quoi ça? Attention, et une minute. Hein. Attends. Il y a une minute maximum, bien entendu. Attention. C'est moi qui commence? C'est toi qui commence. Ah bah oui, parce que c'est toi qui as les mots. Donc, attention, c'est parti, go. Alors, c'est un endroit où tu peux faire du sport. Il y a de l'eau. Salut, monsieur. Ah, une piscine? Voilà. Piscine. Allez hop, suivant, vite, ça fait 1. Allez hop, c'est parti, on y va. Celui qui fait le plus, hein. Tu fais le Tour de France avec. Ouais. C'est du sport. Vite. Jem propose. Un vélo. C'est ça. Allez, c'est bon, next, c'est parti. Vas-y, Jem, plus vite. Un endroit où tu peux baiser, dans un hôtel. Et chambre. Voilà. Ouais. Il est fort, hein. Extra suivant. Ils ont gagné vendredi. Contre la Suisse. C'est ton pays. Mais non, il est belge. C'est ton pays. Non, mais... La Belgique. Mais non, pas la Belgique. Voilà, ils ont vendredi. Ça ne fait que 3 mots. C'était l'équipe de France, Jem. Dommage, t'es tombé sur le sol qui vient de Verviers en Belgique. Pas de bol. Ah, en fait, c'est toi qui l'as induit en erreur. T'as dit ton pays. Ils avaient joué aujourd'hui. J'avais pas. Enfin, ils ont joué aujourd'hui. Eh oui, non, c'était la France, Jem. C'était complique l'équipe pas, de France. Complique pas les choses. Ne complique pas les choses, par pitié. Bon, c'est pas grave, Jem. T'aurais dit les bleus, ça passait. Les bleus, c'est vrai. Ah ouais, t'aurais pu. Bon, Estelle. Oui. Bon, pour l'instant, le Nord n'est pas très très bien représenté. Non, le Nord n'est pas très bon. Estelle, tu vas jouer avec l'autre Thomas, qui a une tête de British, mais qui n'est pas British. On y va, c'est parti. Attention, t'as compris le concept, hein. Il faut deviner les mots le plus vite possible. Pour l'instant, il faut battre 3 pour gagner. 3, d'accord. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance, go. Une minute. Tu mélanges, t'es vu tricher. Allez. Allez, une minute, c'est parti. Allez. Un arbre en Guadeloupe. Un quoi? Un arbre exotique. Un arbre exotique. Ah non mais. Oh putain, je vois. C'est moi qui l'ai sorti tout à l'heure le nom. Oh, un arbre exotique. Je sais pas moi. Eh, le compteur il tourne hein, là. Vite. Je peux changer? Non, il faut faire celui-là. Je sais pas moi. Allez. Eh, mais un arbre que tu trouves dans, je sais pas, Martigny, Guadeloupe, non? Estelle. Ah, il y en a ici. Ah oui, mais oui, il y en a ici. Un cocotier, non. Non. Je sais pas. Hop, hop, là-bas, là. Un amandier? Non. Oh là là. Non, bah, trop pas. Ah bah ouais, mais il faut continuer. Des vers quoi là? Donne des autres plans là. Allez. Bah c'est peu. Il y en a dans le sud aussi. Ouais. Cannes, Marseille. Non. Des palmiers. Allez, voilà. Et stop. Ouais. Ah, quel talent, hein. Sans voix. Je reste bouche bée, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, et du coup, c'est Thibaut qui va terminer. Donc, Jem, finalement, t'avais pas très bien joué, mais t'as quand même fait 3 mots. Alors qu'Estelle n'en a fait qu'un seul. Oh là là, à Lille, ça ne représente pas Estelle, hein. Ouais. Non, en fait, j'avais pas compris, moi. Ah, ouais, bah c'est pas grave, t'as quand même fait 3, Jem. C'est bon, déjà pas mal. Déborah, on y va, c'est parti, à ton tour. Tu vas jouer avec Thibaut. Oui. On y va, t'es prêt? Oui. Go. Allez, c'est parti, on y va, il choisit un mot. Il a la rage, lui, il veut jouer. Il veut gagner. T'en bouffes au McDo? Des frites? Non. Des hamburgers? Ouais, ouais. C'est ça. Hamburger, c'est bon, un point. Allez, reste 50 secondes, vous êtes pépère. Oh putain. Allez, coupe près de la bouche. Vas-y. C'est un insecte, ça a des ailes. Ouais. C'est long. C'est bleu, c'est... Une libellule? Ouais, c'est gagné. Ah oui. Allez, on y va, troisième mot. Oh putain. T'as pris tous les pires du jeu. C'est clair. On les a choisis tout à l'heure à la piscine, bébé. C'est un légume. C'est vert. Oh putain. C'est pas bon. Un concombre. Non. Un chou-fleur. Non. Ça quoi? C'est pas bon. Non. C'est chou Bruxelles. Non. Mais oh, finis celui-là. Non. Il y a des poils. Allez. Ouais, il y a des poils. C'est vert, c'est dégueulasse. Non. Allez, donne-lui des trucs. Un vert. Qu'est-ce qu'on mange sur ce truc? Un cœur. Stop. Ah. Oh là là, boum. C'était un artichaut. Putain, vous avez bien démarré là. J'ai gagné. Eh oui, Jem, t'as gagné, bro. Oh au final, c'est Jem et Thomas. Et... ouais, c'est ça, Thomas 1 qui ont gagné. Thomas le British hein, qui a gagné. Bravo. Hein. Bravo. Merci. Félicitations, t'as une meuf ou pas, Thomas le British? Non, ah, putain, ah, c'est dommage. Parce qu'on avait un sextoy pour toi, mais. Bah, c'est pas grave, on va lui offrir un magnifique cahier de vacances. Ouais, ouais, cahier de vacances, bah, Clara Morgan. Oh, offert par Clara Morgan. Évidemment, évidemment. Et Jem. Ouais. Bon, reste au standard, on a aussi des cadeaux là, bien entendu, qu'on va te filer d'ici quelques minutes. Merci. Estelle et Déborah, bon bah déception totale du public. Hein. Bah ouais, mais moi, vous attendez le nom british, il aurait pu trouver d'autres mots. Hein. Ah bah oui, mais bon, écoute, c'était une question de rapidité, c'était le nord contre le sud, hein, c'était le battle, c'était le battle. Bah oui, c'est ça. Comme ça. Bah ouais, mais malheureusement, c'est raté, ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Nickel. Oui, Jem. Je veux dire, vous gérez les gars, vous écoutez tous les soirs au travail, franchement. Ah bah c'est gentil, Jem, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Bah gros bisous à vous en tout cas, merci d'avoir appelé, à bientôt. Hein. Au revoir. Salut, ciao. On va prendre dans quelques minutes Enola qui voulait devenir une douce officielle. On aura Thomas aussi, salut Thomas. Encore ? Salut Mickaël. Ça va bien ? On est envahi ? Bon oui, ça va bien, ouais, tranquille. Bon Thomas, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi ? Bah, j'ai un petit problème, à chaque fois que je suis dans un lieu public, je bande. Chaque fois que tu vas dans un lieu public, tu bandes ? Oui. Ok, eh ben, écoute, on va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, Thomas, là, ça va être un gros sujet à suivre. Vous restez là, il y a Gilo qu'on écoute maintenant, tiens, avec First Love sur Fun Radio. On est toujours au cœur d'une heure sans pub sur Fun. Bienvenue si vous venez débarquer, c'est Mickaël No Limit en direct de la planète Mars. Ce soir, préparez-vous au raz-de-marée sur le Vieux-Port. Mickaël, No Limit, en direct de Marseille, pour tout retourner. Jusqu'à minuit. On est toujours en direct. On est toujours en direct sur Fun Radio, il est 23h14, il y aura Stadio Mix, on l'avait demandé, qui l'avait demandé tout à l'heure ? C'est toi qui l'avais demandé tout à l'heure, très bien. On va se faire également, j'ai décidé, le fruit du hasard a fait que vous avez été sélectionné pour faire ce magnifique jeu qui est le match d'impro dans quelques minutes. Est-ce que vous connaissez le match d'impro ou pas ? Bon, approchez-vous de Toff, alors on va vous expliquer, voilà. Donc, le match d'impro, c'est... le match d'impro, comment l'expliquer ? On va vous donner un thème et vous allez devoir l'improviser. Comme vous êtes ensemble, ça ira pépère. Je vous ai prévenu, je leur ai dit, vous faites comme à la maison. Voilà, vous faites comme à la maison. Le match d'impro, on va faire quoi comme match d'impro là ? Quel thème on peut utiliser ? On est à Marseille, donc autant qu'à faire, autant utiliser quelque chose de Marseille, non ? Je sais pas. Ouais. Non. Le match d'impro sera. Les auditeurs vont me dire si effectivement j'ai bien fait de choisir ça. Comme on est dans un studio de radio, qu'on est à Marseille, ce sera prends-moi les fesses dans le studio de radio. Vous êtes d'accord ou pas ? Non, j'entends pas. Vous êtes d'accord ou pas ? Ouais ! Parfait. Le public est d'accord, c'est le principal. Le public est d'accord, le public a validé. Les acteurs ont un peu de mal. Mais... voilà, il va falloir improviser sur ce thème. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On est à Marseille, il y a la folie parce qu'on nous a hyper bien accueillis. D'ailleurs, j'ai mis la photo sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Allez voir. Hein. Et d'ailleurs, merci aux Algériens. Ça se remplit de plus en plus. Hein, complètement. Là. Et tous ces gens qui sont venus pour nous, je trouve ça énorme. Oh, c'est dingue, c'est donc, dingue. Donc tapez Mickaël officiel pour voir. Vous avez un quart d'heure pour réfléchir à votre jeu. D'accord ? D'accord. Je précise juste que ma belle-mère écoute donc. Et bon, on l'embrasse. Et ben, comment s'appelle ta belle-mère ? Evelyne. Ta belle-mère, c'est-à-dire la mère de ton copain. Et bien, d'accord. Bonsoir, Evelyne. Et ben voilà, très bien. Vous allez en apprendre des choses, Evelyne. Oh là là là là là là là là là. Quel âge est Evelyne, grosso modo ? Elle a 20 ans de plus que moi. 43. 40, 20 ans de plus que moi, quel âge j'ai, moi. 43, c'est ça, voilà. Elle est d'accord avec papa ? Non. Ah, Toff, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Mais elle sait que. Non, que vous avez consommé. Oui. Ah, oui, bon, très bien, parfait. Ça, alors. Bon, bah, Evelyne, bah, voilà, hein, comme les doux, bouchez les oreilles. Bon, on va se faire le canular. Vous savez, tous les jeudis, on se fait le canular. Oui. Évidemment, voilà, forcément. Bon, donc, si vous avez envie de piéger quelqu'un, n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler. Hein. Vous balancez vos messages maintenant. Vous débutez le message par Mickaël, suivi de votre message. Et puis, on fait, bien sûr, le canular. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'écouter le jeudi, puisque l'émission est un peu plus tard, de 23h à 2h du mat, ça avait donné ceci, justement, le canular que nous allons faire maintenant. Salut Mickaël. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bon écoute, ça va, plutôt bien, tranquille. Je rappelle qu'il y a toujours les maillots de foot qui sont à gagner. Tu suis un peu le foot ou pas toi, dis-moi ouais, Céline ? Ouais. Ah, t'es pour quelle équipe ? Ah bah moi pour la France, c'est normal. Bon allez Marie, Céline pardon, on va appeler ta copine qui s'appelle Marie, je veux dans le standard. Oui, voilà. Et on va lui faire croire quoi ? Alors on va lui faire croire que je sors avec son père. Donc comment ça, quel âge il a son père ?

Ah, je sais pas, elle doit mettre du A, B, C, D, elle doit mettre du, ouais, du C, du D, je pense. C'est, ah ouais, ouais, tu disais qu'elle était plus fine. Non, je crois qu'elle met, non, elle met du 95B, Marie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, B, B comme... comme bien. Ouais, bas trop mal. Bien. Comme bas trop mal. Et, oui, c'est peut-être aussi, je sais plus. Hein. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté, Marie? 36. Ouais, non, elle est pas mal. Hein. Attends, tu réponds toutes les questions comme ça d'un inconnu, c'est pas mal. Hein, ouais, elle, je sais. Elle est pas mal, moi, je la défouraille. Hein. Oui, merci, ça ira. Avec plaisir. C'est gentil, ouais. C'est gentil. Bon, Marie. Oui. Bon, je suppose que tu sais où tu es. Non. Mais si. Non. Mais si. J'ai reconnu une voix, mais c'est tout. Ah, j'ai reconnu une voix, c'est déjà pas mal. Et oh, quelle est cette voix? Merde. Voilà, hein, mais. Merde. Mais. Fun. Ah, voilà, il me semblait bien, tu vois. Ah, elle a déjà prouvé, Le hasard comme par hasard. Bon, cela dit, de quoi? Elle est bien, elle connaît ma radio, donc c'est normal. Bah oui, elle connaît la radio, évidemment qu'elle connaît elle la est radio. Forte, oui, évidemment. Bon, du coup, bon, en revanche, c'est vrai, hein, pour le daron. Hein. Ouais, faudra faire avec. Voilà, elle savait pas comment te le dire, on s'est dit qu'on allait le faire en version canular pour voir comment t'allais le prendre, visiblement pas très bien. Ah bah non, normal, attends. Bah ouais, comme elle préfère les mecs plus âgés, apparemment. C'est quoi son record d'homme plus âgé? Ah, Céline, c'est 28. Oh, ça va! Oh, ça va, 28. Non, mais. Hey. Bah non, ça c'est ce qu'elle croit, ça. Et pourquoi, c'est quoi toi ton record? 35. Ah ouais, donc tu tapes dans le le vieillard. Hein. Tu vois. Oui, je suis même plus attendez, jeune. Attendez, je vais même lui dire c'est qui. C'est qui? J'ai peur. Marie, c'est Faxo. Non, t'es sérieuse? C'est qui Faxo? Bah oui. C'est un mec qui passe des fax toute la journée. Ah, c'est ça. C'est quoi? C'est un patron d'une boîte? C'est un ancien. Ouais, bah non, il est patron d'une boîte, mais il est pas ici. Ah ouais, d'accord, ok, donc c'est bien pour avoir les entrées gratos, quoi, t'as tout compris, c'est bien. c'est pas mal. Bah, sucer pour boire gratuit. Hein. Bah voilà, bah bien sûr, évidemment. Bon, Céline, tu voulais un maillot de foot, toi, tu veux quel maillot, alors? Benzema, vas-y, on prend. Ah non, mais Benzema. Tu veux l'équipe de France? Ah ouais, bah ouais. D'accord, bah c'est ce que je te demandais. Après, on va essayer de le floquer, je te promets pas, mais si jamais on peut le floquer, je te mets Benzema. Et puis, du coup, on va attendre, hein, on va attendre que la Coupe du Monde termine, puisque des fois que la France se qualifie, des fois que la France gagne, il faudra envoyer le maillot avec les deux étoiles et pas une seule, évidemment. Ce serait con d'avoir un maillot périmé, évidemment. Bon, bah ça roule. Bah gros bisous, Céline, gros bisous, Marie, à bientôt, hein. Ouais, gros bisous, petite dédicace à Fun et à Marie, hein. Ah bah oui, bah très bien, bah oui, évidemment. Message passé. Salut les filles. Ouais, salut. Bon, et si vous faire un petit canular aussi, on met le couvert la semaine prochaine, vous n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il est 23h30, on va se faire dans quelques instants le match d'impro. On est toujours, il y a le feu d'artifice à Marseille, sur le vieux port là, ça y est, c'est fait ça pour l'émission. Ouais, toujours c'est court, là, les gars. En direct du vieux port là, avec du MMB FM TV qui est venu filmer. On vit ça au même moment que vous là, il y a les photos sur le Facebook de l'émission, n'hésitez pas. Et puis on se fait péter le son de Stadium X maintenant, tu on l'avait demandé tout à l'heure, la Howl at the Moon, maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit, on est au cœur d'une heure sans pub et on est là jusqu'à minuit. Hello. Hello everybody. Jusqu'à minuit, Mickaël No Limit, en direct de Marseille. Mickaël sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. 23h32, on est au cœur d'une heure sans pub et c'est Mickaël No Limit en direct depuis la planète Mars, en direct des studios de Fun Radio Marseille. On est sur le vieux port, on est bien, on est aux premières loges de tout ce qui se passe dehors, donc c'est plutôt cool. Comme l'Algérie gagnait, c'est ambiance, hein. Ah ouais, non, c'est pas mal. C'est violent là. On est au top de l'ambiance là. On est au top de l'ambiance. Bon, plein de messages qui sont arrivés aussi. Il y avait Jojo78, il y avait Best of Fun Mickaël, il y avait Ness, Devers45, Emily également. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire beaucoup de messages ce soir, mais rassurez-vous, on remettra le couvert demain, évidemment. Et puis, si vous avez envie de choisir un son en particulier, eh bien n'hésitez pas. Avant de faire le match d'impro, on va se faire les derniers appels malveillants. Ah oui, avec plaisir. À base de quoi les appels malveillants? À base de branlette, hein, puisqu'il paraît que c'est bon pour la santé de se masturber. Oui. Hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les hommes, ça évite pas mal de maladies. Et pour les femmes, ça évite des maladies. Pour les hommes, ça évite le cancer de la prostate. Oh bah tranquille. Donc branlez-vous. Exactement. Et c'est le conseil du jour. Bon, voilà. Et bah très bien, on va faire les appels maintenant. Comme on le fait tous les soirs d'ailleurs. Je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone à proposer à Tof, n'hésitez pas pour qu'on puisse appeler vos bien amis sûr. Ou ennemis. D'ailleurs, hein, vous envoyez un mail à toph@funradio.fr. On y va, premier appel, c'est parti. Oui, allô? Déjà, vous avez déjà quelqu'un au bout du tuyau? Oui, bonsoir madame. Ah, très une sympathique. Femme très agréable, très... on peut s'en rendre compte. Trop gentil même, on y va, on rappelle. C'est très sympa, vraiment, trop gentil. Mais le mari est mieux. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Eh, hey, t'as pas marre de faire chier, ta sale fille de pute, hein? Eh, je m'excuse monsieur, mais vous... Eh, hey, ta gueule, je te dis. Eh, hey, tu m'as refait chier comme ça, et je te promets, je te donne rendez-vous, moi. Eh, hey, je te plombe la gueule. Oui. Ouais, bah, tu fermes ta grande gueule, parce que là, tu vois, le téléphone, là, les sourds écoutent, et les flics, ils sont en train d'écouter, pauvre bâtard. Ah bah putain, ils doivent savoir que vous êtes vraiment un mec vulgaire, alors. Eh, alors, je m'en bats les couilles de ta gueule, t'as pas à nous faire chier à ce temps-là, sale con. T'as autre chose à branler de ta vie, t'as à part de faire chier des gens qui bossent toute la journée. Ben non, moi je veux juste savoir... Ouais, bah tu fermes ta grande gueule, je te dis, ouais, tu me fais pas chier. Oui, mais... Moi je bosse toute la journée, alors tu fermes ta grande gueule. Oui, mais... Les trucs de cul, tu te gardes pour ta gueule et t'évites de faire chier les gens qui sont honnêtes, c'est clair. Ben... Sinon, moi je te donne rancard dans un coin et je te fous un coup de fusil dans ta gueule, moi. Et je vais endeuiller toute ta famille, sale bâtard. D'accord. Alors, tu veux un rendez-vous, là? Bah... Vas-y, donne-moi un rendez-vous quelque part, je te plombe la gueule, moi. Non, moi, je veux juste que vous répondiez à ma question, monsieur. Tu veux quoi, là? Que vous répondiez à ma question, monsieur. Ouais, bah, ta question, je te dis, c'est un coup de fusil de chasse dans ta gueule, sale bâtard. Bah, non, monsieur, alors, ça... Alors, donne-moi un rendez-vous quelque part, je descends, moi. Vas-y, elle est où, ta boîte, là? Alors, moi, je suis... J'ai fait Fun Radio de merde avec Arthur, là, à Paris. Tu crois qu'on le sait pas, ça? Moi, j'ai... Non, ouais, mais... Ouais, non, et prends un compte avec Arthur à Fun Radio. Vous faites chier tous les gens tous les matins, là. Vous leur faites péter les plombs. Oui, mais moi, je vous souhaite qu'un truc, c'est qu'on aille tous à votre putain de Fun Radio de merde à Paris, là, et on vous fasse plomber la gueule. Et vas-y, donne-moi un rendez-vous quelque part, vas-y. Alors, on est... Je suis 20. Ouais, 20 où, là? 20 rue Bayard, monsieur. Ouais, à Paris. Ah oui, à Paris, oui, la capitale. Ah bah oui, avec tous tes copains. Hein, tu te défends qu'avec ça, toi. Par contre, tout seul, là, tu chies dans ton bain, pauvre ta race. Tu te défends qu'avec tes potes, oui. Mais tout seul, face à face, t'es bon à quoi? Bah, t'es bon à rien? Bah, exactement, monsieur. Eh bah ouais, bah ferme ta grosse gueule. Donc maintenant, bah tu fais bien partie de la bande Arthur, à ton pote Arthur, là. C'est celui qui présente la télévision de merde, là. Bah tu pourras y dire aussi, c'est qu'un fils de pute. Très très très sympa et gratuit, hein. Voilà, on s'excuse auprès d'Arthur, mais on y est pour rien. Ah oui, bon, on y est pour rien. Surtout que lui, il restait un petit peu, il est resté coincé dans les années 90. Du coup, on l'avait rappelé encore une fois. Oui, juste pour le plaisir. Voilà, comme ça, vraiment pour le fun. Vous allez arrêter de m'appeler, connard. Mais attendez, vous avez pas répondu à la question, allô. Oh putain, déception là, quand même. Bah, merde. Oui. Bon, bah c'est mais pas grave. Que c'est un couple, tu vois, un couple qui s'aime. Ah oui. Un couple qui aime partager. Exactement. Bon, dans quelques minutes, je vous laisserai encore le temps de la pub. On va se mettre la pub, et après on va être pépère là pour préparer le match d'impro. Hein. N'hésitez pas à vous approcher de Tof. Je sais qu'il fait peur, mais bon, faites un effort quand même. Hein. Voilà, amenez-vous plus près encore plus près, toujours plus près. Voilà. Bon, alors la règle, vous l'avez bien assimilé, le match d'impro. Oui. Voilà. Donc en gros, c'est quel était le thème encore? J'ai oublié. Ah oui. Prends-moi les fesses dans le studio. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. On salue également Estelle. Non, Leslie. Leslie. Non. La belle-mère. Evelyne. Pardon. On salue Evelyne, bien sûr, qui nous écoute. Hein, la belle-mère de. Rappelle-moi ton prénom aussi. De Nicolas. Voilà. C'est Nicolas et Leslie qui vont jouer ce match d'impro pour gagner de très très beaux cadeaux qu'ils pourront peut-être offrir à Estelle. Je ne sais pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, faut pas l'offrir à Estelle. quoi qu'il en soit, offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Restez sur Fun Radio. On aura Thomas aussi. Salut Thomas. Salut Mickaël. T'es en forme? Ouais. Ouais, très bien. Bon Thomas, tu vas nous parler de quoi dans quelques minutes en direct du Pas-de-Calais? Bah en fait par exemple quand je vais à la plage ou à la piscine, bah je bande tout le temps. Ah oui c'est vrai ça, tu nous avais dit ça. Ça t'arrive toi Tof aussi de bander tout le temps là quand tu vois? Ouais, enfin, ça dépend de l'endroit quoi mais. Non mais là en l'occurrence comme lui là, bon bah quand il va dans un lieu public, genre la piscine, il a les gaules. Ah ouais, moi tout à l'heure quand on était à la piscine, au bord de la piscine. À la piscine au bord de la piscine. Parce qu'il est en train d'essayer de draguer Leslie là, alors du coup forcément il est perturbé. Je lui ai écrit des petits mots. Non ouais, quand on était tout à l'heure, ouais j'avais la gaule. Attends, il y avait deux, trois bonnes meufs à la piscine. Hein. En fait, t'avais vraiment une petite bite parce qu'on a rien vu Tof. On était là. On passait, on a parlé, on a bu un café ensemble, mais on a rien vu. Ouais mais c'est normal, j'avais mis un truc noir pour que tu ne vois rien. Pour que ça masque. Bah quand t'as la gaule ça se voit. Ouais, ça se voit pas. Ah moi tu mets du scotch mais sinon ça se voit pas. Alors, ça se voit chez toi parce que t'as un moule bite. Ouais voilà mais moi j'avais un short. Un moule bite. Bah, quand même il moulait un peu la bite. Un maillot de bain. Oui bah voilà c'est ça. La bite c'est un moule bite. Voilà tout simplement. Non mais y a pas de mal. Bon donc du coup Thomas. Oui. Et à chaque fois que tu vas dans un lieu public où tu vois des filles un peu dénudées comme la piscine tout ça sinon quoi. Quand tu vas dans un supermarché t'as pas la gaule quand même rassure-moi. Entre le concombre et la salade. Y a des moments si. Bah ouais. Bon, je pense que c'est parce que tu viens de découvrir. Oui, c'est parce que c'est les balbutiements de l'érection. Tu bandes parce que voilà, c'est là, ça marche encore. Mais est-ce que tu fais comme moi, tu te mets la main dans la poche et puis tu t'astiques. Oh. Quelle horreur. Non, non. Note. C'est peut-être une idée, hein. Ah ouais, je peux rien mettre dans mes poches parce qu'elles sont percées pour que je puisse m'attraper la bite. N'importe quoi. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. Enfin, j'imagine. J'ai pas été vérifié, hein. Mais Polo, peut-être à vérifier, non? Non. Attends, mets ta main dans ma poche pour voir. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, et en gros, Thomas, c'est pas très grave. T'as qu'à mettre des trucs un peu plus, un peu larges. Ouais. Mais bah oui. De quoi? C'est quand même chiant. Non, c'est chiant, je suis d'accord, mais bon, c'est pas non plus catastrophique en soi. Après, on peut demander aux filles ou même aux mecs si ça vous est déjà arrivé, justement. Tiens, il a 16 ans, il appelle du Touquet. Appelez-nous et dites-nous, tiens, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Reste avec nous, Thomas. Bon, on a un petit peu de temps, finalement, on va faire le match d'impro maintenant. Comme ça, vous aurez le temps, donc, de... Enfin, les auditeurs auront le temps de voter plutôt pour lequel d'entre vous doit gagner, si vous êtes bon ou pas, via le hashtag MIKL à Marseille ou via les SMS. Vous envoyez MIKL au 64 900 ou au 6322 depuis la Belgique. Bon, Leslie et Nicolas, le thème est le suivant. Je l'ai déjà dit, je le rappelle pour ceux qui viennent de débarquer. Très bon thème. Bah, je trouve aussi. Prends-moi les fesses dans le studio. Vous pouvez bien entendu mettre un peu de décoration puisqu'on est à Marseille, on est on est dans un studio de radio, vous assistez à l'émission. Que vos fans sont venus vous acclamer. Il y avait la fête de la musique hier, etc., etc. Voilà, vous avez 2 minutes. Et il faut plaisir. Et il faut avant la fin que ça parte, évidemment. Désolé Estelle, hein, c'est ça. Evelyne. Putain, qu'est-ce que j'ai avec Estelle. Désolé Evelyne, évidemment, il faut. Merci Toff de noter les noms, c'est parfait. Je t'en prie. Donc désolé Evelyne, évidemment, mais il va falloir que ça baise à la fin. Non mais Leslie, non. Que ce soit. Non mais Evelyne, c'est la mère. Estelle qui est Estelle. Il n'y a pas d'Estelle. Il n'y a pas d'Estelle. Si, il doit y avoir une Estelle, puis là on en parle. Mais je sais pas, c'est parce que j'ai confondu avec Evelyne et Estelle. À moins que ce soit la meuf avec qui il a terminé Toff hier. Ah, la salope là. Non, ouais, c'est possible, ouais. Et il avait une GoPro. Alors il faut savoir, pour tous ceux qui nous écoutent, Toff a été nu parce qu'il était un peu bourrasque hier soir. Ouais. Et il était, parce qu'il y a une terrasse en plus, il était nu avec une GoPro là et il se baladait dans l'hôtel comme ça nu. Exactement. Et il hurlait, je suis un papillon, je suis un papillon. Et il se demandait pourquoi ce matin il n'arrivait plus à rentrer dans sa chambre. Voilà. Ah oui. Il y avait bien une raison à ce sujet. Bon, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Action. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Parlez plus fort. Depuis tout à l'heure, je vous regarde et je vous trouve très charmante. Et je voudrais savoir si on pourrait faire plus ample connaissance. Comment ça? Ben je sais pas, par exemple aller chez moi, dans mon studio. Oh, il est bon là. Et faut on que ça pourrait baise, apprendre à se connaître plus en profondeur. oui, mais comment ça en profondeur? Ben je sais pas, déjà on... commencer par se déshabiller, puis après on voit. Non mais je suis pas une fille facile en fait. Bah est chiante quoi, c'est ça que j'essaie de te dire. Non mais je me laisse tenter, franchement. Ouais. Je suis pas disponible. Ça c'est de la fille. Non, je suis pas une fille facile. Mais vas-y. Vous me charmez. Oh. Bah alors. Comment je. Vous le troublez, madame. Vous me troublez vraiment et. Ben comment ça alors? Je vais venir vous déshabiller. Allez, c'est parti. Ambiance musicale. Attends. C'est comme dans les... accepté. Je mets notre ambiance musicale. C'est comme dans les films de cul, quand ça va commencer à baiser, t'as la musique qui part. C'est ça, ouais. Oui, vous restez humide à tenir, hein, vous êtes ouverte à toutes les propositions. Ouais. Vous êtes ouverte à toutes les heures. Bah écoutez, là je vais fermer donc. Il est relou avec ses bruitages en bois là. Je suis en train de pisser dans le. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, faut que ça baisse là. Bon, je voulais pas intervenir. Bah, mais là vous m'obligez, allez, on y va là. Mets-toi à quatre pattes et puis on va commencer. Respecte ta femme, respecte-la. C'est bon, vas-y. On dirait un médecin, c'est bon, vas-y, alors c'est quoi ça? C'est bon, c'est que le mets là. Très bien, mais alors je vais vous opérer. Ah oui, c'est bon, j'aime ça, oh, ah tu oui, la sens bien. Tu la sens? Ah oui. C'est trop dur. Oh, c'est trop dur, bah oui, non, ça, j'imagine. Non, ça c'est elle qui doit dire. Oui. Tu vois, c'est elle, si elle avait dit ça, ça aurait... hop, ce serait passé vachement mieux là. Tu la sens ou pas? Oui, vas-y. Bon, le public appréciera le... Ouais, bravo. L'effort. Ouais. Bravo. Cela dit, c'est pas à vous donner votre avis, justement, ça tombe bien. Ce sont les auditeurs qui sont derrière leur radio avec le hashtag Mickaël sur Fun, Mickaël à Marseille, pardon. Et puis par SMS, vous envoyez Mickaël suivi de votre message. Lequel des deux a été le ou la meilleure, en l'occurrence, Leslie ou Nicolas? Vous envoyez vos messages et puis juste après la pub, on fera un petit topo pour voir comment ça se passe. Lequel des deux est le meilleur? Tiens, Thomas. Oui. Tu voterais pour lequel, toi, Leslie ou Nicolas? Nicolas. Ah, Nicolas, oui, carrément. Et Timothée qui est avec nous également de Rouen. Salut Timothée. Salut Mickaël, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? Bah ça va tranquille, ouais. Timothée, tu voterais pour qui toi? Pour Leslie ou pour Nicolas? Moi je serais plutôt pour Nicolas aussi. Plutôt pour Nicolas. Ah bah dis donc, t'as été très bonne Leslie, hein, ça c'est... Bah c'est parce qu'il la voit pas, hein. Ah oui, oui, peut-être. Ah oui, parce qu'elle est beaucoup plus mignonne que Nicolas, j'annonce, hein. Ah, y a pas photo. Ah bah y a pas photo, hein. Attends. Il faut qu'il retrouve son bruitage. Voilà, il est content. Bah, tu vois, il n'y a pas photo. C'est ça. Bon, Thomas et Timothée, restez là. Il y a Jérémy également. Jérémy, salut, ça va? Salut, Mickaël. Ça t'es va en forme? Ça va, tranquille. Bon, tu voterais pour qui, toi, du coup, si là pour le match d'impro, là pour Leslie ou pour Nicolas? Nicolas. Ah, pour Nicolas aussi. Oh, allez, décidément. Bon, bah alors, continue à voter les autres avec le hashtag Mickaël à Marseille et par SMS 64900. Débutez le message par M-I-K-L. Allez, bougez pas, on va revenir en direct. Dernière ligne droite en direct de Marseille. Ouais, Mickaël. Toute l'équipe de Mickaël, nos limites. En direct de Marseille, ce soir, jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Marseille vibre pour le foot, la fête et pour Mickaël No Limites sur Fun Radio. 20h minuit, Mickaël, en direct de Marseille. On Fun Radio. Mais oui! C'est la dernière ligne droite et pour l'instant on en est où au niveau des votes, top, là, par rapport à Leslie, Leslie Nicolas? C'est Nicolas pour le moment. Non! Ouais. Pourtant il y a eu des petits gémissements là quand même. Hein. Ouais. Bon, Leslie, pour te sauver, refais un petit gémissement. Ah, c'était pas mal, hein. Non mais dis Nicolas. Ah, Nicolas, oui. Voilà, bon, vous pouvez voter maintenant pour Leslie ou pour Nicolas. Allez, votez, allez. Voilà, c'est ça. Bon, elle fera un striptease pour vous après, non, ou pas, non, pour ceux qui sont sur le vieux port. Ah bah non, là je pense. Tu vas avoir du public. Il y a du monde, là. Il y a du monde, là. People, là. Bon, donc voilà, vous envoyez Mickaël votre message, donc Leslie ou Nicolas pour la personne pour qui vous voulez voter par rapport au match d'impro qu'on vient de faire. 64900 donc par SMS et puis bah, via le Twitter également, tapez Mickaël à Marseille et vous laissez votre message aussi sur Twitter. Par contre, ça a pas eu l'effet escompté parce qu'il y a plus de votes pour Nicolas depuis qu'elle a refait le truc. Ah bon, bah moi je vote pour Leslie, voilà. Bah voilà, bah c'est bien, très bien. Ouais. Je le note. Il y aura Polo contre le reste du monde, ouais, dans quelques minutes également là, si vous voulez. Vous connaissez l'émission Polo contre le reste du monde? Ouais. Ah, c'est léger encore, ça arrive tard le soir. Vous allez connaître, vous allez connaître. Attends, on va la refaire avec Polo qui est chauffeur de salle. Vous connaissez Polo contre le reste du monde? Ouais. Voilà, bah comme ça c'est bien. Tout le public, arrête avec ta musique de merde là. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde dans 5 minutes. Ouais. Si vous voulez participer, bah appelez-nous également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Thomas qui est de retour, qui à chaque fois qu'il est dans un lieu public bande. Il y a Timothée également qui est avec nous de Rouen. Salut Timothée. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bien et toi? Eh ben plutôt pas mal Timothée, tranquille. Bah je suis un peu vénère parce que Toff devait payer son quick aux auditeurs et à nous, mais comme par hasard ils sont en train de faire la teuf là sur, ils ont viennent de fermer le quick. Ils ont fermé le quick parce qu'il y a trop de monde sur la canne-bière et sur le vieux port. Je suis vénère. C'est un salaud. Ah ouais, c'est un enculé. Je suis assez d'accord avec toi. Enculé, exactement. Je suis sûr qu'il a tout prémédité. Il a fait exprès, il a payé la Corée du Sud. Mais il a moitié algérien en plus de bah, exactement, c'est vrai quoi. On l'appelle l'Algérino d'ailleurs. Ce serait pas étonnant. Hein. Mais exactement. Bon Timothée, tu voulais réagir à Thomas, toi, c'est ça? Ouais. Alors vas-y. Bah en fait, moi ça m'arrive tout le temps comme toi. Non, mais bah, pas comme moi, comme Thomas. Parce que Mickaël bande là. Ouais, tout le temps, moi. Dès que j'arrive dans un lieu public, c'est parti. Il ne s'arrête jamais. Exactement, ouais. Non, mais ça m'arrive pas dans les lieux publics. C'est tout le temps, mais pas genre à la piscine ou des trucs comme ça. C'est-à-dire? Genre au supermarché? Non, pas non plus. Bah où alors? Dans les cimetières? Les morgues? En collège. Truc dégueulasse. Au collège? Ouais. Ouais, parce que tu vois une meuf que t'as envie de te faire, du coup c'est pour ça que t'as la gueule. C'est bien les gars, ouais, que, soyez contents. Non mais toi à la limite t'es normal, bon c'est Thomas, ça marche un peu trop bien. Non mais Thomas il doit avoir un problème, ouais. Il doit pas se masturber ou pas coucher avec des filles, c'est doit être ça en plus. Attends, il y a Jérémy aussi qui est avec nous de Villeneuve d'Ascq, t'es là Jérémy? Oui, je suis là. Bon, eh ben bienvenue Jérémy. Alors toi tu veux donner ton avis aussi par rapport à Thomas avant qu'on fasse Polo contre le reste du monde? Ouais, en fait, moi, des fois, j'ai eu la même chose que lui, que Thomas. Et mais c'est pas une maladie, les gars. Les gars, on va se calmer. L'érection, c'est mieux pas une maladie. Mieux vaut trop bander que passer. Bah, voilà. Exactement. Tu dis quoi, Thomas? J'ai rien compris. Comment? Tu as dit un truc? Non, j'ai dit ça termine dans 5 minutes parce qu'il va y avoir le match pour le Portugal. Je te remercie, on savait. Bah ouais, merci Thomas. T'inquiète pas, nous aussi on va rater. Il y a le match du Portugal, j'ai déjà mis le maillot de Cristiano Ronaldo et tout. Ça va être la fête. Moi je vais tout seul sur le vieux port, moi, à 2h. avec mon maillot. À faire un mur, à fabriquer, à faire un mur. C'est peut-être faire enculer pour voir avec ton mur là. Il est content, il a fait sa vanne, pauvre con. Oui, Timothée. Moi j'ai quelques astuces pour Thomas s'il veut. Ah bah vas-y Timothée là, vas-y, on t'écoute. Bah si tu peux. Évite de te déplacer au maximum, reste assis. Avec eh oui. Prends une chaise roulante. Le conseil de merde. Bon écoute, ne te lève plus. Ah ouais, conseil ta de merde. Sur une chaise. Ouais, reste au lit, branle-toi dans ton lit et ta vie sera meilleure. Voilà. Ah, conseil de. Mais conseil non, de mais merde. Bandez les gars, bandez. Mais oui, c'est bien, c'est ça la vie. Laissez l'érection prendre forme. Voilà. Bon, Jérém, encore un truc à ajouter. Bandons tous ensemble, voilà, vous êtes tous moi. D'accord là. Vas-y, Jérém. Allez, bandez. Pour moi, il est en chaleur, j'en sais rien. Bandez. Ouais, peut-être, mais non, mais c'est parce que ça vient de défin, ça, tu vois. C'est encore tout récent chez Thomas, c'est pour ça. Mais rien de grave, tout va bien. Mais quand tu feras comme moi, s'il bande toujours, il reste chez lui. Oui, non, et puis non, mais t'as qu'à t'astiquer, et puis voilà, ça passera tout seul. Hein. Sinon, tu fais comme moi, tu te branles 3-4 fois par jour, et ça va tout de suite te calmer. C'est une idée comme une autre. Bon. Voilà, exactement, faut que tu y ailles, quoi. Faut que ça lâche. Faut lâcher la pression. Ouais, faut rendre la purée. Ouais, merci, Toff. Bon, Jérémy et Timothée, merci d'avoir appelé en tout cas. Michael, c'est bientôt mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire, écarte-toi. Je rigole. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? C'est quand ton anniversaire? Dans 19 jours. Dans 10 ouais, bah t'as le temps, mec. C'est bientôt mon anniversaire. Moi aussi, c'est bientôt mon anniversaire, c'est le 19 avril, là, dans un an. M'oubliez pas. Bientôt mon anniversaire. Bah, bon anniversaire d'avance, Jérémy. Ouais, enfin, c'est plus d'avance, hein. Ouais, c'est bien en avance, ouais. Salut à toi, Jérém. Timothée, tu voulais dire un truc? Ouais. Est-ce que je peux balancer le nom d'une chaîne YouTube? Bien sûr. Alors, est-ce qu'elle a plus de 10 caractères? C'est méga porno sur YouTube. Bon, vas-y, Timothée. Bon, c'est Gifar. Putain, mais les gars, on vous a dit... A-R. On vous a dit que simple. Toujours trouver des noms simples. Geekstar, slash, Honda... Non, c'est pas moi, c'est un pote. Ah bah c'est encore pire. Oh. Et comment s'écrit ce truc? X-E-E-F-A-R. Très bien. X-E-E-S. Bon, je rappelle que si vous likez la page de Mickaël officiel, si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai à la vôtre. Salut Timothée. Attends, est-ce que ce serait possible d'avoir un maillot, s'il te plaît? Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Non. Salut Timothée. Par contre, moi j'avais envie de dire, t'as pas l'impression d'abuser. Eh Timothée, faut jouer comme tous les autres. T'imagines, je t'offre un maillot à toi, les autres ils vont te dire à la gueule, ils vont se dire attends, moi j'ai joué toute la soirée, j'ai pas gagné. L'autre il arrive, il prend le maillot, il se barre. C'est normal. Bah, ah oui, juste un truc, je précise, on n'a pas de maillot de l'Algérie, hein, parce qu'ils vont tout défoncer ici là. Ouais. Bon, si on peut en avoir, on peut en offrir. Mais on en a pas physiquement là. Ouais. Bon Timothée, salut à toi, à bientôt. Ouais, salut. Allez, ciao à toi. Et Thomas, bah écoute, t'inquiète pas, hein, c'est pas normal de les demander tout le temps. C'est bien. Au moins, ça marche. Mieux vaut ça que l'inverse. Inquiète-toi si ça monte jamais. C'est clair, ouais. Bon, salut à toi, Thomas. Dépêche-toi parce qu'il y a le Portugal qui va démarrer, là. Enfin, ouais, vite. Moi, je fous tout le monde dehors. À minuit, on ferme. Tu dis? Ouais. Je fais une dédicace à toute ma famille. Très bien. Bon, on l'embrasse. Et allez, le Portugal, Thomas. Hein. Non, pas le Portugal. Toi, t'es sérieux? Tu vas supporter les ricains, les bouffeurs de burgers? Bravo, non, Thomas. Non, j'aime pas le Portugal. Eh bah bravo, écarte-toi, Thomas. Hop, t'as servi à rien, ouf. Bon, on va se faire le gagnant là, Leslie Nicolas, ou qui c'est qui va gagner alors? Alors attention, qui gagne de ce match d'impro ce soir, en ce jour magnifique de ce 22 juin en direct de Marseille? Quel est le gagnant, Leslie Nicolas? Et Leslie qui arrête pas de regarder au-dessus de ton épaule pour avoir la réponse avant tout le monde. C'est vrai. Mais donc ouais, donc ça avait remonté, hein, mais malheureusement, c'est quand même Nicolas qui l'emporte. Bravo, ouais. Et ben voilà, avec une petite vanne footballistique évidemment. Comment s'est passé le match de l'Espagne, Nicolas? Compliqué. Non, c'est pas compliqué à ce niveau-là. C'est compliqué, c'est quand on a galéré. Bah, on verra ce soir, hein, je sais pas. Je te dirai ça dans 2 heures, hein, grosso modo évidemment. On verra, puisque Nicolas est espagnol. Hein. Oui. Personne n'est parfait. Ça arrive au meilleur. Ça arrive. Mais oui, évidemment. T'es même pas venu avec des churros, bah bravo. Ça pourrait être pire, belge par exemple. Oh non, regarde. On est bien là. Tu vas te mettre une patate, tu vas voir comment ça va se passer. Grave. Surtout avec toute sa puissance, regarde. Tout le muscle. Tout le muscle qui est là. Mesdames et messieurs, je rappelle que ce corps n'a jamais connu le muscle. Ouais, jamais. Mais, attends, moi j'ai fait un bras de fer avec Julien. Ouais, et ben, il m'a éclaté. Je te confirme, effectivement. Bon, allez, Polo contre le reste du monde. Ouais, pas. Eh ben, c'est parti, on y va. Allez, hop, on va accueillir maintenant Jean-Lac du Lac. Allô, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio en direct de Marseille. On applaudit, public ingrat. Fermez-la. Jean-Jacques Dulac. Allez, casse-toi, t'es trop lent. Théophane. Allô, Théophane. Ouais. Tu t'appelles pas Théophane, toi, maintenant? Ici? Non. Ah, non. T'es un doux, toi. Comment tu t'appelles? Doubiver. Ok, super. Ilias. Ouais. Je t'écoute, Ilias. Ilias de billets. Ilias, je t'écoute. Oui. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors. Mais parle, on dit, on t'écoute, Brandon. Polo, Calme-toi. Ouais, grosse dédicace à Maeva qui était dans les studios fans avec vous. Eh ben c'est bien, mais pourquoi tu viens nous dire ça? Pourquoi tu viens gâcher? Mec, écoute-moi, j'ai 5 minutes chaque soir. Tu t'entends, tu comprends? 5 minutes et tu viens nous emmerder avec ça. Fous le camp. Léo. Oh putain, Joséphine, pourquoi tu claques pas tes dents sur ma bite comme tu fais à la télé, putain? Il est bon, Léo, il est bon. Le beefsteak. Eh, frappé. Tu me refaire cuit ou à point? Ah, cuit. Le fou. Au poulon. Ouais. Ferme ta gueule. Avec plaisir, j'y vais. Néona, Elona, Enola. Oui, salut. Oui, salut, Enola, qu'est-ce que tu veux? Devenir douce. Ok, parfait. Enola, tu veux devenir douce? Ouais. Mets-toi à genoux. Je peux accéder à ta demande. Ah, juste fait. Bon. Enola, insulte-toi. Je suis conne. Parfait, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Alors tape-toi sur la tête, Enola. Ok. Allô? Enola? T'es morte? Et Nono? Enola! Oh putain, elle est morte, la pauvre. Qu'est-ce que... Qu'on essaie de la ranimer, Jean-Jacques Dulac! Ouais, donc là je suis dans la voiture, je suis à Marseille, je vais arriver. Jean-Jacques Dulac, tu sais ce qu'on va faire? On va se quitter là, bons amis, d'accord? Mais non. Bon. Allez, casse-toi, hop, Théophane, alias le Doubiver. Ouais, ce serait pour remercier, parce que j'ai perdu. Casse-toi, j'en ai rien à foutre des remerciements. Ilias! Tu veux quoi? Participe pas pour le porteur. Mais qui est? Qui est là? Participe! Allô? Oh là là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Brandon! Les Marseillais, moi à Paris, pour enculer le PSG. Ah bah ça... Oh, ils sont intelligents. Ça suffit, bande d'ingrats. Léo! Oh, Polo, tu sais comment ça s'appelle, ma fintech de bras? Non? Je sais pas. Bon, d'accord. Le beefsteak! Paris est magique, Marseillais va niquer ta mère. Calme, attention. Va niquer ta mère. Voilà, laissez les gens s'exprimer. Tu es parisien. Bravo le beefsteak. Le ouf. Ouais, Polo. Ouais. Je t'encule tellement que t'as plus de place pour péter, connard. Théophane. Ouais, c'est pour remercier pour plus. Mais vas-y, tu vas remercier combien de fois là? 20 000 fois. Oh là là là là. Ilias! Ilias! Bon. Brandon! Paris! Un tank! Le beefsteak! Ouais, je peux rester pour le générique? Non, qui est-ce? Bon, non. Léo! Allez, Marseillais! Hop là, dégage, le fou! Et Lola? Oui. Ah, ouf! Tape ton téléphone sur ta tête. Ça va. Yes, vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, dis donc, tu es en train de vous donner une gueule, c'est là. Une boîte de chaussures. Bon, Inola, tu es douce, bravo. Et Inola, tu seras la douce et Nolala. D'accord. Je suis en manque d'inspiration. Voilà, tu es douce, tu es adoubé, casse-toi. Hop là, Théophane, conclusion, s'il te plaît. Bah, c'est pour faire une dédicace. Mais qu'est-ce qu'il est con, Théophane? T'es encore plus bête qu'en vrai, vas-y, dédicace. Ouais, c'est pour faire une dédicace à mon pote Nicolas. Bon bah parfait, c'est bon? Ouais. Bah allez, ciao. Brandon, conclusion. Nous sommes les Marseillais. Hop là, ah merde, j'ai rappé. Le beefsteak. Zlatan défonce tous les Marseillais. Voilà, le Brandon. Zlatan, je le pèse. Beefsteak, attends, le beefsteak. Zlatan encule tous les Marseillais. Brandon, vas-y. Paris, le beefsteak. Non, tu te fous de notre gueule ou quoi là? Zlatan, comment ça va se passer là? Allez, hop, attends. On va raccrocher. Brandon, non, attends, conclusion. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Hop là, Léo. Tu peux participer au générique? Ouais, beefsteak. Avec Zlatan, la bouillabaisse, c'est de la merde. Bravo, casse-toi, le fou. Polo, branle-toi un coup. Ok, j'y vais. Ainsi se termine le polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui ont participé. Merci surtout à ceux qui ne participent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, sur la canebière, je suis premier. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais. Ah ouais, tous ces gens qui sont venus t'acclamer, là, polo, là, c'est beau. Hein, ça, c'est quand même magnifique, effectivement. Ouais, mais bon, je suis pas comme ça, moi. Générique de fin, alors. Bon, c'est qui? Léo, tu voulais faire générique? Ouais. Bon, vous connaissez le générique? Ouais. Nickel. Oui. Nickel. Chante-le avec moi parce que moi je le connais pas. Mais il y a Polo qui chante, c'est moi qui chante. Oh là t'inquiète, là. T'inquiète. Vous êtes prêts? Ouais. Attention. Ouais. 3, 2, 1, allez. Merde, attends. Attendez, j'ai oublié de brancher un fil, je suis con. Moi je m'étais déjà mis en mode match de foot, j'avais déjà tout coupé là pour regarder mon match et puis voilà, regardez, hop là. Du coup j'ai déjà raté à cause de vos conneries 3 minutes là. Oh là là. Il y a déjà 17 buts pour le Portugal, je les ai tous ratés là, c'est trop lourd. Ils sont tellement puissants qu'ils vont faire comme un mur. Ouais. Les Portugais. C'est drôle ça. Oui c'est bien. Con, merde. Ah. Bon allez on y va. Voilà, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Tu leur t'encules ton oncle. Ferme toi. Toi l'enculé, j'ai l'impression d'être à l'école des fans. Ouais. Ah l'enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger toute la journée. Il se met dans le cul, c'est bon maintenant. Mais putain, va te faire enculer, fils de putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, la suite, attention Léo. Que veux-tu? Ils sont canadiens. On y arrive. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi le Marseillais. Ferme ta gueule de merde, toi le Marseillais. La boule la veste, enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux. Oh, mais des enculés, c'est vrai. Et ben voilà. Allez, but du Portugal, ouais. Là on est bon là. Un vrai mur, la voilà, défense. But de la ligne, ils ont mis un but, ils ont pas fait un mur, mon mongolien. Mais non, mais c'est ça, ils sont tellement puissants qu'ils font c'est un ça, mur. Ouais, c'est ça, ils colmatent les brèches. Voilà, merci à Dylan qui m'a prévenu puisque j'étais pas au taquet là. But de Nani, voilà, très bien. Allez, ça c'est bon ça. On va faire des burgers, tu vas voir. Allez hop, on va payer burger, on va au McDo après. Bah, si tu veux. Ouais, Léo. Je voulais dire, je me passe cette offre. Oui, il est là, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je t'appelle ma mère aussi ou? Oh, top. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais te dire, en fait, j'ai un conseil. En fait, j'ai mal à la bite. Ouais. Je vais te demander, toi, tu pouvais pas envoyer ta mère? Non. Hey, Léo. Allez, tu fous le corps, raccroche-toi au nez, Léo. Allez, dépêche-toi. Ok. Allez, bah voilà, allez, dégage. Allez, vous faire enculer les Marseillais. Oh, c'est pas bien ça, Léo, là. C'est pas bien. Allez, casse-toi, Léo. Bon, merci en tout cas à vous d'avoir été là. Bon, Leslie, qui voulait faire une dédicace, hein, au moins elle organise ça, puisqu'elle était tellement mauvaise au match d'impro. Merci. Faut bien faire avec. Tu veux dire bonjour à qui? À ma belle-sœur Océane. C'est qui la belle-sœur? C'est la sœur de... C'est la sœur Anita, je fais un gros bisou parce qu'elle nous écoute depuis tout à l'heure. Ah bah donc t'as vu Océane, t'as bien vu que ton frère se fait chier au lit, hein, que ce soit clair évidemment. Il y a des nouvelles de maman ou pas d'Evelyne là? Non, pas encore. Elle vous attend avec le balai, vous allez voir ça. Ouais, c'est ça. Le balai dans un et le rouleau à la pâtisserie dans l'autre. Hein. Exactement, ouais. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été là, merci beaucoup, vous avez été très très bons. Et je dis pas ça, bon, alors, d'habitude c'est vrai qu'on se la ramène en disant, vous êtes le meilleur public, etc. Mais ils ont vraiment été bons en Marseille. Au top, vous êtes les meilleurs. Voilà, ils ont vraiment été bons. Rassurez-vous, on dira Paris à Lille quand on ira à Lille. Non mais, autant être franc, tu vois. Et puis tous ces gens qui sont venus nous voir. Ces gens qui sont venus nous acclamer. Moi je trouve ça très très beau. Et bah oui, tout le monde est encore là, évidemment. Ouais. Bon, dans un instant, c'est Party Fun qui va démarrer. On se retrouve demain, nous, à partir de 23h, avec encore des maillots, bien sûr, qu'on aura à vous offrir. Et demain, j'aurai la chance, dès 23h, de vous annoncer, bon, ce sera déjà cuit depuis longtemps, mais la victoire du Portugal, et c'est beau. C'est beau. Je suis en train de m'emballer, là. Premier but, j'ai peur que ça allait mettre trop en confiance. Enfin, on verra. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Merci beaucoup. Gros bisous. Ouais ouais. Merci pour l'accueil, merci à Eddy aussi qui nous a laissé son, son studio qu'on a ravagé. Hein. Et dit que vous retrouverez demain sur Fun. Hein. À partir de quelle heure demain? Demain, je suis en vacances. Ah, demain, il est en vacances. Eh ben, casse-toi. Ah, bah, casse-toi, merci. Là. Et puis, merci à Bruno et à Valentine. Voilà, c'est ça. Merci. À Bruno merci qui. Pour tout. Voilà, Bruno qui a fait quelques petites erreurs de son, comme vous pouvez l'entendre. C'est voilà. Bon, bref, moyen. Mais quoi, ça, c'est parce qu'il marche sur les câbles. Voilà, c'est ça. Et comme il marche sur les câbles, après, ça fout la merde, effectivement. Bon, merci à vous. Merci à tous les auteurs, ceux qui étaient là également hier soir. Et puis, bah, quand vous voulez, hein, si vous voulez qu'on passe chez vous la prochaine fois, c'est avec grand plaisir. Nous, on sera là jusqu'au 13 juillet, de toute façon. Et puis, bah, dès demain, à partir de 23h. Salut tout le monde, c'est Party Fun dans quelques secondes sur Fun Radio. Ciao, à demain. Bye. Ouais, ouais, ouais. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio.